Jusqu'au bout le son, Davichi encore une fois numéro 1 cette semaine de l'Eurodance 25. Sur Fun Radio, je vous redonne le top 5 de ce soir. 5e New World Sound et Thomas Newson avec Flûte numéro 1 des clubs en France en Belgique. 4e Fall avec Chendiz, numéro 3 Pitbull, Keisha avec Timber, 2e Martin Garrix avec Animal, numéro 1 des clubs en République Tchèque cette semaine. Et numéro 1 des clubs, numéro 1 en Hollande par exemple, encore une fois, donc et numéro 1 de l'Eurodance 25 Avicii avec Hey Brother. Eurodance 25 sur Fun Radio. Allez, belle fin de semaine à vous. Bon courage pour la zone C qui reprend les cours demain. Oh, déjà, attends, ça fait deux semaines. Mais c'est dur, non, mais c'est toujours dur. Ouais, c'est clair, ouais, non, mais c'est vrai. C'est à quasiment 20h que moi, jeune lycéen, j'ouvrais mon agenda en disant alors, demain, il y a quoi? Il y avait un devoir? Il y a une disserte? Non! Il y a une disserte à faire! Oh putain, ils m'ont rien dit! Bah, si, si, mais t'as pas écouté. C'était un peu ça. Ouais, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux, tout se passer par là, là. Bon, ça va aller. T'étais un bon élève, toi, ou pas? J'étais pas mauvais, ça va. Attends, genre moyenne haute ou moyenne basse? Moyenne haute, gros branleur en cours, mais je m'en sortais avec 13-14. Ah oui, d'accord, ok, parce que moi c'était plutôt moyenne limite pour passer, tu vois. C'est moyen. Ouais, c'était le minimum syndical. C'est-à-dire que je calculais mes points pour arriver à être pépère au mois de haut, c'est au printemps. Je pouvais plus venir et c'était bon, quoi, j'avais un peu d'avance. Donc c'était comme ça que ça marchait. Très bien. Donc Miko, une tête alors? Non, 13-14, c'est pas ce que j'appellerais une tête. Si, bah par rapport à 10, mec. Ouais, c'est bien. Tu veux, ouais. Voilà, ouais, je te fais un compliment, prends-le. Une demi-tête. Voilà, ouais, bon, on va dire ça comme ça, une demi-tête alors, très bien. Bon, retour le week-end prochain. Retour dimanche prochain à 18h pour l'Eurodance 25. D'ici là, plein de choses, Party Fun, le Fun Club 40 et retour de Party Fun tout à l'heure à minuit. Exactement, avec au programme. Avec Nicky Romero, ça se passe comme ça tous les dimanches. Et évidemment c'est une spéciale DJ Mag, ça se passe comme ça une fois par mois sur Fun Radio. Voilà, à partir de minuit juste après l'émission. Salut Miko. Bonne émission à vous. Et merci. DJ, voilà, c'est le nom que je cherchais, c'est Style of Eyes. Ah très bien, voilà. À ne pas louper. Voilà. Attends, ça c'est fait. Salut, salut, salut. Ciao. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Et c'est comme ça que ça se passe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, je me console. C'est avec tristesse. Non mais c'est parce qu'il y a une triste nouvelle. J'enlève d'ailleurs la musique pour commencer cette émission. Merde, Gad Elmaleh nous a quitté ce week-end. Oh merde. Non, c'est un con en fait qui a mis ça sur son Twitter, ce mongol. Et du coup, il y a plein de monde qui a sauté de choses. Ah mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais il est mort. Non, il va très bien. Enfin, a priori en tout cas. Donc c'est juste un mec. Comme quoi, c'est facile avec Twitter. Hein. Tu postes un truc n'importe quoi. Ouais. Et voilà. Attends, je vais essayer. Vas-y, viens, on essaye. Attends, on poste un truc à la con. Toff est mort. Ouais, je vais essayer avec Toff. Ah, mais ça, les gens, ils peuvent vérifier tout de suite. Faut trouver un truc moins. Ah bah quoi alors? Non, mais avec ton nom, c'est mieux. Mais on va voir. Ça se trouve, il y en a qui écoutent pas l'émission. Ils seront peut-être juste sur le Twitter. Alors, j'ai une triste. Alors, je vais essayer en live. Triste nouvelle à vous annoncer, le décès de Toff, grand animateur sur... Très grand, mais très grand s'il te plaît. Non, t'emballe pas non plus, sur Fun Radio. Vas-y, voilà. C'est ma nécrologie, fais un effort. Oui bah justement, on est déjà vachement trop là, sur Fun Radio. Nos pensées vont à la famille. Et voilà. Voilà, vont à la famille. Famille. Et je mets retweeter. Heureusement, ma mère n'a pas Twitter. C'est clair. Voilà, là, je vais avoir le coup de téléphone de ta sœur. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, il est parti. Il est décédé. Voilà, à le décès de Toff, grand animateur sur Fun Radio. Nos pensées vont à la famille. Ah oui, sans reste à la famille, forcément. Hop là. Et c'est le caillou. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. C'est tweeté. Alors on va voir comment ça va se passer. Combien y aura-t-il de retweets à cette connerie? On verra comment ça va se passer. Bon, allez, grosse émission ce soir, évidemment. On va pouvoir commencer cette première de la semaine. Hein. J'espère que vous avez profité du week-end pour dire à vos amis que, et même à la famille d'ailleurs aussi, puisqu'on en parlait, qu'il se passe enfin quelque chose de soir à la radio et que c'est le dimanche de 20h à minuit et du lundi au jeudi de 23h à 2h. Qu'est-ce que t'as fait ton week-end, toi, Mehdi, qui est avec nous là? Salut Mehdi. Rien du tout. Rien du tout. Sympa ça. Rien. Non mais c'est original aussi, hein. Rien du tout. Je trouve ça cool. Bah c'est sympa parfait. À faire. C'est sympa à faire. Moi je reviens de Madrid où j'ai. Bah évidemment j'étais là pour préparer les Jaguars, bien entendu. Évidemment. Évidemment, j'ai testé les mojitos dans certains bars. Ah d'accord. Check, tout est ok. Voilà, j'ai mis quelques photos sur ce week-end. Bon, évidemment, un week-end de travail, de dur labeur. Évidemment. Voilà, d'ailleurs, je voulais dire que j'emmerde Madrid puisque il a fait beau 10 jours avant que j'arrive, il fera beau 10 jours plus tard et pendant le week-end, il a fait dégueulasse. Ah. Bon, sinon, j'ai quand même ramené un cadeau pour Toff. Ah oui, un beau cadeau. Attends, mais je vais te le donner, tiens. Je suis impatient. Ah bah tu vas voir, c'est pour ton décès, c'est ton cadeau de décès. Déjà j'adore le sac, hein. Ouais, c'est une vache. Mais non, c'est un très très beau cadeau. Trop bien. Voilà. Une paire de lunettes. Oh, j'adore. Avec une bite qui va vers le front. Attends, on va mettre une photo. Oh, mais ça lui va super bien. Ah oui, une belle tête de merde. Attends, j'enlève juste l'étiquette. Voilà, enlève l'étiquette. Et il est content. Et il est content, mais il va la mettre ce week-end quand on va à Neuilly-les-Mines et au Havre. Mais bien sûr. Je rappelle qu'on sera donc à Neuilly-les-Mines. C'est vendredi soir, donc aux alentours de minuit. Hein, c'est au Whiz Club. Venez nombreux d'ailleurs, on aura plein de cadeaux à vous offrir. Et on sera le lendemain au Havre, c'est au Caliente. Et là aussi, évidemment, voilà, on vous attend nombreux. Alors ramène ta gueule là, qu'on fasse une photo là. Je suis pas au top. Attends, là. Attends, ramène-toi, je vais mettre le flash, il vaut mieux pour trouver tout le monde. Attends, hein. Ah, je bouge pas. Parfait. Voilà, c'est bon là. Merci Polo qui vient d'allumer la lumière. On est au top. Oh là là, en plus avec le fluo là. C'est paillette, hein. Strass et paillette. Ah hein. Non, là on est bien là. Ah non, Strass et paillette, je vous mets la photo dans quelques minutes en direct. Hop, bon, je fais l'émission avec. Ah bah, Magda qui dit Toff est mort, mais non pas ça. Laurine qui dit c'est parti pour le best radio show. Merci Laurine. Romain aussi, c'est parti pour une soirée d'enfer. Bon, on va tout faire pour. Lucas qui dit je veux trop gagner l'iPhone. Bah ouais, j'imagine, ouais. On en a un, tiens, vous offrir tout à l'heure là. Ce sera dans quelques minutes avec la colle de Dylan. Il y a le fils de putain également sur le Twitter. Un petit message de bienvenue pour un super fan. Je vais venir. Je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance sur toi. Voilà, Olivier qui voulait l'iPhone également et de Best Fan of Michael qui dit yes, allez, champagne tout le monde, je vais pouvoir remplacer ce salaud. On fait une toffe de ouf. Les bâtards. Ah bah évidemment. Voilà, évidemment qu'on fera la teuf, ça tombe sous le sens. Bon, Polo, lui, qui s'est fait masser tout le week-end, puisque bah forcément, à cause des JO et de la trottinette la semaine dernière, bah il a du mal à s'en remettre, hein. Les douleurs, tout ça, etc. Ouais, et je me suis fait masser avec de l'arnica. Bah oui, oui. Bah, c'était fort agréable, j'avoue. J'imagine. Bon, il y a Dylan également avec nous, là, de Nantes, là. Salut, Dylan. Salut. Comment ça va? Super, et vous? Passez un bon week-end? Ouais. D'accord, bon, ça a l'air d'être sympa. Moi, j'écoutais Fun Radio El Sonido Dance Floor. Ah. À Madrid, non, c'est très sympa, c'était local. Ah, c'est non, cool. Mais ça fait bizarre d'entendre le son des flancs en espagnol, tu vois. Ah, c'est bizarre, si vous allez en Espagne, il y a Fun Radio là-bas aussi, hein. Vous pouvez trouver les fréquences sur funradio.es. Voilà, ça aussi ça fait bizarre à dire, mais bon. Bon alors, bienvenue à toi Dylan, on va parler de cadeaux maintenant, puisque tu vas peut-être repartir avec un iPhone 5S, ce serait quand même pas mal. Bah oui, j'aimerais trop l'avoir. Bah tu m'étonnes, tu pourrais même télécharger l'application Michael No Limit et tout, bref, la folie totale. Bon alors, fais péter la colle Dylan, tu vas poser une colle, si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il y répond bien avant 22h30, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on va appeler tout à l'heure ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagne. Vas-y Dylan, on t'écoute. Ok, la souris mange le fromage, le chat mange la souris, qui reste-t-il? T'es sérieux avec cette colle? Quoi? T'es sérieux avec cette colle? Oui. C'est d'accord. Réfléchi. Non, mais c'était pour être sûr, pour voir si tu voulais vraiment gagner ou si t'étais là pour te marrer. Ah oui, j'ai vraiment envie. Ah bon, bah alors très bien, alors tout va bien. Et même celui qui gagne, il a intérêt de me donner après le cadeau. Ah bah oui. C'est ça, mais pourquoi tu vas lui casser la gueule à la récré? Non. D'accord, mais c'est bien. Bon, Dylan, donc je répète, la souris mange le fromage, le chat mange la souris. Que reste-t-il? Si vous avez la réponse, envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer dans quelques minutes. Je vous mets le post sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Reste bien avec nous, Dylan. Ouais. Très bien, bouge pas, on donne la réponse avant 10h30. T'as envie d'écouter un son particulier, Dylan, ce soir ou pas? Oui, New World Sound. New World Sound. Où est-ce qu'il est celui-là? Celui-là, avec la flûte. Ouais. Très bien, bah, je te le calerai tout à l'heure avant de partir là. New World Sound avec The Flute. Je vous avais calé aussi sinon le son de Major Lazer avec Shana Paul, Come To Me. T'aimes bien ça? Non. Non, d'accord, ok. Du coup on va l'enlever. Le nouveau son Martin Garrix avec Hélicoptère. Oui. Ah, très bien, et puis la fouine. Ouais. T'aimes bien ça aussi? Ouais. Eh bah très bien, on te mettra tout ça tout à l'heure sans aucun problème. Par contre je mettrai quand même Major Lazer, même si t'aimes pas, je m'en fous. Hein. Oh bah, tu vois, je m'en fous. D'accord, ok, bon bah très bien, parfait. Et Toff qui a également été à Bruxelles, là, on avait eu un auditeur, c'était Christophe de Bruxelles. De Bruxelles, ouais. Exactement, ce week-end, enfin jeudi on l'a eu à l'antenne, il était passé ce matin à la boulangerie chercher du gâteau. Voilà, sauf pour les 50 ans de Sandro. Voilà. Exactement. Sauf que lui n'était pas là. Bah, lui n'était pas là, il t'a posé un lapin. Putain, posé un lapin par un boulanger. Ouais, ça c'est honteux. Ouais. Voilà, bravo hein, Christophe. Hein. Toff il est venu et puis personne. Voilà, quoi. J'étais là, j'ai demandé, ah mais non, mais il est déjà parti. Ah bah ouais, bah sorti, vous pensez bien. Évidemment qu'il s'est barré. Là. est-ce qu'il vaut mieux se faire poser un boulanger par un lapin ou un lapin par un boulanger? C'est une grande question, ça pourrait être le débat de ce soir. Ouais. Le prince Nakin. Donc du coup, j'ai ramené de la tarte à la crème. Ouais, déjà 42 retweets pour la mort de Toff, on est bon là. Eh, on va nous faire encore. Et continuez à retweeter, hein, merci le prince Nadia pour l'info. Ariel qui dit l'expression d'usage est paix à son âme, mais comme nous le savons tous, Toff n'en avait pas. Oh. Et Prisca sur le Twitter, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Fun, je m'y remets ce soir, ça me manquait. Bah oui Prisca, là, t'étais où là depuis le temps là? Et Romain aussi, Toff est mort. Quelle triste nouvelle. Non je déconne. Oh il y en a plein, ils sont où? Ah ils sont ouverts hein, pour Toff, c'est cool ça. Bon et puis ah oui, il y avait aussi une grande partie de la France qui était en vacances là, hein, et puis la Belgique vient d'arriver, là il y a une partie aussi de la France qui démarre. Ah bah je voulais vous demander si où est-ce que vous aimiez partir en vacances, parce que je suis tombé sur un classement des pays où il y a le plus de touristes et la France est numéro 1. Devant les États-Unis et la Chine, il faut savoir que l'Ukraine est en 14e place devant la Thaïlande. C'était avant évidemment que tout le monde se tape sur la gueule. Hein, parce que là, là on c'est dire que là c'est un peu tendu là quand pour, même. Pour info, il y a Poutine qui s'y met et là je pense qu'ils vont nous déclarer une guerre mondiale. Hein. Bah, ça tombe bien, on est en 2014. Donc, comme c'est ça, c'est les prévisions de Nostradamus. C'est les prévisions exactement, ouais. Mais nous on est prêts. Hein. Tout est là. Et de toute façon, on mettra le cadavre de Thor, de Toff en bouclier. Et je suis heureux que tu me compares à Thor. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on est prêt, voilà. Donc dites-nous, bah, venez nous raconter l'endroit où vous avez passé vos meilleures vacances. Alors ça peut être à côté de chez vous, ça peut être à l'autre bout du monde, il n'y a pas de problème. Appelez-nous maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Mehdi, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Avec une technique que j'ai inventée pour tricher en examen. Avec qui? Une technique pour tricher en examen. Ah, t'as inventé une technique pour tricher aux examens? Ah bah très bien, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes. D'accord, pas de parfait. Bon, bah je vous mets le post également pour gagner l'iPhone 5S sur le Facebook de l'émission, donc Rancard sur le Facebook. Et dans 5 minutes, je vous mets la photo également de Toff avec sa nouvelle paire de lunettes que je lui ai ramené de Madrid ce week-end à la grande classe. Hein. Je suis trop... Ah bah oui, j'imagine. C'était avant sa mort, évidemment, parce que maintenant il est décédé, évidemment, il faut le savoir. Bon, allez, Shakira arrive aussi dans quelques minutes. Avec Can't Remember to Forget You. C'est ce qui débarque sur Fun, restez là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël, no limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est toujours en direct, évidemment, sur Fun Radio, 20h13, en direct dans toute la France. Et attention, j'ai oublié. Ce soir, Paris-Marseille. Ouais, Paris. PSG face à l'OM. Ouais. Lequel des deux va l'emporter? Est-ce que ce sera un nul? Est-ce que ce sera une victoire pour l'un ou pour l'autre? Eh ben, n'hésitez pas à nous donner vos avis, surtout. Évidemment, on attend vos pronostics avec impatience sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/MickaëlOfficiel. Avec Nicolas aussi. Salut à toi Mickaël, je kiffe ton émission. C'est Nico de Angers. Tu peux me faire un petit message de bienvenue, Simère à toi. Ouais Nico, je vais t'en faire un. Romain également qui dit l'Espagne sans hésiter pour les plus belles vacances. Et puis Christopher un autre qui dit Mickaël, je veux la chanson d'anniversaire, c'est mon anniversaire. Bah je vais te mettre ça dans quelques minutes là. Bouge pas de l'as surtout. Et puis bah, les nouveaux et soyez les bienvenus hein. 20h minuit. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Désolé hein, c'est parce que je viens de manger un gâteau alors. Forcément, je salive. Et comme il était tellement bon, n'est-ce pas, Polo? Je sursalive. Je bande. Ouais. Allez, 20h14, retour avec Mehdi dans quelques minutes. Et c'est Shakira qu'on écoute avec Rihanna. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit sur Fun. C'est Fun Radio avec le son de Shakira à l'instant. C'était Can't Remember to Forget You, bien entendu. Avec le son de Major Lazer à suivre. Ouais, je sais, Dylan t'aime pas. Je sais. Ouais. Bon, on l'écoutera quand même, Dylan. Je te le mettrai pour toi. Je te le ferai même une dédicace. Ah, bah, tu veux. T'as vu? Rien que pour toi, le son de Major Lazer. Voilà. Comme je sais que tu l'aimes pas, on va kiffer. Il y aura aussi Martin Garrix, le nouveau, là, avant 21h. Hein. Puis on aura aussi le Chéri, je peux te faire cocu. T'aimes bien le Chéri, je peux te faire cocu, toi ou pas? Ah ouais. Ah bah on va s'en faire un dans quelques minutes. Alors reste avec nous Dylan. Dylan qui est toujours là évidemment pour la colle. La colle qui va peut-être te permettre de repartir avec un iPhone 5S. Et pour ça Dylan, fais péter la colle. Vas-y, vas-y. La souris mange le fromage, le chat mange la souris. Mmh. Que reste-t-il? Voilà, la souris mange le fromage, le chat mange la souris, que reste-t-il? Vous avez la réponse, tant mieux. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook. Ça y est, je vous ai mis la colle. Vous allez pouvoir voir ça, j'ai la photo ou j'ai l'iPhone que je vous offre ce soir. Et qui sera peut-être le tien, Dylan, ce soir, va savoir. Ah bah, y a intérêt. Ah bah attends, on verra, l'iPhone 5S Gold. Non, je le gagne. Ouais, il s'emballe, le Dylan. Bon, vous allez sur le Facebook, donc facebook.com/MickaëlOfficiel. Florine qui dit: maman, vous m'avez tué avec les lunettes de Toff. Eh, hey, déchire mon cadeau de Madrid, non? Ah bah tiens. Ah, quand même. Le, d'ailleurs, je rappelle que Toff est décédé. Hein. J'ai mis le tweet tout à l'heure. Hein, la preuve, Toff. Il n'est plus là. Voilà, sa place est vacante. Voilà. Bah oui, s'il y a une fille, une blonde à forte poitrine qui veut la remplacer, n'hésitez surtout pas, mesdames. Le prince, Nadia qui dit: pour la France, je conseille comme destination, je vais dire Juan Lépin. Juan Lépin. Mais qui est resté à Madrid. J'y ai passé de très belles vacances, super coin. Et le fils de putain sur le Twitter qui dit: mort de rire la tête de Toff avec les lunettes de pédale. En fait, c'est des lunettes, pour ceux qui n'ont pas internet, c'est des lunettes avec une bite en fait, mais qui va vers le front. Alors au début, je pensais que ça cachait le nez, je me suis dit putain, c'est pas pratique. Et en fait, non, ça va vers le front. Donc voilà, plutôt sympa. Et cadeau qui m'a coûté un bras. Hein. C'est vrai, sérieux? 3 euros. Ah oui. Ah bah attends. Ah non, tu t'es ruiné. Ah bah attends, non, vraiment, merci, ça me fait 4 coca zéro. Hein. Ah ouais, non, que tu te sois ruiné à ce point, attends, ça vraiment 4 ça coca me... zéro, 7 cafés que j'aurais pu payer Apollo, ouais. Enfin bref, quand même. T'as vu Dylan la tête de Toff ou pas toi? Ouais. Oh putain, c'est... Et alors t'en penses quoi? La tête avec les lunettes, hein, je parle. Hein. Oh bah il fait grosse cale. Il fait grosse cale, très bien. Bon Dylan, reste avec nous pour la colle. On va récupérer Mehdi là dans quelques minutes. Et on fera les appels avec Toff également justement. Hein. Évidemment, avec du lourd encore une fois pour ceux qui étaient avec nous cette semaine. Vous allez pouvoir l'entendre et pour ceux qui n'étaient pas avec nous, eh bien vous allez pouvoir le découvrir. Bon Mehdi qui est de retour avec nous. Mehdi. Ouais. Tu veux un macaron ou pas toi? Non, merci. Ah, c'est dommage parce qu'il y a notre auditeur là, notre boulanger parisien, c'est ça, hein, de Paris. T'en prends le micro là, hop là, voilà. Notre boulanger de Paris, c'est ça, hein. Voilà, de Paris, je suis officier de métier. Exactement. Et sur Twitter, c'est quoi ton pseudo encore? Jérémy Titi. Exactement, Jérémy Titi, ouais. Qui nous a fait des petits macarons maison vanille. Ah. Alors? Bah je sais pas, j'ai pas goûté encore. Ah bah goûte. Ouais. T'entends pas mâcher, c'est pas normal. C'est normal. Ah bah oui, là c'est bien. Ah, ils sont pas mal. Ça goûte un peu la pâte d'amande, non? J'ai mis un peu de pâte d'amande. Ah, j'ai le palais. Qu'est-ce que vous croyez? Quelqu'un veut? Avec plaisir. Très bien, tant pis. Vas-y, donne un macaron. Ah non, j'en ai presque plus. Oh, genre. Quel escroc. Bien, un. Oh là là, quel escroc. C'est bon, ça me fera ma semaine. Voilà, parfait. Et c'est où est la boulangerie? La boulangerie, elle se trouve dans le 10e, rue Louis Blanc. Très bien, parfait. Bon bah écoute, c'est impeccable. Sandro, t'en veux pas, non, t'es au régime. Polo, bah il aime pas ça, il y a du porc dedans, donc t'en veux pas? Non. Bon, très bien. Hop, je garde devant la table de mix, c'est parfait. Bon, alors, bah merci beaucoup Jérém. Hein, Ah ouais, ils sont. Ah ils sont bien, hein. Ah oui, non. Ah ils sont bien lourds comme il faut et tout, parfait. Ce soir spécial pâtisserie avec le gars que Toff nous a ramené de Bruxelles là au taquet. Mais si je viens dans ta boulangerie, t'es là quand je passe ou pas? Je suis là, hormis le mercredi. D'accord. Eh bah, bon, on passera cette semaine. Bon, Mehdi, alors, toi, tu voulais nous donner des conseils pour tricher, toi. C'est un bon plan, ça. Enfin, ça dépend, après, faut voir la gueule du plan. Hein. Mais, allô, Mehdi, tu m'entends? Ouais, je m'entends. Ah, donc je disais, tu voulais donner des conseils pour tricher, toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi? Vas-y, explique. Bah, par exemple, en cours de géographie, t'as pas tout un cahier. Ouais. Par exemple, tu t'enregistres en train de lire le cahier. Ouais. Après, tu prends ton MP3 ou ton iPad ou je sais pas quoi, tu le mets sur la poche de ton pantalon. Ouais, bon, enfin l'iPad c'est quand même pas pratique à mettre sur une poche de pantalon, mais bon, on va dire sur un téléphone portable, ouais. T'imagines avec l'iPad dans le slibard. Ouais. Et alors? Et après, tu glisses l'écouteur au long de ton bras. Ouais. Et après, quand t'es dans la classe, t'as qu'à poser la tête sur ta main et tu pourras écouter tout ce que t'as dit. Ouais, alors ça c'est bien, je le faisais déjà aussi. Mais le problème, c'est que si tu peux pas connaître les questions dans l'ordre. Donc c'est-à-dire que si à un moment tu dois revenir en avant ou aller en arrière ou tu vois, c'est compliqué. Non mais faut tout effacer. Et après tu enregistres que ce que t'as dit au sujet du cahier. Ouais, c'est une idée. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hein. Alors moi, j'avais la célèbre... bon, évidemment, j'étais à l'école il y a quelques années. Hein. Bon, pas longtemps, 2-3 ans, mais bon, à l'époque, les iPhones n'existaient pas. Et j'avais une espèce de calculatrice avec mémoire intégrée. Il y avait double mémoire. Il y avait la mémoire normale, avec le numéro de téléphone, entre autres, etc. Et puis, il y avait la deuxième mémoire où je mettais toutes les infos du cours, les formules en bas, tout le bordel. Ah ouais. Et à chaque fois, je me faisais griller, t'as le prof qui arrivait. Qu'est-ce que c'est? Bah, juste une calculatrice. Oui, c'est ça, oui. Alors, tu sais, pendant tout le cours, il regardait, il essayait de trouver où est-ce que j'avais foutu les antisèches. Sauf que c'était dans la deuxième mémoire. Et en fait, dès que le prof arrivait, je poussais sur un bouton et hop, je switchais sur ma mémoire numéro 1. Et évidemment, comme c'était une mémoire planquée, il n'y avait aucun bouton qui disait pour aller dans la mémoire numéro 2, pousser sur ce bouton-là. Donc c'était plutôt pas mal comme, comme plan. T'as fait un plan particulier pour la triche ou pas? En fait, moi je recopiais le. Mais je pouvais pas le faire à tous les cours. Je recopiais toutes les choses importantes du cours sur la feuille de brouillon. Ah, pareil. Au crayon papier à l'intérieur. Ouais, pas mal. Et donc, du coup, après, t'avais juste à aller rechercher. Et alors, le pire du pire que j'ai fait, c'était en bio. Ouais. Je préparais ma feuille d'interro où tout était écrit dessus en tout petit, en super, super léger avec un crayon. Et donc, je recopiais juste ce que j'avais besoin. Pas mal. Et Jérémy, le prof, pas du tout. Le boulanger, notre boulanger. Je faisais des gâteaux avec des. Non, moi, j'ai toujours triché sur les voisins. Ah, triché sur les voisins, ouais. Donc, les heures d'école. Ouais. Et ce qui est bien pour le truc de l'anti-sèche, en fait, dans la double feuille, là, c'est que tu peux dire, ah bah non, mais c'est une feuille que j'avais utilisée hier pour mon brouillon. Oui, c'est voilà, ça, et ouais. C'est resté là-dessus, je savais pas. Excusez-moi, je savais pas. Et tu l'as déchiré. Sinon, il y a un bon plan, c'est la chemise. Vous mettez une chemise, ouais. Ça, il y a une espèce de petit, bon, il y a les boutons, il y a deux boutons à la chemise, donc il y a toujours un où il y a une espèce d'ouverture. Ouais. Voilà. Et ben en fait, vous mettez vos trucs dedans là, et puis après vous regardez, vous mettez votre bras contre le bureau, vous regardez, et puis si jamais le prof arrive, vous levez les bras, tout tombe dans le coude, et bah voilà, hop, nickel, bien connu. Bon, le problème c'est qu'après il faut les redescendre, hein, donc y a ça le c'est coup un problème. Si tu peux tout écrire en fin dans un petit bout de papier, tu le glisses dans le bic, dans le stylo bic. Ouais. Il y a sur le bras. Moi, j'écrivais sur mes bras. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, évidemment, le problème, c'est que moi, quand je faisais ça, c'était force de tout écrire. Bon, en fait, je connaissais tout par cœur, donc j'en avais plus besoin. Sinon, il y a la double étiquette de bouteille aussi. Ouais, en fait, tu décolles proprement l'étiquette de bouteille et tu laisses genre un mini espace avec du scotch. Et donc, du coup, là, ce qui est collé sur la bouteille, t'as juste à faire tourner l'étiquette pour pouvoir le lire. Ouais, ou alors mieux, t'écris. Alors, tu me dis, Mehdi, hein, si on trouve des trucs, mais ça me vient comme ça. Tu prends une bouteille, genre Vittel, enfin bref, une bouteille transparente, hein, ça peut être coca, n'importe quoi. T'enlèves l'étiquette, derrière, t'écris toutes les réponses, tu recolles l'étiquette, et au fur et à mesure que tu bois, bah, tu vois toutes les réponses arriver, quoi. Et après, il y a aussi, si vous avez encore une trousse, vous pouvez écrire dans la trousse. Ouais, mais c'est bah, old school, ça. Non, mais faut. Ouais, bah oui, c'est old school. Ouais. Où il y a aussi le coup. Comment vous faites, vous, chez les morts, Tof? Nous, chez les morts, bah, je rappelle que Tof est décédé, on peut le voir sur le Twitter. Hein. Bah, nous, on a le savoir universel, donc c'est vrai. Il y a Renaud qui dit la technique de Polo, elle passe crème sur le Twitter. Il y a KenDR également, je veux un bout de gâteau, moi. Bah, venez à la radio, on en a là. Il y a Renaud aussi, c'est tant mieux que Tof soit mort. Oui, c'est son âme qui parle avec nous, son fantôme. Dédé qui dit donc Tof est mort et Polo va se charger du recrutement de la nouvelle recrue. Bah, c'est un peu ça, effectivement. Donc, si vous êtes blonde à forte ou pas forte poitrine, on n'est pas dans le détail. Même brune, hein, au final, on n'est pas dans le détail non plus. Même rousse. On est vraiment pas dans le détail. Moi je préfère non pas rousse parce que Tof mais on s'en fout t'es Tof, mort. Il aime oui mais rousse. Justement Tof, il aime bien les rousses donc ouais. On va c'est dire pour ça comme ça. Pour perpétuer un petit peu mon image. Ouais c'est vrai. Il y a Grrr sur le Twitter également qui dit moi je mettais mon anti-sèche dans ma trousse et The Best Fan of Mickaël qui dit comme quoi Tof a une vraie tête de bite. Ah là c'est clair avec la nouvelle paire de lunettes que je lui ai offerte de Madrid ce week-end. Je peux vous dire qu'il est pas mal. Bon si vous avez des beaux conseils à donner pour les triches la triche en l'occurrence n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000. Il y a également Romuald qui de Marseille. Salut Romu. Salut. Comment ça va? Ça va et toi Mika? Bon de Marseille, est-ce que t'as un pronostic pour le match là, Paris-Marseille ce soir? Allez l'OM ouais. Nettement Marseille, hein. Moi je suis trop pour Marseille. Parce bah, que j'imagine. Marseille, en fait. Mais un pronostic en chiffres. 5-0 pour Paris. Ouais, à mon avis, ils vont prendre une branlée monumentale. Ah ouais, ouais. Attends, je vais faire l'enculé là. Attendez, là. Je vais parler que sur Paris, désolé les autres. Vas-y, j'adore comment tu dis, ouais. Voilà, là, je vais parler que pour la province et pas pour Paris. Évidemment, ouais, Marseille, les meilleurs du monde. Hein. Allez Marseille, allez l'OM. Allez Paris. Voilà, merde, j'ai oublié de couper vos micros, du coup, il y a ma voix qui est passée derrière pour tout le monde. Merde, quel con. Bon, je me suis fait griller, je suis un enculé. Voilà, bah, c'est comme ça. Bon, Romuald, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi, là? Bah je suis un peu gêné mais bon vu que je vous ai appelé c'est parce que ça commence à me peser lourd sur la conscience en fait voilà bah, j'ai une petite anomalie en fait j'ai une petite bite. Mais quelle oh non mais attends, anomalie, attends combien parce que c'est facile de dire j'ai une petite bite mais il y en a ils ont une bite de 15 cm sont persuadés qu'elle est petite. Mais non. Ça fait combien en centimètres? Moi en érection en fait elle fait 6,50 hein. Ah oui. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est. Excusez-moi, on a été coupé madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as la barbée. Mickaël nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Oui, bon, évidemment, là, c'est un peu petit, Romuald. On va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous, hein, d'accord ? Allez, ça va. Bon, Mehdi également dans quelques minutes. Le retour, Alexis Paris de Nancy, les appels de Toff. Et continuez pour gagner l'iPhone 5S, la rencard sur le Facebook de l'émission. Maintenant, facebook.com/Mickaël officiel. C'est Major Lazer et Sean Paul. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, oui, il est 20h32 sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël, nos limites. Et puis on se follow également sur le Twitter de l'émission. Tapez MIKL underscore, c'est le petit tiret en bas. MIKL underscore officiel. Et puis on se follow. Là, en 7 mois, on est déjà plus de 26, presque 26 000, je crois, sur le Twitter de l'émission. 353 000 sur le Facebook. Venez nous rejoindre également, notamment pour gagner l'iPhone 5S. Ce soir, tirage au sort dans moins de 2h. Facebook.com/Mickaël officiel. Ariel qui dit la meilleure anti-sèche vue dans un film Jap, se boucler les cheveux, écrire les réponses sur une bande de papier et la cacher dans les cheveux. Ah, c'est pas mal. Let's be Fritz également. Pour tricher, il y a un site internet pour imprimer de fausses étiquettes de blanc ou bouteilles d'eau. C'est oui, pas mal. C'est ça, moi j'avais déjà vu ça en fait. C'est écrit tellement fin sur la bouteille que t'as l'impression que de loin que c'est le vrai logo. C'est pas mal. Il y a Oyo aussi sur le Twitter. Moi, pro de la triche, la meilleure technique c'est de mettre son sac sur les genoux et de regarder tranquillement les réponses. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a des profs qui préfèrent mettre le sac par terre. Il y a une personne sur Twitter avec une montre connectée, genre smartwatch Sony ou Samsung Galaxy Gear, pas mal aussi. Stéphanie également, moi je sortais carrément mon cahier pour regarder dedans, c'est tellement flagrant que ça passait crème. Ouais, parfois au plus c'est flag, au plus ça passe. Ouais, mais ça, c'est abusé ça. Ah ouais, mort de rire, il a une petite bite, moi j'ai pas ce problème en tant que black. Tu m'étonnes Terry. Et la petite fée également sur le Twitter, bonsoir tout le monde, de retour après une semaine sans vous écouter. Eh ben bravo la petite fée là. Hop, coup de pelle, c'est tout ce que tu mérites. On va faire les appels de Toff. Mais allons-y. Je rappelle donc on est à 55 retweets sur le décès de Toff. Hein. C'est peu. Parlons avec son fantôme là puisqu'il nous a quittés. Donc c'est malheureux. C'est mon âme qui erre dans le studio. Exactement, c'est triste. Donc continue à retweeter hein, sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël, ce post que j'ai mis tout à l'heure. On va parler de clitoris. Oui, de gros clitoris. Exactement, oui. Puisqu'on a appris que en fait la taille de la bite n'avait aucune importance. Hein. Je pense que ça fera plaisir à Mehdi. C'est la taille du clitoris. Non, c'est pas Mehdi, c'est Romuald. Ouais, ouais. Ah oui, pardon, Romuald. qui va donc, enfin c'est la taille du clitoris qui va jouer. Donc plus d'accord. Le clitoris est gros, plus la femme a du plaisir. Donc plus on avait petit, dommage. Ouais, forcément. Donc on avait appelé des gens donc pour leur demander s'ils avaient ou pas un gros clitoris. Exactement. Voilà. Donc on appelle maintenant. Allez, c'est parti. On y va. 20h34 sur Fun Radio. C'est dimanche soir. Bienvenue hein, si vous venez de débarquer. Moi c'est Mickaël ne limite. Il y a Toff, il y a Polo, il y a Sandro. On est là. Il y a aussi Jérém, notre boulanger ce soir qui le est passé nous voir. Officiel. Le boulanger officiel de l'émission qui est passé nous voir avec pain. Des macarons. Non, le pâtissier. Approche-toi du micro, approche-toi, tire le micro. Non, le pâtissier plutôt. Le pâtissier, pardon, c'est vrai, le pâtissier. Pourquoi c'est pas bien boulanger, c'est honteux. C'est pas mon métier. C'est pas tombé. Bon, le pâtissier officiel de l'émission, alors très bien. Bon, allez, on y va, on appelle maintenant. Et il est toujours 20h34 sur Fun. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je vais savoir si votre femme avait un gros clitoris, monsieur. Oui, bah vous, connerie, vous la gardez pour vous. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Ah, il a quand même dû bien respirer, hein, donc ouais. On va rappeler quand même encore. Il a du souffle. Ah oui, complètement. Il y aura le chéri, je peux te faire cocu à suivre aussi. Moi, passe-moi, deux. Oh, vive, bonsoir, fils de pute, comment tu vas? Bah, ça va bien, vous, monsieur? Ah, mais très bien, tu fais quoi? Bah, en fait, je voulais savoir si votre femme avait un gros clitoris, monsieur. Bah, je sais pas, la tienne, demande à la tienne, hein, je sais pas, hein. Bah, nique ta mère, sale fils de pute. Mais non, attends, il parle de femme, on demande à sa femme, et la tienne, elle est comment? Bah, je sais pas, j'ai pas de femme, moi, monsieur. Ah mais elle est avec moi là, je suis en train de la baiser. Mais non, y a pas de femme, ce type il se touche tout seul. Oh c'est triste. Bah, le pauvre, c'est triste. Oh c'est triste hein. Oh là là. Oh ouais c'est triste. Oh putain c'est triste. Oh. Et... Attends, mais tu le vis comment mon garçon? Tu le vis comment? Bah moi je le vis bien et vous? Moi? Bah moi j'en ai rien à foutre, c'est ta vie mon gars. Bah voilà, donc du coup vous pouvez me dire si elle a un gros clitoris ou pas? Bah je sais pas, demande à ta grand-mère. D'accord. Ouais. Bah écoute. Elle doit savoir à cette heure-ci. D'accord, mais parce que en fait moi je veux vérifier parce qu'il paraît que les gros clitoris ça donne plus de plaisir. Bah je sais pas, demande à ta grand-mère, elle doit savoir elle. D'accord, ma grand-mère. Ta grand-mère non? Pardon? Elle est connue pourtant ta grand-mère. Ah bon? Je sais pas, demande-lui. Bah je sais pas moi. Bah demande-lui ta grand-mère. D'accord. Elle doit savoir, elle est rodée à cette heure-ci. D'accord, bah je vais lui poser la question alors. Tu penses que tes demi-frères et demi-sœurs ils sortent d'où? Demande-lui. D'accord, bah je vais lui demander alors. Bah je t'en prie, écoute. D'accord. Voilà. D'accord. Et t'as rien d'autre à me dire? Non, moi je veux juste savoir pour le... T'as juste... pas marrant du genre clitoris encore, tu vois. Non, moi je veux juste savoir pour le gros clitoris, c'est tout, hein, moi c'est tout ce que je veux savoir. Oh bah écoute, je sais pas. Hein. Ta grand-mère elle doit savoir ou je sais pas. D'accord, bah je vais demander à ma grand-mère alors. Ouais bah, je t'en prie, écoute, hein, tiens-moi au courant. Hein. D'accord, avec plaisir. Vas-y, y'a pas de soucis. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Il était gentil, hein. Ah oui. Bon, on en a pas beaucoup appris malheureusement, mais il était gentil. Bon, restez là, je vous cale aussi le son de Martin Garrix avec Helicopter dans quelques minutes. Alexis, ça te branche là le son de Martin Garrix, t'aimes bien? Ah ouais, nickel. Très bien, t'as envie d'écouter un son en particulier ou pas tout à l'heure avant la fin là? Oh, un petit showtech. Un petit showtech? Oui, bah showtech, alors attends, où est-ce qu'il est showtech? Celui-là, tiens. Bouillard. Voilà, c'est ça. Bon, je peux pas tout vous mettre, hein, mais je vais essayer de te le caler avant la fin de l'émission également. Il y a New World Sound aussi à mettre tout à l'heure, à demander par Dylan. Donc, pas de problème. Sinon, j'ai aussi le son de la fouine, t'aimes bien? Ouais, c'est bien, ça la fouine. D'accord, ouais. Et puis Daft Punk aussi. Ouais, c'est nice aussi. Eh ben, très bien, voilà, on va se mettre bien ce soir. On va te chiller pendant que Toff aurait chié s'il a encore envie. C'est ça. Il n'est plus là, évidemment. Ah bah avec plaisir. Voilà, ça passe à travers. Voilà, je mets sur son fantôme bien entendu puisque je l'ai mis sur Twitter hein, comme merde, comme Gad Elmaleh, hein, Toff nous a quitté aujourd'hui malheureusement. Ah, j'avais une tête de bite alors. Hein. Et oui, bah voilà, bah on peut contre complètement, vous pouvez voir sa photo d'ailleurs avec ses lunettes en tête de bite que je lui ai ramené de Madrid ce week-end. C'est l'image magnifique que le monde gardera de moi. Ah oui, c'est vrai. Bon, message aussi qui est arrivé, il y a Gru qui dit le pâtissier qui ramène des macarons, c'est trop gentil mais nous on en veut aussi. Bah venez dans le studio là, Gru, n'hésite pas. Alexandra qui dit moi je suis dans mon bain et je me régale à vous écouter. Mais j'espère que tu ne te régales pas qu'à nous écouter, Alexandra. Léo également, moi mon anti-sèche, je mets les cours sous mes mains, d'accord. Et Echo, Toff, enfin mort, mon rêve est enfin réalisé. Je présente Toff, je plaisante, pardon, tu vas nous manquer. Et Redouane, allez, Fun Radio, meilleure radio. Merci beaucoup, Redouane et Aline également. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas écouté, mais ça fait plaisir de vous retrouver. Ben Aline, où est-ce que toi aussi t'étais, dis donc. Hop, aussi un petit coup de pelle. Bon, Alexis, toi tu voulais réagir à midi? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, Mehdi qui voulait, qui nous a présenté la meilleure pour lui anti-sèche. Et c'est quoi la tienne, Alexis? Alors en fait, c'est tout simple. Hein. Tu prends une carte postale ou un papier rigide. Ouais. Ensuite, tu prends une punaise, t'écris tes réponses sur la carte postale et te l'accroches sous la table et t'as juste à faire pivoter la carte postale pour regarder les topos. Ah ouais, c'est pas mal. Fort. Ouais, elle est pas bien, mal. Celle-là. Ouais, elle est bien aussi celle-là, effectivement. Et t'as testé celle dont on a parlé tout à l'heure là ou pas encore? J'ai pas fait attention, c'était quoi, c'était avec l'écouteur? Bah bravo, non mais l'écouteur ça c'était l'idée de Mehdi. Moi j'avais eu l'idée de mettre les papiers, tu sais, dans une chemise par exemple, tu sais, dans l'entrée. Alex? Ouais, je t'écoute. C'est qui gueule derrière là? Ouais, c'est un pote à moi, Paul. D'accord, ok, je lui mets un coup de pelle, tiens. Je lui mets un coup de pelle, ouais. Voilà, c'est merci. Fait, hop, c'est plié. Donc je disais mettre les anti-sèches, mais dans la manche de la chemise, tu vois, comme ça, si jamais tu te fais griller, tu lèves la main et hop, tout tombe dans le coude. Donc à tester, ouais, également, bon, ouais. Pourquoi pas. Donc voilà, attends, il y avait Dimitri également qui est avec nous d'Orléans. Salut Dimitri. Salut Dimitri. Comment ça va? Ça va, impeccable. Bienvenue Dimitri. Alors, c'est quoi ton anti-sèche, toi? Alors du coup, je l'avais vu sur un site, ça va être tricher.com, un truc comme ça, il y a longtemps. Donc c'est à la seconde, parce que après j'ai arrêté, parce que je me suis rendu compte que bah forcément ça allait pas aller pour le bac si on avait rien appris. Ouais, ah bah, ça servait surtout, ouais, pour les matières genre espagnol ou des trucs où il y a les vocabulaires. Ouais, en fait, ouais. J'ai transformé ma gomme en, on va dire, en livre. D'accord. C'est genre les gommes MAPED avec l'espèce d'emballage carton autour. On découpait en fait au niveau de là où c'était collé. D'accord. On mettait une feuille de papier pour faire un système de clapet. Ouais. Et en fait, entre le carton et la feuille de papier, on mettait une petite lamelle de ferraille, genre un trombone, un tout petit truc aimanté. Et dans la gomme, tu fais deux petits trous et tu mets les aimants, genre des magnets, des magnétiques. Ah ouais, et en fait, pas ça mal. Fait et ça s'ouvrait, ça fermait, tu pouvais poser ça sur la table tranquillement. Et dès que la prof arrivait, tu refermais. Et donc du coup, bah faut avoir une espèce de pression en fait pour la lever. Donc ça peut pas s'ouvrir et fermer tout seul. Ouais, c'est et pas donc, mal. Ça prenait, fallait un quart d'heure, une demi-heure à faire. Et ouais. Ce qui était bien, c'est qu'après tu pouvais rajouter des petits post-it à l'intérieur, tu les découpais à la bonne taille, et du coup tu pouvais faire plein de pages comme ça. Ah, et putain, donc c'est si t'écris bon, avec un critérium genre mine 03, donc très petit, ouais, et bah tu peux copier, moi j'ai réussi à copier une leçon entière d'histoire dessus quoi. Et en seconde, c'était pas mal. Et on faisait ça avec mon pote, donc bon après là c'était un peu de la délinquance, parce que mon pote il allait en fait au Carrefour, il volait il prenait une poignée de magnettes, il mettait dans sa poche, lui il passait la soirée à dénoyauter en fait, à enlever les aimants. Ah, on achetait les gommes et en fait nous après bah comme les gens ils voyaient que ça marchait bien, Et ben on leur vendait 2 euros la gomme en fait. Ah ouais, oh, vous en aviez fait une industrie quoi. Oh, il fait du business. Oh, bah les escrocs. Ouais, oh non, avec toi, coûtait 1 euro les deux gommes quoi. Ah oui, bah tu m'étonnes. Bah, avec toi, on a été des délinquants aussi. Hein. On faisait notre business. À l'époque, c'était le début du MP3, etc. On vendait des albums. Ouais. Des albums piratés, bien entendu. Et franchement, on faisait notre vie. Hein. Ah ouais, non. Franchement, ça permettait de faire plein de trucs. Hein. Franchement, j'ai quitté l'école. Il y a un mec qui a repris le flambeau. Il s'est fait gauler. Il a pris pour tout ce que j'avais fait moi. C'est bon ça. Non, c'était pas mal. Bah, merci Alexis et Dimitri. On en parlera avec Michel, d'autres. Michel, ouais, Alexis. Ouais, est-ce que tu peux faire une petite insulte à Paul, s'il te plaît? Non, bah bien sûr, avec plaisir. Là. En plus, il a parlé en plein milieu. Là, attends, je vais allez, en mettre une là. Regarde, c'est pour lui, Paul. Attends, écoute. Tu veux que je te fasse une tête au carré, ce bâtard? Voilà, il l'a eu, tiens, avec plaisir. Salut Alex, salut Dimitri. Possible d'avoir un petit cadeau, oui, les gars? Oui, je te repasse un pack fun. Sans problème. Salut Alexis. Merci. Ciao à toi. Salut Dimitri également. Il y aura John Paul aussi dans quelques minutes. Il y aura Romuald le retour. Il y aura Mel. Il y aura la colle avec Dylan, bien entendu. On n'a pas oublié. Et puis il y a eux aussi qui disent, si je me fais choper avec une anti-sèche demain, je dirais que c'est Mickaël qui m'a donné l'idée. Bah, si tu veux, ouais. Au pire, t'apprends, c'est Thomas et le prince Néa qui dit ce soir, c'est l'anniversaire de Stefanini. Happy birthday. Hâte d'entendre la musique spéciale d'anniversaire. Bah oui, en plus, on me l'avait demandé tout à l'heure aussi. Voilà. Bon anniversaire. Voilà, j'ai plus le nom de la personne qui m'a demandé l'anniversaire tout à l'heure, je suis désolé, j'ai complètement zappé le prénom. Voilà, bon anniversaire. Voilà, et la finale, c'est parfait, le chéri, je peux te faire cocu, va débarquer dans quelques minutes. Ah bah c'est Christopher qui voulait la chanson d'anniversaire, bah voilà, comme ça on a fait une petite doublette là. Bienvenue, si vous venez de débarquer, c'est Mickaël, No Limit, retour donc avec tout le monde dans quelques minutes. Et puis avec vous en direct, surtout là, 01 42 48 5000 pour nous appeler, ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle, envoyez M-I-K-L, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros que nous. Mickaël No Limit, tous les dimanches, 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct, évidemment, sur Fun Radio avec tous vos messages qui arrivent en direct, 20h48. Il y a le match Paris-Marseille qui va démarrer aussi dans quelques minutes. On va le suivre, bien sûr. Allez, l'OM. Évidemment, il y a Dylan également avec sa colle pour gagner l'iPhone 5S. Dylan, est-ce que tu es là? Dylan n'est pas là, c'est pas grave. La souris mange le fromage, le chat mange la souris. Qui reste-t-il? C'était la colle de Dylan. Si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien vous envoyez. Vous allez sur Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, pour tenter peut-être de repartir avec votre iPhone 5S. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Il y a le chéri, je peux te faire cocu qui va démarrer dans quelques minutes. Et puis je vous en parle depuis 20h. Le nouveau son de Martin Garrix, le Hollandais, qu'on va écouter dans quelques minutes, dans moins de 10 minutes d'ailleurs. Ce sera Hélicoptère pour ceux qui ne connaissent pas. Et ben voilà, c'est ça le son de Martin Garrix. Et si vous voulez écouter d'autres sons, bah demandez, hein, y a aucun problème, vous demandez avec le hashtag et Mickaël. Surtout n'hésitez pas, Christopher également qui dit Mickaël, sans vous le soir dans la bande FM, ce serait nul. Merci Christopher. Putain le con même mort, il continue de nous faire chier, c'est Claude du 5-9. En parlant de Toff bien sûr, et Marikel qui dit les astuces de merde, rien ne vaut le portable avec les photos du cours sous la table. Et Sarasvati sur le Twitter, une de mes colles était ma trousse où j'écrivais dedans. Je changeais souvent de trousse. Et puis après, Luxia Giatia. Mickaël, c'est trop délire, je t'adore. Love, merci beaucoup Lux. Je vais dire Lux, c'est plus facile. Priska aussi sur le Twitter, la meilleure amie anti-sèche. La meilleure anti-sèche, pardon, c'est copier par-dessus une pochette plastique. Et tu la poses sur la table et il y a le reflet du cours qui est écrit, c'est pas mal. Et Abdou qui dit aussi, vous pouvez pas juste apprendre au lieu de tricher. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans l'idée, c'est quand même vachement plus sympa. Hein. Ouais. Vachement ouais. Plus. Mais t'as pas toujours les logique. Bonnes réponses. Ouais, c'est vrai. Et The Best Fan of Mickaël qui dit j'adore les jingles, surtout celui du génie. Tu m'offres une Ferrari. Ouais, bon, on le mettra tout à l'heure, y'a pas de problème. On va se faire également le chéri, je peux te faire cocu. C'est maintenant que ça va se passer. Et on va accueillir Emma qui est avec nous maintenant. Bonsoir Emma. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah écoute, très très bien Emma. On va faire un petit chéri, je peux te faire cocu? Ouais. Bon, très bien. Comment s'appelle monsieur? Madame. Comment s'appelle madame? C'est pareil. Stéphanie, d'accord, ok. Bon, alors, chérie, je peux te faire cocu, t'es avec elle depuis combien de temps? Un an et demi. Un an et demi, très bien. Elle est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas?

Non. Bon, c'est Mickaël, t'es sur France Radio. Ouais. Mais non. Stéphanie ? Oui. Ah voilà, t'es sur France Radio, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Mon Dieu, quoi. Ah oui, bah oui, mais enfin bon, alors, oh là là, quelle agressivité quand même. Alors, on est pas ouvert sexuellement, c'est dingue. Non, bah, il y a des choses, ouais, non. Bah c'est non. Non, mais là, j'ai honte, hein, j'ai honte. Ah oui, là, oui, là, tu peux, ouais, c'est pour ça que je t'avais demandé, bah, je dis excuse-toi avec toutes les crasses que tu m'as dites, tout ça, et enfin hein, bon. Bon. Ouais, bah bon. Est-ce que tu lui parles encore ou on la récupère? Non, non, je la garde. Ah bah non, bah d'accord, ok, très bien. Comment vous êtes rencontrés, Emma de Reims et Stéphanie de Namur? Sur Paris. Ah, sur Paris, bah non, normal, c'est international. Non, mais c'est bien de se rencontrer comme ça, parfait. Très bien. Et alors, qui tient la culotte à la maison, même si j'ai bien une idée là-dessus? C'est Stéphanie. Non, mais... Ouais, je pense, hein. Hein, Stéphanie, c'est toi qu'on appelle Roger, non? Non, pas hein vraiment, non, quand même. C'est toi qui as les couilles. C'est toi qui as les corones, comme on dit, hein, apparemment. Non, j'en ai pas. Ah, non, t'en as pas non plus. Bon. D'accord, ok, bon, très bien. En tout cas, c'est dommage de gâcher un 90 avec une autre fille. Mais bon, oui, bon, moi, je veux bien faire un plan à 3 si c'est vraiment pour rendre service. C'est bon, je. Bah, hey, d'ailleurs, on sait toujours pas à quoi ressemble Emma, tiens. Mais bien sûr, alors Emma, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu, Emma? 40 kilos. Ah, il faut manger, Emma, maintenant. Quel est ton tour de poitrine? 85B. Et la tête de ton pantalon que tu as acheté? 34. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Moi je prends les deux directs. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Quel gâchis! Oh là là! Non mais ça dit n'importe quoi en fait. Elle n'a jamais été fourrée. Bah oui, oh, c'est poème, dommage. Ah, c'est gâché. Enfin, elle n'a bon jamais été fourrée. Bon, Emma et Stéphanie, on va quand même vous envoyer le haut-parleur Bluetooth. Là ça. Ouais, alors le Bluetooth ou alors smartphone, vous préférez quoi les filles? Smartphone? Bon, ouais, avec Android ouais à l'intérieur. Ah, bah, très bien, on va te filer ça, y a pas de problème. Gros bisous les filles! Bisous! Vous embrasse, à bientôt, ciao! Au revoir! Et si vous voulez faire aussi un chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas, on remet le couvert demain. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On a des cadeaux évidemment. Il y a eux aussi qui dit ok les bêtes. Il y a Kender, je pleure de rire trop fort le chéri, je peux te faire cocu. Kelly également sur le Facebook, même si c'est une blague, mon mec me sort un truc comme ça, il dégage direct, mort de rire. Le fils de Poufias sur le Twitter, il y a moyen d'avoir un message bien crade pour ma conne de tante qui est en train d'écouter. Écoute, ma foi, pourquoi pas si c'est demandé comme ça avec gentillesse. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Voilà. Qui a également Echo qui dit oh la violence, j'espère pour elle qu'elle n'est pas aussi violente quand elle broute le minou. C'est, oui, bah c'est mieux, ouais. Et le prince Nadia qui dit j'ai tout quitté pour ta sale gueule de merde, elle est quand même assez violente. Renaud il dit ce chéri, je peux te faire cocu, est excellent. Emma aussi, violent le chéri, je peux te faire cocu. Le fils de Poufias encore, c'est extra. Et Stéphanie, j'ai loupé. Le à ma connaissance t'aimes pas les zizi. Du coup j'ai avalé de travers. Mauvais jeu de mots. Ce qui est quand même bien c'est que la meuf qui est quand même Gwyn me traite moi de sale pédé. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui était quand même ouais, très très beau, hein. Et The Best Fan of Mickaël qui dit ah oui ce magnifique chéri, je peux te faire cocu, énorme. Elle parle dès le début, la meuf c'est excellent. Et Chenin aussi, enfin Stéphane plutôt, qui dit c'est cool de vous écouter tous les soirs, vous m'avez manqué, vous êtes trop fort, continuez comme ça. Merci Stéphane. Il y en a beaucoup qui sont de retour, hein, de retour de vacances. Oh les pauvres. Ce qui veut dire que demain back to school ou back to work, ça dépend évidemment. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Ah il faut que ça arrive, hein. Bon ça y est, le match Paris OM a démarré là, une minute de jeu et toujours 0-0. Allez l'OM. Encore heureux, vous allez me dire. Retour avec Romuald dans quelques minutes qui se plaignait d'avoir un sexe trop petit. Et Mehdi également qui voulait nous proposer des antisèches. Comment faire pour bien tricher? Eh ben ce que je propose c'est qu'on en parle dans quelques minutes. Il y aura Christine également qui est avec nous. Oh merde, Christine, aïe, c'est la bouteille. Allô Christine. Ah, elle snorcie normalement, ça va aller. Christine! Oui, ah, comment ça va, Christine? Pour les... Oui! Oui, et... alors, comment tu fais, toi, pour niquer le barman? Les antichesses! Oui, les antichesses! Comment j'ai passé mon bac? Ah, oui, non, mais même, même le dimanche soir. Hein. Même non, le dimanche soir, oui, elle a des cuves du samedi. Hein. Du samedi hein. Ah, bah oui, oui! Oui, bien mais, sûr! J'ai mis sur mes bras. Ouais. J'ai mis. Ouais. Machette. Ouais. Ouais. D'accord. Attends, tu mettais les antisèches dans ta chatte? Oui, mais c'est... je ne sais pas. Je suis là parce qu'il y a les bordels là, qui nous réveillent. Ouais. C'est le bac. Et c'est pas grave. D'accord. Mais le week-end fut bon sinon. Hein? Le week-end était bon? Là? Le week-end, il était bon? Non, les Chinois qui pissent. D'accord, le micro-ondes, d'accord, ok. Mais bon, d'accord. Non, mais pas le micro-ondes. Ça a coulé à flot, là, ce week-end, hein, il me semble. Hein. Ah bah là, elle a bu, elle a bu, elle a bu. Hein. Oui. Ah, ça a mais coulé à flot. C'est pas grave, je ferai la ah, ah bah... la grêle sur la tête. Hier matin, je suis faire les courses. Ah bah bien sûr. Et alors, ben oui. Eh bah tiens, j'allais t'en parler, figure-toi. Je vais dormir dans la voiture. Voilà. Prendre une seconde douche. Ouais, ouais, exactement. Excusez-moi. Oui. Quelqu'un comprend ce qu'elle dit ? Non, mais quand on vous disait que l'alcool était dangereux pour la santé. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe ! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe ! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est toujours en direct évidemment sur Fun Radio, 21h08 en direct dans toute la France. Toujours 0-0 pour PSGOM évidemment. Il y a Fredes34, il dit qu'est-ce qui était bon chéri, je peux te faire cocu là, quel kiff. Et Laurine, mes meilleures vacances étaient au Canada. Assure avec un petit message de bienvenue. Ah oui, je l'ai lu pour la conne de tente là, c'est fait. Dites-nous d'ailleurs, où est-ce que vous avez passé les meilleures vacances? On a vu que la France était le pays le plus visité au monde. Derrière, il y avait les États-Unis. En 14e, il y avait l'Ukraine et puis la Thaïlande. Mmh. Évidemment, l'Ukraine, c'était avant qu'ils se tapent tous sur la gueule, bien entendu. Donc, venez nous en parler. Toujours l'iPhone 5S à gagner avec la colle de Dylan. La souris mange le fromage, le chat mange la souris. Que reste-t-il? Enfin, qui reste-t-il en l'occurrence? Envoyez simplement pour jouer avec nous votre réponse sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vous souhaite bien sûr bonne chance et vous pouvez aussi jouer par SMS. Hein. MIKL est la réponse au 64 900. Je vous souhaite bien sûr bonne chance. Il y aura la fouine qui va suivre dans quelques minutes et puis on se cale le son des Daft Punk maintenant sur Fun Radio. C'est le son de Instant Crush. Bonne soirée, c'est MIKL No Limit sur Fun Radio. Le son des Daft Punk à l'instant, Instant Crush sur Fun. Mickaël No Limit, 20h minuit. Sur Fun Radio. Bon, il y aura dans quelques minutes le son de la fouine qui va débarquer sur Fun Radio. C'est trop d'adversaires, sur le côté quelques ennemis refoulés. Ils feraient tout pour nous faire taire. Ouais, je vous calerai aussi le son d'Avicii. Avec Addicted to You. Ça va débarquer sur Fun Radio, donc restez bien à l'écoute de Fun. Et puis on va se faire d'autres appels avec Toff. On aura le canular qui va débarquer. Riel qui dit mes meilleures vacances, même si j'étais super malade, c'était à Porto, une ville vraiment magnifique. Ah ouais, c'était bien. En revanche, alors faites attention, hein, pour le coup, j'ai déjà été, bah forcément étant portugais, j'y suis déjà allé plusieurs fois, mais n'allez pas visiter les caves en plein juillet, en plein après-midi. Ah. Vous avez tendance à boire un petit verre, deux verres, trois verres, et puis quand vous faites le tour de toutes les caves de Porto, bah la fin de la journée est dure. Très enfin, la fin de la matinée en fait est très rude. Il y a Kalash qui dit mes meilleures vacances c'est en Turquie. Christopher aussi au Portugal dans notre pays d'origine. Mickaël, oui c'est vrai Christopher, c'est là où je me suis le plus marré je pense. Ouais, Amandine aussi, je viens de faire le déménagement d'une de mes amies, très dur. Je viens de rentrer et sur la route la première chose que j'ai fait c'est d'allumer la radio pour vous écouter et franchement ça m'a redonné la pêche, surtout avec le chéri, je peux te faire cocu, merci de me faire rire. Bah merci beaucoup Amandine et gros bisous à toi. Et Margot du 26 qui dit I believe Heineken fly, dédicace à Christine. Voilà, évidemment. Elle est drôle, ah oui, complètement. Et le prince Nadia qui dit même si Toff nous a quitté ce soir, on a de la chance car on peut réécouter les appels de Toff de la semaine passée. C'est ouf. C'est vrai, c'est beau la technologie. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Voilà, Toff qui est décédé à 20h, j'ai mis un tweet, hein, Twitter, hashtag Mickaël. Allez voir. Et puis followez-moi également. Hein, je vous followerai aussi d'ailleurs. Tapez Mickaël _ officiel pour qu'on se suive. Si vous faites un follow, je vous ferai un follow évidemment. Mickaël _ officiel. Alexandra, je suis allé à Wiener, je sais pas si ça se dit comme ça, ou Wiener. En Allemagne, près de Brême, en voyage sportif et j'avoue que j'ai bien aimé. Et le prince. Ah oui, ça j'avais déjà lu. Ourki55, salut toute la team. Est-ce que tu peux me donner un message de bienvenue pour ma femme Rachel? Merci l'équipe et continuez comme ça. Bah bien sûr, avec un petit message pour Rachel. Alors attends, je vais t'en mettre un petit là. Alors, pour Rachel. Ouh non, il est tôt. Il est trop tôt, je m'emballe. Qu'est-ce que je peux mettre? Oui, pas mal celui-là. Mais va te faire un peu tâter l'arrêt du cul, d'accord mon gars. Voilà, pour Rachel, on t'embrasse Rachel évidemment. Bon, on va se récupérer maintenant Mehdi. La colle avec Dylan qui va pouvoir répéter là. Dylan, t'es toujours là? Oui. Ah très bien, parce qu'on t'avait perdu tout à l'heure là. Ah non, non, c'était toi. Ah bah non, moi je te parlais, tu me répondais pas. Ah si, je répondais. T'es en train de dire que je suis un menteur, c'est ça? Tu peux être éliminé pour ah ça. Ah non, non, non, hein mais... Dylan, nickel. Dylan, tends la joue. Quoi? Tends la joue. Tu l'attends là? Non. Tends la joue, je te dis. T'es éliminé. Tends la joue. Non, non, non, non. Si, si, si, tends la joue, Dylan. Non, non, non, Dylan, non. Je devais malheureusement devoir passer sous un tunnel si tu ne tends pas la joue. Tu tends la joue? Excuse-moi. Voilà, non, non, t'as encore la joue. Voilà. Voilà, c'est tout ce que tu méritais. Bon, alors Dylan, vas-y, fais péter la colle pour gagner l'iPhone 5S, peut-être pour toi dans une heure. On t'écoute. La souris mange le fromage. Le chat mange la souris. Que reste-t-il ? Alors, la souris mange le fromage, le chat mange la souris. Qui reste-t-il ? Vous avez la réponse ? Tant mieux. Envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 par SMS depuis la Belgique, sinon sur le Facebook. Hein. Alors, vous êtes déjà plus de 10 000 à avoir répondu. Alors, évidemment. C'est pas mal. Mais vous avez donc une chance sur 10 000, ce qui, dans l'absolu, est quand même vachement plus intéressant qu'à l'euro million. C'est vrai. Faut dire les choses. Il y a Justine qui dit la réponse à la colle, c'est le fromage. C'est ça ou pas, non. Dylan ? Non ? On proposait il ne reste rien. Non. Non, bon, tant pis. Si vous avez la bonne réponse, allez-y tous les autres là. facebook.com/mikaelofficiel, on tire au sort dans une bonne heure. facebook.com/mikaelofficiel, vous répondez là où j'ai mis la colle et là où il y a la photo où je pose avec l'iPhone 5S Gold. A tout à l'heure, Dylan. Oui, tout à l'heure. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je vous ai mis également ce vers midi, je pense, un truc comme ça. C'était comme un moment où j'étais à l'aéroport, je revenais du week-end à Madrid. Pour le travail, bien sûr. Hein, pour le travail. Bah évidemment, Michel. Évidemment, j'ai été chercher une belle paire de lunettes pour Toff. On en doute pas, bah oui. Magnifique paire de lunettes. Je ne te remercierai jamais assez pour cette belle paire de lunettes. Que vous pouvez voir sur Instagram, Twitter et sur Facebook en tapant Mickaël officiel. Où Toff, on prouve une fois de plus que Toff a une tête de bite. Oui. Enfin, avait une tête de bite, puisque je rappelle que Toff est décédé. Ouais. Bon, donc je disais, je ne sais pas si vous avez vu cet après-midi sur le Facebook, je vous ai mis un tableau avec les signes du zodiaque. Et donc, du coup, vous pouvez voir en fait quel signe est compatible avec lequel. Genre, il y a des petits logos. Et donc, alors, je prends l'exemple. Donc, moi, je sais que je suis compatible avec... Alors, je suis un bélier homme. Je suis compatible avec les béliers femmes pour l'amour, avec les lionnes, avec les sagittaires. Voilà. En revanche, avec les capricornes, ça, pas du tout. C'est sexuellement super avec une vierge ou avec un scorpion. Voilà. Ah, c'est bon, ça. Et puis après, il y a l'union basée sur l'amitié, blablabla, blablabla. Bla, bla. On peut faire des bébés. Alors, je pourrais faire des bébés avec une cancer, a priori, hein, ça sans problème. Pour le reste, c'est compliqué. Et puis voilà. Donc, si vous êtes. Alors, Toff, t'es quoi, toi ? Balance. Une meuf, toi tu peux. Alors, balance, c'est où balance ? C'est là. Toi, tu peux surtout pas avec une bélier. D'accord. Avec une gémeaux sans problème. C'est très sexuel avec un poisson. Voilà, il faut que tu trouves une poisson. Ben je vais immédiatement chercher une poisson. Voilà. Et Polo, lui, il est poisson. Il est poisson aussi. Ah, ben voilà. Non, mais homme-femme, c'est pas pareil. Ah merde. Alors lui, Polo, il trouvera l'amour avec un cancer ou avec un scorpion. Et pour baiser nickel, il faut se taper une balance. Hein. Voilà. Mais oui. Femme. Enfin, sauf si vous êtes gay, après vous faites comme vous voulez. Mais je veux dire, sinon effectivement avec et ce micro qui casse de nouveau comme d'habitude, comme tous les soirs, c'est un truc de ouf. Bon, si vous voulez aller voir, je vous l'ai mis sur le Facebook cet après-midi. Je vais vous le remettre en haut là, comme ça vous allez pouvoir le voir plus facilement. Donc facebook.com/mikaelofficiel. Sandro, t'es quel signe toi ? Poisson. Hey, bah voilà. Ah mais tu peux taper Toff. Bah voilà. Bah voilà. Depuis le temps, ça y est. Je te le dis. Ça y est, on a enfin trouvé. On a enfin trouvé. On va être bien là. On a enfin trouvé et ça c'est beau, dis donc. On est au top. Bon bah facebook.com/mikaelofficiel, vous allez voir. Et puis on en parlera tout à l'heure. Hein, si vous y croyez aussi en ce genre de truc, les tableaux là avec les signes astrologiques compatibles avec tel et tel signe, on en parle et appelez-nous aussi d'ailleurs 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Dédé qui dit le signe astrologique de Toff c'est blaireau. Renaud sur le Twitter, je suis crevé avec ma mamie, on se tape des barres sur Fun. Magda aussi sur le Twitter, et oui, Toff nous a quittés, c'est une bien triste nouvelle. Clems du 94, meilleures vacances à l'île Maurice. Oui, ah. Bah forcément, et là, bah oui, évidemment, encore heureux, il manquerait plus que t'aies passé de mauvaises vacances à l'île Maurice. Et Swag Heard Girl qui dit moi j'ai l'impression d'être en vacances avec tous les touristes, j'habite à Nice, tu m'étonnes. Et Lucille, Djerba les plus belles vacances, gros bisous l'équipe, vous êtes les meilleurs. Et Jojo qui dit paix à son âme pour Toff. Oui, ah bah oui, Jojo oui. 78, c'est évidemment. Merci, que voulez-vous. Bon, Mehdi qu'on récupère, qui nous avait appelé parce qu'il voulait des conseils anti-sèches et il voulait donner les siens. Et on a John Paul avec nous maintenant du 77, salut John. Salut Mickaël. Oh, salut John Paul. Et c'est John Paul ton prénom ou c'est juste John ou c'est Paul ou... Non, c'est John Paul. John Paul, JP quoi. Voilà, c'est JP. Voilà. Ok, non, ok, on a nickel. JP, pas... Donc c'est pas mal. Pourquoi okay. Pas Jean-Paul ? Ouais. Pourquoi John Paul ? C'est mon père, Jean-Paul. Ah, ton père c'est Jean-Paul et toi t'es John Paul. Oui, et j'ai un frère qui s'appelle Jean-Philippe et j'ai un oncle qui s'appelle Jean-Pierre. Ah, oh là là. Oh, la famille des prénoms composés, dis donc. Ah oui, mais c'est ça, quoi. Oh là là, putain, c'est bon, ça. Bah oui, grave. Ah oui, non, mais c'est sûr, pendant que Polo est en train de mater de la meuf. Non, c'est comme Clem, c'est Clem. D'ailleurs, j'ai fait un bisou. Comme d'habitude, il faut savoir que je vois de travers son écran. Donc, mon écran. Voilà, donc du coup, je vois quand il est en train de mater des meufs mais qui sont un peu bonasses, etc., sur le Facebook ou le Twitter de l'émission. Donc méfiez-vous, les filles, parce qu'il a un œil. Il a un œil dessus. Bon, alors, c'est quoi ton plan, toi, John Paul? Alors, moi, mon conseil, c'est que je prépare l'anti-sèche avec une simple feuille et après, avec mon taille-crayon, je la colle dessus. Et ça marche très bien, je mets ça dans la trousse et le prof, il a jamais rien vu. Ah ouais, pas mal. Et t'as combien de moyenne grâce à cette technique? Bah 3. Non. 3 parce qu'en fait je me suis fait gauler toutes les fois, donc mais ça marche hein, mais. Non, je me suis jamais fait gommer là de. Gommer. Je le fais depuis le début de la 5ème ouais. Et nickel. Et les profs ne voient pas, mais ouais. Ça me met une bonne. Ah bah tu vois, si t'avais pas triché, tu dirais pas les profs ne voient pas. Juste pour le moment tu vas éluder la question, mais combien de moyenne? 11. 11 ah putain, oui. En trichant, c'est quand même pas beaucoup, hein. Heureusement que tu triches alors, hein. Essaye un peu sans tricher, parce que t'arriveras peut-être à 14. Ah ouais, ça serait pas mal, ouais. Bon, je vais essayer, écoute, hein. Ah, parce que 11 en trichant, mec, waouh. Heureusement que t'as un prénom composé, hein. C'est déjà pas mal, hein. Moi, j'en connaissais qu'il y avait moins, bon. Ouais, mais enfin, voilà. Pas en trichant, John Paul. Oui, je sais. Parce que là, c'est chaud, quand même. C'était la moyenne que j'avais sans tricher, mais quand je trichais, j'ai misé. Ah, il faut pas faire 20, évidemment, sinon c'est flag. Mais tu fais petit 15, quoi. 14, 15, 16, pas plus, surtout. Hein. Ouais. Parfois, il faut faire des fausses réponses exprès. Hein. Ouais. Vous répondez à côté, parce que sinon, ça fait trop bizarre. Surtout si vous êtes un cancre, d'habitude, et que tout d'un coup, à l'examen... 20 20 sur 20, tiens. C'est bizarre. Il y a Kalash qui dit John Paul, c'est le frère de Sean Paul. Bah, peut-être. Hein. Il est pas dans la famille, non? Alors, ça, on me l'a dit. Ça, c'était assez marrant, hein, maman, ouais. John Paul. Ah, ça devrait essayer ça. Sean Paul. John Paul. Il y a Jojo qui lui dit John Paul alias Sean Paul. Ok, je sors. Ouais, tu peux sortir et tu prends Kalash avec toi du Twitter. Hein. Le prince Néné qui dit se faire poser un lapin par un boulanger, j'avoue que c'est pas de bol. Mais se faire poser un lapin par un boucher, c'est encore pire. Effectivement, le prince Nadia, vu comme ça, on va arrêter ce genre de vanne. Bon, attends, il y a Mel également qui est avec nous de Trappe. Salut Mel. Allô. Oui, allô. Ça va bien Mel? Oui, salut Mickaël. Dis-moi, la trappe, elle est au grenier ou à la cave? C'est drôle ça. Je sais. Oh, dans la gueule, je m'en vais. Dis-moi, Mel, est-ce que t'as un truc entre les jambes? Moi, qu'est-ce que j'ai entre les jambes? Ouais. Ah bah moi, j'ai une grosse bite. Hein. D'accord, mais c'est pour savoir, parce que comme c'est Mel, 14 ans, tu vois, c'était pas forcément clair dans les oreilles de tout le monde, mais au moins maintenant, on sait à qui on parle. Tu te la racontes pas un peu, là? Non, pas du tout. Quelle taille? Comment? Quelle taille? Parce que vous, si cela ramène. Oh, une vingtaine de centimètres. Oui. Ouais, divisé par. Tu mets une virgule entre 2 et 0, c'est ça? Non, ça c'est le détoffe. C'est pas faux, effectivement. C'est fait pas faux. Bon, alors, Mel, toi, c'est quoi les plans pour la triche? Bah, en fait, moi, je prends une copie double. Donc, je m'en sers pour le contrôle. Ouais. Et j'écris au crayon papier dans la copie les réponses. J'ai pas compris. En fait, j'utilise une feuille pour le contrôle et je note les réponses dedans au crayon papier. D'accord. Et ça marche. Voilà, c'est ça. J'ai juste à l'ouvrir et voilà. Mais j'ai toutes les réponses. Pas mal. Mais dis, t'as pris note de tout ça là? Comment? Ouais, absolument. Bon, très bien. Ça peut te servir, hein, sait-on jamais? Ah bah ouais. Bah tu m'étonnes, ouais. Bon, bah merci, Mel et John Paul alors. Hein. Bah de rien. Ouais, John. J'ai une question à te poser. Est-ce que je pourrais avoir une dédicace et un pack fun, s'il te plaît? Une dédicace. Ah, tu veux une carte, des photos dédicacées? Ouais. Oui, bien sûr, c'est dans le pack fun, y a pas de problème. D'accord. Est-ce que je pourrais faire une dédicace à tous ceux qui m'écoutent? Écoute, vas-y, profites-en alors, justement, okay, ils sont là. Merci. Alors, je fais une dédicace à Jean-Pierre, mon oncle. Je fais une dédicace à Gabriella. À Jean-René, à Jean-Philippe, à Jean-Michel, à Aurélie, ma grande. Jean-Christophe, à Maxence. À Jean-Polo, Jean-Michel. Et à Lorenzo. C'était pas plus simple que tu fasses une dédicace à tous les gens que tu connais? À tous les prénoms composés. Eh, pourquoi vous faites pas une association? Ceux qui sont en train de m'écouter, en fait. Pourquoi tu fais pas une association des prénoms de merde, comme les alcooliques anonymes? Non, c'est pas bien, mais prénoms composés, quoi. Prénoms composés, c'est la portée. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais, Mickaël, je peux faire une dédicace moi aussi? Bon, bah vas-y, Mel, profites-en. À une seule personne, toi, pour le coup. Hein. Ok, bah je fais une dédicace à Arthur Mesonop. Très bien, bah, le message est passé sans problème. Salut, à bientôt Mel. Ouais, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro Standard. Ciao à vous. Ciao. Merci d'avoir appelé Fun, à bientôt tous les deux. Merci Mehdi d'être passé également, tu reviens quand tu veux toi aussi. Hein. Dis Mickaël, je pourrais te demander un truc? Bah demande toujours, on sait jamais. Je pourrais parler avec Christine. Tu veux parler à... C'est sérieux? Ah, Christine, elle est partie, ouais. Christine. Attends, on va essayer de la récupérer. Je pense qu'elle a eu une petite descente là, à un moment ou un autre. Bon, bouge pas, Mehdi, on va te la repasser. On va essayer de la rappeler dans quelques minutes, surtout. On aura Dylan avec la colle également, donc. Et puis, toujours, dites-nous quel signe vous êtes. Vous balancez votre message, hashtag et Mickaël. Quel signe êtes-vous? Et du coup, on pourra voir avec quel signe vous allez pouvoir être le mieux, en fait, en l'occurrence. Voilà, vous nous dites ça maintenant. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Sur le Twitter, vous mettez le hashtag et Mickaël. Et Chloé qui dit, moi, j'ai 15 et demi. Sans tricher, il faut juste se faire. Il faut juste faire sa lèche-cul auprès des profs. Ouais, Chloé, mais bon, on sait très bien que les filles sont plus intelligentes que les garçons. C'est pas sûr, hein, c'est pas nouveau. Et Jules qui dit, moi, je suis nouveau dans l'émission et je surkiffe. Un petit message de bienvenue, s'il vous plaît. Le signe astro de Toff, c'est Chacal. Oui, exactement, exactement. Bah, un petit message de bienvenue, je t'en mets un. Attends. Oh, on va mettre des nouveaux, tiens. Attends, celui de la semaine dernière, là. Et allez vous faire soigner, hein, profond. Voilà, c'était pas le plus violent, hein. Si je te mets la main sur ta gueule, espèce de bâtard. Je te jure, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Eh bah, tu vas voir ce qui va t'arriver. On va faire les appels de Toff, justement, puisqu'on en parle. Il y aura le canular qui va arriver dans un petit quart d'heure. Et puis, on se fait maintenant, comme promis, le son de la fouine. Maintenant, sur Fun Radio, 21h27. C'est Mickaël No Limit. On est sur Fun Radio jusqu'à minuit. Faites passer le message. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Pour nos côtés, quelques ennemis refoulés. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit, sur Fun Radio. Exactement, et sur Fun Radio, on est là, il est 21h30. C'est comme ça tous les dimanches soirs de 20h à minuit pour les nouveaux qui débarquent, ou pour ceux qui sont sur la route du retour de vacances, ou l'inverse, ceux qui sont sur la route du départ en vacances. Et ben, vous les écoutez peut-être pour la première fois, donc soyez les bienvenus. C'est comme ça que ça se passe, donc tous les dimanches de 20h à minuit, et tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du mat. On suit également pour vous le match, le classico, hein, Paris-Marseille, pour l'instant toujours 0-0 pour la 27e minute de jeu. Il y a Fatima qui dit, moi je suis bélier aussi. Il y a Lydie, moi je suis Sagittaire, pardon. Et alors Fatima qui dit, je confirme, pour avoir été avec un balance, j'ai vécu les plus sales moments de ma vie. Un gros boulet, le mec. Oui, parce que je vous ai mis un truc cet après, mais je vous l'ai mis maintenant en haut de la page, sur facebook.com/MIKAELOfficiel. Un tableau, donc, avec les signes des femmes, le signe des hommes, et donc le tableau qui explique avec quel signe vous pouvez vous entendre sexuellement, avec qui vous allez pouvoir faire un bébé, avec qui vous allez pouvoir bien vivre, ou au contraire, avec qui ça va être un drame, ou même avec qui ça va être l'extase sexuellement parlant. C'est quand même plutôt pas mal, dans l'idée. Et on s'est rendu compte que Sandro était faite pour aller avec Toff et inversement. Et mais ça, oui. C'est beau. Ça y est, nous allons vivre notre histoire d'amour au grand jour. Ah ouais, il y a Emma aussi. Moi, mon signe, c'est Scorpion, avec qui j'irai bien. Alors attends, donc femme Scorpion, toi tu vas bien avec... Alors surtout pas les béliers, donc déjà... Ah si, sexuellement on est au top. Voilà, Scorpion et Bélier, c'est parfait pour le cul. Parfait aussi avec les Gémeaux. C'est l'amour avec les Cancers. Bébé avec les Vierges. Encore une fois, les Scorpions, c'est très bien pour l'amour. Et puis ça va pas du tout avec les Verseaux. Voilà, donc tu pourras pas baiser avec Polo. Ah bon? T'es Verseau, toi? Non, je suis Poisson. Ah, ou Poisson. Et donc alors ça va. Bon voilà, pour les autres, allez-y. Hein. Il y a Mélie aussi. Je peux savoir ce qu'il faut. Je suis Vierge. Fille, merci d'avance, bisous à tous, la meilleure radio du monde, merci Maily. Alors toi t'es vierge fille, c'est, où est-ce qu'elle est la vierge fille? Sexuellement au top avec les béliers, l'amour avec les taureaux, l'amour avec les vierges, l'amour avec les capricornes et au taquet des Verseaux également, sexuellement parlant, mais ne surtout pas aller avec un poisson, voilà, comme ça c'est fait. Moi je suis vierge également, bah allez voir hein, sinon hein, comme ça je vais pas tous les faire à l'antenne, mais vous pouvez voir sur le Facebook de l'émission, je vous l'ai mise, facebook.com/MIKAELOfficiel. Bon, on va parler maintenant avec Toff et les appels. Hein. Mais je oui. rappelle que tous les jours, on appelle des gens, à gauche, à droite, pour leur poser des questions, toujours les plus sérieuses les unes que les autres. Ah bah toujours plus sérieuses, bien sûr. Évidemment. Et donc cette fois-ci, c'est quoi? Eh ben, on avait entendu, enfin, il y a l'application Tinder. Ouais, exactement, ouais. Hein, où toute la radio essaye de se pécho. Et nous, on avait trouvé beaucoup mieux que ça. On avait trouvé Tinder, hein, donc l'application pour trouver un plan à trois. Ouais. Donc, soit il faut être un couple, soit il faut être tout seul. Et puis tu trouves un couple ou tu trouves ton troisième. Et voilà. Y a Kinder aussi, où y a trouves des œufs en chocolat. Exactement, tout à fait. Mais après, ça c'est différent, bien entendu. Voilà. Donc, on va faire le premier appel du coup maintenant grâce au numéro que vous envoyez hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, on appelle tout de suite donc pour vérifier cette grande question par rapport à cette question. Voilà, surtout chercher quelqu'un pour un plan 3. Oui, c'est ça, effectivement. Allez, on y va, c'est parti. 21h. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche d'un couple pour un plan A3 et je veux savoir si vous seriez disponible. C'est une blague ou quoi là? Ah non, pas du tout monsieur. C'est qui là? Moi je m'appelle Toff. Mais t'es vraiment con toi? Bah pourquoi vous dites ça monsieur? Je t'emmerde, ma connard. Oh non, monsieur, enfin, bon, allô. Ah oui, bah, il avait pas l'air très ouvert à la discussion. Hein. Non, il est même très fermé, je veux dire. Bon, on le rappelle. Il avait l'air gentil. Allô. Oui, monsieur, je comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. Bah, t'arrêtes tes conneries, toi. Mais c'est pas une connerie, monsieur, moi je suis sérieux. Ouais, mais moi aussi je suis sérieux, moi. Bah, alors, monsieur, on peut peut-être s'arranger. Ouais, va te faire foutre, connard. Mais enfin, monsieur. Bah, si tu rappelles corps, je te préviens, tu viens ici, je te boire ta gueule, moi. T'as compris? Mais enfin, monsieur, s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, quel malotru. Oui, c'est ça, quelle violence gratuite. Incroyable, on le rappelle. Dis donc. Oh, c'est bon, peu de respect avec un mort. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. Ouais, mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Ben en fait, je voulais savoir si vous étiez disponibles tous les deux pour un plan A3. On va se faire foutre, connard. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Ah, toujours le bon accueil. Hein. Oh là là, on est bon là. Bon, 21h34, on appellera d'autres personnes tout à l'heure, on aura le canular aussi. Bah d'ici 10 petites minutes, 10 minutes, un quart d'heure grand maximum, il y a Lisa qui dit: Mickaël, pourquoi Toff demande la taille et le poids quand on voit sa gueule? Ah bah je confirme, mais c'est la grande question, c'est clair. Mélanie également sur Facebook, je suis en cours par correspondance, donc je peux tricher comme je veux. Ah bah. Ouais, mais du coup, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Thibaut qui dit: je suis taureau, moi je défonce tout. Il y a Dilek, moi Toff le bolosné, et Grrr qui dit: c'est ennuyeux que Toff soit mort, mais c'est bien pour toutes les filles qui ne l'ont pas encore rencontré et qui ne coucheront jamais avec. En effet, vu comme ça, c'est clair. Et Dylan qui dit: Toff mort, c'est cool, on fait la Toff. Tu sors par contre pour cette balle de merde. Là, en revanche, là, c'était impardonnable. Impardonnable. Bon, je rappelle que vous pouvez toujours venir me suivre sur le Twitter de l'émission, sur Instagram. Tapez Mickaël _ officiel sur le Twitter. Si vous me faites un follow, eh bien, je vous ferai un follow également. Hein, par derrière pour les filles, bien sûr. Et puis une bonne poignée de main pour les garçons, quoi qu'il en soit. Si vous me suivez, je vous suivrai aussi. Voilà, je vous attends avec impatience. 21h35, retour de Mehdi, à qui on avait déjà dit au revoir, mais qui voulait parler à Christine. Et du coup, ça tombe bien, on a récupéré Christine. Christine! Oui, je suis là. Ah, y a Mehdi qui voulait te parler, Christine. Oui, il y a un mec qui me parle, attends, il faut que je sorte. Oui, bah enfin, sors où tu veux, sors où tu veux, Christine. Je pense que c'est surtout sortir de non, ton corps, pour tu le réseau, faire. Le réseau. Ah, sors de... Sur... Oui, voilà, c'est ça, parce que dans la bouteille, ça capte pas. Hein, la bouteille voilà. Oui, ça capte non, pas dedans. La bouteille, elle est... elle est vide, oh, elle est bien, bien vide. Bon, alors Mehdi. Ouais. Mehdi, tu voulais parler à Christine. Ouais, c'est ça. Alors vas-y, bah je te la présente, hein, Christine, Mehdi, Mehdi, Christine, oui. Allez-y. Hein. Oh là là. J'ai un lion chez moi. C'est lui. Bonsoir, c'est bon. Attends, j'écoute. Oui, bonjour. Bonsoir, plutôt. Vous allez bien? Oui. Vous êtes qui? Mehdi. Vous êtes qui, monsieur? Parle un peu plus fort, Mehdi, parce qu'on a du mal à t'entendre. Oui, je sais. Non, mais il pleut là sur le bassin d'Arcachon. Ah, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il pleut, on l'entend mal. Oui. Voilà. Mais attends, mais j'ai un lion à côté de moi. Oui, tu as un lion, c'est normal. Moi aussi, moi j'ai deux tigres. C'est pour Polo et moi qui fais ça? Non, non, ça fait. Ah, pardon. Oui. Alors, les dentistes sèches, comment tu as fait pour passer ton bac? Comment? Très bien. Oui, très bien. Les ravages de l'alcool, c'est dur. Ouais, c'est dur. Oh là là, magnifique. Elle a 50 balais. Hein? Ah ben moi, j'en ai 40. Non, mais j'ai 20 ans, moi. Ah, t'as 20 ans, oui, c'est vrai, j'ai oublié les tailles. Bon, et quoi, Mehdi, moi, j'en ai 40. Mehdi, tu veux la draguer, en fait, c'est ça? Oui. Ah, parce que sinon... Triste. Oh, c'est fatigant. Parce que sinon, je vous mets hors antenne parce que j'ai peur de pas tenir le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Avec toi, c'est pas possible. On dirait Gargamel. Hey, Gargamel. Ah oui, ça c'est les choux. Voilà, c'est ça. Bonne mémoire, Christine. Allez, bon, oui, je vais vous mettre en antenne tous les deux, d'accord? D'accord. Voilà. Ok, Mickaël. Bonne soirée, avec Christine. Tout. Et attention avec la bouteille, hein. Non, t'inquiète pas. Ouais, bah si, justement, je m'inquiète. Salut, Christine. Oui, allez. Oui, oh là là, moi aussi, bye. Bien sûr, avec plaisir. Oh, cette magnifique haleine en plus qui doit être fraîche. T'aurais pu lui mettre un peu de... fraîche. De ah oui, c'est vrai. Christine. Qu'est-ce qu'elle est bonne dans ton cas. Oh, oui. Bon, Christine. Attends, Christine. Hey, Christine. Hey, ouvre ouvre la bouche. Christine, Mickaël, ouvre la bouche. Mickaël, ouvre la bouche. Oh. Voilà. Je bon, peux vas-y. Je monte une équipe de football ici, sur le bassin d'Arcachon. Il y a tout le monde qui me court au cul. C'est vrai? Merde. C'est pour piquer la bouteille? Ah non, non, pas pour la bouteille. Ah bon? Pour moi. Ah pour toi? Eh ben écoute, bah fais-toi plaisir, Christine. Allez, on va pas te déranger plus longtemps, on sait que t'es très occupé, hein. Ouais, t'as une ou deux bouteilles à finir encore ce soir. Salut Christine, hein. bouteille. Oui, voilà, c'est ça, allez, santé, à notre santé justement. Ça sera pas la première. Non, bah c'est sûr, et pas la dernière non plus malheureusement. Hein, boire avec modération, vous voyez ce que ça peut faire. Salut Christine. Oui, je sais, je sais. Ciao Christine. T'inquiète pas, nickel. Allez, au revoir Christine. Allez. Toff, je suis Toff, je te repasse, il est intéressé par toi justement. Non, il est mort, il est mort. Je veux Toff. Oui, oui, mais c'est parfait, mais lui aussi te veut, il m'en a parlé, il m'a parlé de tout le week-end. Il est mort. Salut Christine, on va y arriver. Salut Christine. Allez, salut. Allez, au revoir. Oh putain, là, il y a Robert qui disait au revoir, c'était parfait. Bon, Kenza est avec nous de Marseille là. Salut Kenza. Salut Mickaël. Comment ça va Kenza? Ça va et toi? T'as vu, je t'ai pas mis avec avec Christine. Là, elle m'a bien fait attendre, hein. Merci, c'est très gentil. Ah bah ouais, bah là, comment tu... Ah bah oui, mais bon, après, tu sais, les bouteilles, enfin bref. Est-ce que la famille regarde le match ce soir, là? Bah oui, l'OM. Eh bah, les Marseille. Ah, les Marseille. Bon, à ton avis, parce que c'est toujours 0-0, là, ça va finir comment, tu crois? Moi, je te le dis, on va les défoncer. Bon, bah, on verra, hein. On verra. Si, vous allez défoncer vos slips. Ah attends, pour l'instant c'est presque la mi-temps là, toujours 0-0. Attention quand c'est même. Beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau quand même. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Bon, allez Paris, allez Paris. Eh ouais, la capitale du monde. Bon, et tu t'emballes toi aussi un petit peu là. Je veux pas être vulgaire, je veux pas être vulgaire. Vas-y, être, vas-y. Voilà. Ouais, il aime bien. Marseille, capitale des poubelles. Il aime bien. Oh là là. Vous êtes des enculés, vous êtes des enculés. Vous oh, allez pas. Kenza, Kenza, dis pas vous, c'est Polo là. Ah, autant pour moi. Ah oui, moi j'aime bien Marseille moi. D'ailleurs, on viendra faire l'émission viens à Marseille. Quand tu veux, viens, ah bah viens c'est quand cool, Kenza. Je rappelle d'ailleurs aussi au passage qu'on sera donc le 14 et 15 mars à Orcières. C'est une station de ski dans les Hautes-Alpes pour faire du ski, du snow, etc. Donc si vous voulez venir avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis on a besoin de vous parce qu'on va faire un défi sur place. Oui. Donc on a besoin de 10 auditeurs à peu près. À peu près. Enfin, si vous êtes plus, c'est pas grave. Voilà. Et que le dimanche 16 mars, on fera l'émission en direct de chez l'un d'entre vous. Donc, si vous voulez nous accueillir, ben, j'en sais rien, vers Grenoble, Lyon, Valence, Saint-Etienne, Chambéry, etc. Enfin, bref, dans le coin. Eh ben, n'hésitez pas, faites-moi un mail, mickaël@funradio.fr. Et puis, bon, on viendra peut-être chez vous si vous êtes dispo à nous accueillir. Et promis, on casse rien. Bon, Toff, il a cassé deux assiettes la dernière fois chez Olivier quand on était à Noyon. Mais dans l'absolu, on casse rien. Sinon, il n'y a pas de problème. Bon, Kenza, alors, toi, tu voulais donner des... parler des antisèches aussi pour terminer ? Ouais, moi, je te parle de ça. Ça date déjà deux ans. Ouais. Alors, moi, en fait, je me suis fait hyper amie avec le fils de la principale. D'accord, sympa. C'est un bon plan, ça. Voilà, et donc en fait, fils de la principale, non pas de la CPO des profs, c'est de la principale, donc je savais tout, j'avais tout, et voilà. D'accord. Donc, un contrôle, j'ai pas voulu faire toutes les bonnes réponses, mais j'ai eu 18, et voilà, en fait, j'ai eu des notes qui ont augmenté. Mais après, sans douter de quelque chose, donc, fin d'année, je me suis fait choper, la principale a défoncé son fils, et moi, je me suis fait défoncer. Mais est-ce que son fils t'a défoncé aussi ou ouais, est-ce que ça marchait dans tous les sens? Est-ce que le serpent s'est mordu la queue? Ou pas? Pardon? Est-ce que le serpent s'est mordu la queue, en gros, est-ce que ça a fait le tour? Non, quand même pas. Ah merde, ah dommage, on est déçus. Bon, bah très bien, bah si ça a fonctionné, c'est bien. Maintenant, 18, c'est quand même un peu violent, non? Ouais, ça se voit au bout d'un moment. Ça s'est vu, tu sais, quand tu as 7-8 et que tu passes à 18, Ouais. Il y a un moment, ça se voit. Exactement, faut se méfier. Mais merci en tout cas, Kenza, d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Je voulais juste faire un petit truc. C'est la meuf qui m'a répondu, elle est super sympa. D'accord. Elle est adorable. Et j'aimerais que tu me dises, je suis compatible avec qui? Je suis cancer. T'es cancer? Oh ouais. Alors attends, cancer, fille cancer, t'es au taquet avec des cancers, avec des scorpions pour l'amour, et au taquet du cul avec les sagittaires. Ok, merci, voilà. J'allais voir les sagittaires alors. Allez, ouais, t'as je t'embrasse, Kenza, gros bisous. Bisous, Paris, ciao. Bisous, merci. Ciao à toi, Kenza. Bon, allez, on continue, on reste avec... Restez là surtout, hein. On est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Dites-nous aussi où est-ce que vous avez passé les meilleures vacances, là, les trucs les plus ouf que vous avez fait, c'était où, dans quel endroit, puisque la France est le pays le plus visité, suivi des États-Unis. En 14e, c'est l'Ukraine, et en 15e, c'est la Thaïlande. Ouais. Bon, évidemment, l'Ukraine avant qu'ils se tapent sur la gueule, hein. C'était à l'époque où c'était calme. Là, ils vont redescendre un peu dans le classement. Là, je pense savoir descendre un petit peu, ouais. Il y aura le son d'Addicted to You, Avicii, dans quelques minutes. Et puis, bah, il y aura le canular qui va suivre dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne soirée, tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à minuit. Faites passer le message autour de vous. Il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ah, J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio tous les soirs dans toute la France sur Fun Radio, juste après l'Eurodance 25 le dimanche, hein, 20h minuit. Et puis toute la semaine après Lovin' Fun de 23h à 2h du mat. C'est la mi-temps à Paris pour le match. Donc Paris-Marseille 0-0 pour l'instant. Donc ouais. dommage. Il y a Guillaume qui dit enfin les vacances pour Lyon et le triple coup de pelle pour moi car je suis fortement en retard. Et je vous prie de m'excuser. Eh ben bravo. 1, 2, et le troisième. Voilà, comme ça tu les as eu, tiens. Bon, je rappelle qu'on sera aussi donc à Orcières. Donc c'est à partir du 14 et 15 mars. Si vous voulez venir faire du ski avec nous, vous êtes les bienvenus. On sera également à Neulémine au Whiz Club. Ça c'est vendredi. Venez nombreux également à partir de minuit. On sera donc au Whiz Club. Et puis au Havre, là ce sera samedi donc au Caliente. Voilà, on vous attend nombreux. On aura plein de cadeaux pour vous. Donc j'espère que vous viendrez justement nombreux et surtout nombreuses. Voilà, on aura aussi le canular dans quelques instants. Et on aura comme promis dans moins de 10 minutes le son de Avicii avec Addicted to You pour ceux qui connaissent pas, c'est ça? Voilà le son d'Avicii dans quelques minutes avec Addicted to You. Je vous calerai aussi le son d'Afrojack avec Ten Fall Tall et puis Followed et Changes. Voilà, programme qui va débarquer sur Fun Radio. Il y a Emma aussi qui dit moi mon plus beau voyage c'était l'île de la Réunion. J'ai fait de la plongée sous-marine et du parapente. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein, c'est plutôt pas mal. Margot aussi, venez chez moi, j'ai besoin d'une nouvelle assiette. Oui, bon, on va venir avec une assiette, tiens, tu vas voir, ça va être bien, effectivement. Bon, en tout cas, bienvenue, 21h50. On va continuer à parler des plus beaux endroits que vous avez eu. Vous avez été, vous avez été dans quels plus beaux endroits justement. On aura aussi l'INSEE avec nous. Bonsoir l'INSEE. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va et vous? Bah très bien, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi l'INSEE? En fait, j'ai trompé mon mec et je sais pas comment le dire quoi. Ah ben bravo l'INSEE. Bon, eh ben on en parle dans quelques minutes, tu restes avec nous l'INSEE. On va d'abord accueillir, pour le canular évidemment, on va d'abord accueillir notre amie Estelle qui est avec nous pour faire le canular justement comme chaque dimanche aux alentours de 22h. Et c'est moi justement Estelle qui est avec nous, salut Estelle. Salut Mick. Comment ça va? Je m'appelle Mick maintenant, c'est nouveau. Oui. Salut Mick, ça va? Il manque un bout à la faille. T'aimes pas le L, c'est ça? Oui. Ah d'accord, ok, très bien. Non mais alors d'accord, au moins il y a une raison, c'est très bien. Salut Mick. Salut Mick. Bon alors Estelle, on va faire le petit canular comme d'habitude, hein? Bah ouais. T'as prévu un truc en particulier? Non. Non mais on va appeler qui? Tu veux faire quoi? Bah je voudrais appeler ma mère en disant croire que je sors avec un garçon plus âgé que moi et qui n'est pas français. D'accord. Ah. T'es dans quelle région ta mère? Dans le nord. Dans le nord, t'habites avec elle? Oui. D'accord, et toi t'as 19 ans, très bien. Bah alors on va mettre un mec d'une quarantaine d'années, 50? 40, hein. Ouais, 40. Ouais, même 50, 45. Quel âge est là ta mère? Ma mère elle a 41 ans. Bah 45 c'est très bien, hop, comme ça elle est plus. Comme ça elle va me devoir le respect. Elle est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Oui. Eh bah écoute, on va l'appeler alors, hein. Donc on s'est rencontrés il y a combien de temps? On aurait pu se rencontrer il y a 6 mois? Ouais. Sur internet, sur un site de rencontre, qu'est-ce qu'il y a comme site de rencontre? Il y a le nouveau truc là que tout le monde fait. Ouais, mais il y a 6 mois, ça n'existait pas. Badou, c'est encore pire. Sur Badou, hein. Tu ressembles à quoi toi? Parce que je suis censé t'avoir déjà vu. Bien sûr, alors moi, Estelle, combien mesures-tu? Je comptais juste voir les physiques. Combien pèses-tu? 49 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 D. Et la taille? D comme Denise? Oui. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 34. Bah écoute, je peux venir finalement Véridi. On peut vraiment s'installer, hein. En effet. Ouais. Bon, Estelle, on va donc appeler ta mère maintenant. Tu vas lui faire croire donc que t'as rencontré un mec, c'est moi, que t'es venu me chercher à l'aéroport, que là on est. T'es où là? T'es chez toi ou pas? Non, là je suis à Vendrecy. Bon, tu vas me dire que tu vas dire que t'es venu me chercher à la gare de Lille. Oui. Hein, et puis voilà, moi je suis venu de Lille-Flandre, je suis venu d'Ukraine, hein, en train. De Kiev, parce que comme c'est le bordel là-bas, du coup, ouais, il a fallu que je vienne et t'es proposé de m'héberger, donc je m'installe en France. D'accord. Très bien, putain, j'ai peur pour l'accent là, j'ai peur de merder pour l'accent là. Eh, joue bien, hein. Toi t'es vraiment in love, hein, et tout, hein. T'as déjà vu ma tête? Oui. Ah bah alors tu vas vraiment être in love, très bien, tu vas pouvoir

Bon. Blague. Non, bah, pas, en fait oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris la température. On a pris la température pour voir comment est-ce que vous alliez vivre le fait qu'elle débarque avec un Ukrainien. C'est quand ça nous arrive, ça c'est tout drôle. Bon, et nous, on peut venir ou pas, maman? Non. Oh bah d'accord, bah dis donc, alors là. Mais bah, nous, ça... on va pas rester, on a de l'argent. Hein. Oh bah même. On vient juste manger. Bon, allez maman, bonne soirée. Hein. Merci à vous. Salut, bisous. Ciao. Bon, bisous. Estelle, alors toi, tu peux repartir. T'es là, Estelle? Ouais. Bon, très bien. Alors, on a soit les casques Beats by Dre, soit les trottinettes qui déchirent. Je vais prendre le casque Beats. D'accord, ok, pas de problème. Eh ben, on va te filer ça sans problème. Salut Estelle, gros bisous. Salut, bisous. Et si vous voulez faire, salut Estelle, et si vous voulez faire un petit canular également la semaine prochaine, bah dès demain, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. En plus, on aura des putains de cadeaux la semaine prochaine puisqu'on aura des Samsung Galaxy Tab 3 à vous offrir, c'est la tablette, ou alors des Nintendo 3DS. Voilà, si vous voulez gagner l'un ou l'autre, allez-y, n'hésitez pas. Mort de rire, deux fois que j'entends, je suis encore plus plié de rire. Il y a Guillaume qui dit kiffant le canular, extra subliminalement kiffant. Léonard sur le Twitter, je crois, j'ai jamais autant rigolé toute ma vie, c'était énorme, Mickaël, tu gères. Merci, Mickaël, remercie. Ah non, merde, je m'appelais comment? Igor, remercie-toi. Grr, qui dit aussi, ce canular m'a bien fait rire. Magda qui dit, je suis trop plié. Il y a Deadwalking qui dit, tu parles super bien le russe. Mais je te remercie, Deadwalking. Et puis, il y a une Ukrainienne qui nous a dit que les Ukrainiens arrivaient à faire des phrases normales, en fait. Hein. Parce que des fois, faut le savoir. T'es pas bien rendu compte comme ça. Maria Petrova qui dit bah pour le coup c'est régional ça. Hein. Énorme le canular, elle y croit vraiment la mer là. Ah bah t'as pas donné d'avis sur mon accent, c'est bien dommage. Mais c'est parce qu'il était parfait, Mickaël. Bah, oui, je pense. Oui. Phoenix qui dit extra canular, super ton accent ukrainien, Mickaël. Merci Phoenix. Bastien, c'est juste énorme. Et Alexandra aussi qui dit aussi le message. Mickaël en russe, c'est pas sexy. Ta ta ta ta ta ta. Il y aura des mitraillettes. Oui bah écoute, hein, en russe ou en français c'est pareil. Hein. Lol l'Ukraine. C'est Alex, la mère veut les refiler à Tatiflo. Et t'as vu la mère, elle veut les refiler à la tante, dis donc. Ouais, t'as qu'à aller là-bas, hein, ce sera mieux, tu vas voir. Bon, 22h05 sur Fun Radio, le match a redémarré là, Paris-Marseille 0-0, toujours évidemment pour l'instant. On va donner le gagnant de la colle dans quelques minutes sur Fun Radio. Eh, hey, Dylan? Oui? C'est peut-être toi qui vas repartir avec l'iPhone 5S. Ouais, bah j'espère parce que mon cœur il bat super vite. Ton cœur il bat super vite. Oh, oh bah là, minou. Oh bah oui, tout ça peut-être pour repartir avec que dalle. Mais enfin bon, on verra bien. Vrai, hein. Bon, allez, fais péter la colle. Ok. La souris mange le fromage, le chat mange la souris, que reste-t-il? Voilà, la souris mange le fromage, le chat mange la souris. Qui reste-t-il? Vous avez la bonne réponse, tant mieux. Vous allez peut-être pouvoir repartir avec cet iPhone 5S que je vous offre. C'est le Gold Edition. Attention, c'est pas n'importe lequel. C'est le plus difficile à trouver en absolu. Et on l'offre, hein, non, vous pouvez le voir, on l'a ici d'ailleurs. Hein, on a la même là, regarde. Et même notre pâtissier pourra le confirmer. Hein. Je l'ai bien là. Oui, tout à fait. Voilà, il est dans le plastique, il est encore avec le plastique autour. Hein. Tout à fait. Voilà, donc j'ai un témoin comme ça, au moins on est sûr. Voilà, ils sont là, enfin il est là en l'occurrence. Donc si vous voulez le gagner, bah, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi bien sûr jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Alors il y a un peu de file d'attente, hein, vous êtes quand même déjà plus de 15 000 à avoir donné votre réponse. Mais comme je le disais, ça ne fait qu'une chance sur 15 000, c'est toujours beaucoup plus qu'à l'euro million. Oui, c'est ça, au final, on se rend pas compte, mais... Mais c'est vrai que certains qui disent « Ouais, mais j'ai aucune chance !» Ah si, une sur 15 000. Et à l'euro million, c'est quand même une sur 65 millions, je crois, non, c'est pas ça ? Non, c'est plus. C'est sur une centaine de millions. Ah ouais, bon, bah vous voyez quand même que vous avez toutes vos chances de gagner. Hein. Bon, donc pour ça, faut répondre à la colle de Dylan. La souris mange le fromage, le chat mange la souris, qui reste-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a, Dylan ? J'ai une question. Vas-y. Est-ce que c'est possible que parfois, il y en a qui répondent faux ? Est-ce que quoi ? Est-ce que parfois il y en a qui répondent faux? Oui, ça arrive. Bah oui, ouais. Bien sûr. Ça arrive, mais c'est rare. Hein. Pour le coup, c'est souvent ça décroche pas. C'est surtout ça qui te permet de gagner. Si la personne décroche pas parce que c'est un numéro masqué ou parce qu'il est trop tard, je sais pas. Donc c'est surtout ça qui peut te permettre de gagner. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Allez, dans moins d'un quart d'heure, on donne la réponse. Dylan, reste avec nous. Hein. Très bien, mais bouge pas de là, Dylan. Retour avec Nico pour parler des vacances. Lindsay qui a trompé son mec, elle sait pas comment lui dire. Et oui, Tof. Non, tu veux la stat pour l'euro million? Ouais, vas-y, ouais. Alors c'est une et Tof qui nous donne cette stat depuis l'au-delà, hein, parce qu'il est décédé, ouais, à 20h, je tiens à le rappeler. C'est enculé. Ouais, c'est enculé. Donc ouais. Il y a une chance sur 2 118 000. Oh ben voilà, oui, de gagner une petite merde, pas le jackpot. Non, de gagner le jackpot. C'est tout. Impossible. Une chance sur 2 millions? Ouais. L'euro million ou l'auto? De quoi? L'euro million ou l'auto? L'euro million. Non, mais à l'époque, on avait fait le truc, on était à plus de 60 millions de. Une chance sur 60 millions? Non, il y a d'avoir les 5 bons numéros. Ouais, il y a 2 étoiles aussi encore en plus. Ah oui, mais ça, après ça multiplie. Ah bah oui, mais enfin, 5 numéros, tu gagnes que dalle. Et il faut les 2 étoiles pour gagner le jackpot. Ah oui. Eh ben oui, donc tu multiplies pas encore par 55, donc ça fait 1 sur 100 millions, c'est rien. Voilà, donc voilà. On y était. Toi, fais ces approximations. Ah mais c'est ça. Oui, mais c'est à peu près ça, 2 millions, 100 millions. On est en millions. Bah oui, on est plus à 1 million près. C'est ça. Par rapport à 15 000, c'est rien. Oui, bah bien sûr, évidemment, mais par rapport à ça, j'avais oublié en effet. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, je vous l'avais promis, je vous le mets dans quelques minutes. Il y aura le son d'Avicii qui va débarquer dans quelques minutes. Et je vous cale aussi le son d'Afrojack avec Ten Feel Tall sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et but de Paris. Ouais. Voilà, le premier. Alors, est-ce que Marseille va montrer les dents ou pas? En tout cas, on l'espère. Histoire de... Voilà, c'est Maxwell qui a marqué la 50e minute pour le Paris Saint-Germain. 1-0 donc face à Marseille. Il y a des messages d'Adeline qui dit « Moi, je suis allé au Portugal, à Lisbonne. » Ah bah, très belle ville, Adeline, évidemment. Stéphanie qui dit « Oh merde, l'accent de Mickaël. J'en peux plus. » Et Chloé qui dit « La maman, elle est trop forte. » Et Nicolas qui dit « Qui parle en ukrainien, c'est trop drôle. » Bon, enfin, c'était surtout du russe plus que de l'ukrainien, à vrai dire. Bon, bah, soyez les bienvenus en tout cas, c'est Mickaël No Limit. Si vous débarquez pour la première fois, bah moi c'est Mickaël. On est là jusque minuit comme tous les dimanches, de 20h à minuit, et toute la semaine également, de 23h jusqu'à 2h du mat. C'est tous les soirs juste après Levin Fun sur Fun Radio. Bon, l'iPhone 5S a gagné sur le Facebook. Là, n'oubliez pas de nous rejoindre, facebook.com/MIKAÉLOfficiel. On va parler avec Lindsay dans quelques minutes, qui a trompé son mec et elle sait pas comment lui dire. Et puis on va s'écouter maintenant le son, comme je vous l'ai promis juste avant la pub d'Afrojack. Ten Feel Tall, c'est maintenant sur Fun. Bonne soirée. I'm clumsy, and my head's a mess. Voilà le son de Afrojack sur Fun Radio, Ten Feel Tall. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on aura aussi le top tweetos ce soir. On fera le tirage, enfin c'est même pas un tirage, on verra qui sera le numéro 1 tout à l'heure aux alentours de minuit, juste avant la fin de l'émission. Et on va voir un petit tour du côté du top tweetos maintenant. Je rappelle le principe, vous êtes sur le Twitter de l'émission tout simplement. Et puis vous balancez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël, c'est le petit carré, le petit dièse, vous appelez ça comme vous voulez. Donc vous mettez un maximum de messages qui parlent ou pas de l'émission avec le hashtag Mickaël, et plus vous en mettez, plus vous avez de chance d'être numéro 1. Numéro 5. Fred S. Numéro 4. Donc ça c'est en ce moment là, maintenant tout de suite, si on arrêtait le jeu, c'est voilà le résultat. Donc vous avez encore 1h45 pour faire changer tout ça. Numéro 3. Grrr. Non, ça c'est numéro 4, numéro 3. Ah, numéro 3, pardon, Drakit. Numéro 2. Le prince Nadia. Et numéro 1. Le fils d'enculé. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est une photo de toi? Non, de toi et Sandro. Ah bon? Le fils d'enculé, c'est bon ça? Très bien, ben merci le fils d'enculé. Ah non, pardon, on est tous les quatre sur la photo. Ah, il me semblait bien. C'est parce qu'en petit, on nous voyait pas derrière avec lui. D'accord, le fils d'enculé qui pour l'instant est numéro 1, donc c'est parfait. Il y a Jojo qui dit Maxwell, il fait du café, mais bon, faut que je me calme ce soir. Il y a Vagdas qui dit je vous adore, vous êtes trop des oufs, continuez comme ça, vous êtes toujours à fond. Et Colline aussi, un message de bienvenue pour ma soeur, s'il te plaît, je vous kiffe. Bien sûr, Colline, avec grand plaisir pour un petit message de bienvenue. Allons faire un culé, gros PD. Voilà, il y a Grrr également qui est numéro 4 ce soir. C'est quand même super facile de communiquer avec l'au-delà, faut que je m'y mette. Bah oui, c'est facile, regardez ta fille. Bah oui, je suis là. Bah oui, mais bien sûr. Et puis EO qui dit j'ai du plaisir à écouter le canular. Bah tant mieux, c'est pour ça qu'on le met. Et dédicace au lycée Jean Moulin à Châteaulin. C'est Roman qui avait envoyé son message. Le message est donc passé. Tirage au sort dans 15 minutes également pour l'iPhone 5S. Rencard sur le Facebook de l'émission pour gagner, hein, facebook.com/MIKAÉLOfficiel. Et puis on va parler vacances maintenant avec Nico qui est avec nous de Perpignan. Salut Nico. Salut Mickaël. Comment salut ça va? Ça va et vous? Bah écoute, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bon, alors Nico, t'as passé de bonnes vacances, où ça toi? Puisqu'on s'est rendu compte, je posais la question tout à l'heure, parce que on s'est rendu compte que la France était le pays le plus visité au monde avec plus de 85 millions de touristes. C'est quand même pas mal, hein? Bah ce qui est quand même pas mal, je confirme. En numéro 2, il y avait les États-Unis. En numéro 14, il y avait l'Ukraine par exemple. Et en 15e, il y avait la Thaïlande. Bon, évidemment, l'Ukraine, c'était avant qu'ils se tapent sur la gueule, hein. Oui, parce que je pense que maintenant ça va diminuer. Oui, je pense qu'ils vont perdre un peu de place. Il y aura moins de touristes. Oui, je crois aussi. Donc, Nico, toi, c'est quoi l'endroit où t'as été, où t'as le plus kiffé, etc., etc. Bah, en fait, moi, quand j'avais 14 ans, en fait, je suis parti en Savoie, en fait, parce que je partais en colonie de vacances. Comme ça, j'avais moyen de retrouver ma copine, en fait. D'accord. Vu qu'on habitait loin, donc on se retrouvait en colonie, tout ça. Ouais. Et déjà, dans le trajet, quoi, dans le bus, quoi, c'était assez chaud, et les animes, quoi, ils nous avaient déjà repérés, quoi. Donc, ils nous pistaient à mort et tout dans le chalet, parce que, bon, ils voulaient pas qu'on ait de relations, tout ça. Et sauf qu'un jour, ben voilà, il s'est passé, il y a eu notre première fois, tout ça, et en fait, comme un blaireau, ben je jetais à chaque fois les emballages de préservatifs dans les poubelles des toilettes. Ouais. Donc bon, ben on s'est fait griller tout ça, et en fait, il y avait une fille qui était dans le groupe, quoi, qui était considérée comme une cochonne, quoi. Et il y avait des rumeurs comme quoi elle se faisait troncher par tout le monde, et en fait, ben, c'est elle qui pelait à chaque fois, donc en fait, on pouvait s'amuser tant qu'on voulait. C'est elle qui pelait à chaque fois, en fait. C'est mon meilleur souvenir de vacances. C'est-à-dire que la pauvre, elle a tout pris pour toi alors que rien, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Oh, t'es un bel enculé, toi. Hein. Ouais. T'as raison, t'as bien fait. Ouais, c'est ça, ouais. Un bel enfoiré, même. À ta place, j'aurais fait pareil. Ouais, oui, bon, après, ouais. C'est autre chose, ouais, c'est clair. Bon, et toi, ouais, meilleur endroit. Il y a la République Dominicaine où c'était quand même assez sympa. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il a failli mourir dans une piscine à l'époque, avant sa mort aujourd'hui. Hein. Ah, ouais. Il a failli décéder mort bourré avec Catherine. Avec, oui, oui, bah oui, avec Catherine, oui. Avec Catherine, c'est Catherine qu'on s'est rencontré la première fois. Mort bourré, ouais. Complètement torché, ouais. Il a fait chier la terre entière dans l'hôtel. Tiens, il était minuit, c'est genre, il y a un mec et une meuf qui vont prendre un bain de minuit, pépère à deux, l'autre il arrive. Je l'aurais pris la tête. Il voulait baiser la meuf. Et il y a quand même un mec avec qui on était parti, qui a quand même failli s'étouffer entre les barreaux t'as une espèce de barrière, je sais pas quoi, tu sais, genre de terrasse, quoi. Il est tombé du balcon, il est resté coincé dedans, en fait, il a fait sortir, c'était assez énorme. Donc, et puis il a vomi, où c'était tough? Bon, il a vomi dans le lit. On a vomi. Une horreur. Une angoisse. En plus, on a vomi partout. Polo, quoi, le meilleur endroit? Ah, il y en a eu plusieurs. Ouais, bon, le meilleur. Rio et la Thaïlande avec des Anglais. Alors là, mais c'est le. C'était quoi? Hein? C'était quoi? Bah quoi? Non, c'était sympa. Ah, d'accord. Ah, c'était sa première expérience avec un ladyboy. Non, ça c'est toi le. J'ai jamais été en Thaïlande. Mais bon, alors les ladyboys, mais t'as pas besoin de ça. Hein, t'as là dans le bois de Boulogne des travelots. Les ladyboys en Thaïlande, c'est les mecs qui sont transformés en meufs, mais tu peux jurer que c'est des meufs. Non, c'est pas vrai ça. Si, elles sont super bien faites. Oui, non, c'est que t'es tombé sur des merdes alors. Non, ils sont bien. Non, c'est toi qui es tombé sur des merdes. J'en ai vu, mec, elles c'était. T'as l'impression que c'est des meufs. Ils sont bien faits, mais ça se voit que c'est des mecs. Tu peux pas tomber dans le panneau. Des travelots, quoi. Ouais, oui, des travaux de gamme, on va dire. Surtout si tu leur mets la main au panier. Non, mais ça se voit. Moi, je suis parti 3-4 fois en Thaïlande. Et tu peux. Enfin, ça se voit. Tu vois, les meufs, elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus. Un peu plus grosses, tu vois. Ouais, mais eux, après, ils sont tout fins, là. Ils ont pas de hanches et tout, avec des phonibars et tout. Attends. Ça se voit. Ouais, non, mais ça se voit. Après, il y en a qui sont bien faites, plus que d'autres, en fait, tout simplement. Bon, et Sandro, toi, le meilleur souvenir de vacances? Ah, moi c'était à Saint-Denis. Ah oui, c'était trop bien. Ah oui, c'était génial. Ah, j'étais allé à Saint-Denis Université, un truc de ouf. C'est ça, meilleur plan vacances? Ah, je sais pas, tout de suite. Quand j'étais jeune en camping avec les potes. Hein. C'est les meilleures vacances. Camping avec les potes. Et avec la famille ch'tis. Aussi, il y en a des belles. Enfin, alors qu'on est parti avec Polo et elle, ah ouais, elle pense pas à ça. Ah, oui. Ah non. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, elle a pas aimé. J'avais oublié, oui, je préférais le camping. Si, c'était magnifique. J'aimerais bien y retourner. Ah ouais, non, c'était trop beau. Et on s'est retrouvés à San Francisco aussi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. On a des souvenirs en commun. Elle était en prison, elle était pour boire Alcatraz, mais enfin, c'est le problème. Non, c'était la folie. Il y a Maria aussi qui dit je suis déjà allé au Mexique, en Basse-Californie. Ah oui, c'est la Baja California, c'est au Mexique, c'est du côté ouest. Le climat et les paysages sont extraordinaires. Ton accent russe était parfait, Mickaël. Mais je te remercie, Maria. Comme toi, tu as effectivement ton nom, c'est Petrova. J'en déduis que tu es local et tu peux donc juger, ou pas? Non, elle est bulgare. Elle est bulgare, enfin pays de l'Est. Hein, ouais, on n'est pas dans le détail. Il y a Pink aussi qui dit Fun Radio, ça déchire. Ben merci beaucoup. Ah oui, elle dit au fait, je suis bulgare. Oui, bah écoute, désolé, Maria. Hein. Bah toi, va certainement prendre contact avec toi. Du coup, avec plaisir. Une Bulgare, j'imagine. Bah j'adore. Je n'en doute les pas. Les pays de l'Est, c'est une passion pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas bon, pour elle, mais pour moi. Bah, oui, ça c'est sûr. Merci Nico d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Fait, Mickaël, ouais, oui. Je pourrais avoir un petit pack fun aussi. Tu vas gérer ça. Je te repasse Sandro au standard sans problème. Salut, à bientôt. Salut. Ciao. Ah. Il y a Lindsay également donc avec nous maintenant de Gironde. Bon Lindsay. Oui. Alors, t'as déjà été où toi en vacances, un endroit que t'as kiffé? Arcachon. Arcachon, pourquoi? Arcachon. Non mais il s'est passé quoi? Il y a des beaux mecs là-bas. D'accord. Ah oui, mais enfin dans l'absolu, il y en a partout, hein. C'est comme des meufs, t'as des moches et des beaux partout. Mais bon. Mais t'as jamais pensé à traverser la France pour aller voir de l'autre côté comment ça se passait? Ah si, j'aimerais bien voir. Ah bah ouais, mais tu sais que je connais un mec, le mec est tellement... bon après il y en a qui voyagent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ok, c'est compréhensible. Et lui il est blindé, mais en fait non, il reste en France. Mais pourquoi j'irais sortir de la France? Hein? Ici il y a la montagne, il y a la mer, il y a la ville, j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais. Ouais mais t'as pas envie de voir ailleurs Mais non, je suis très bien là. Bah tant mieux pour lui. Et il bouge pas, et il reste là, il est content. C'est dingue, c'est tellement chouette de découvrir des... Je sais pas, d'autres cultures, d'autres visus, d'autres décors, enfin. Non, mais je le comprends après. Culture, il devrait aller voir ailleurs. Bah oui. Alors, attention, c'est bien aussi la France, pas le problème. Mais tant qu'à faire, autant voir ailleurs. J'ai toujours dit, voyager, c'est pour les riches et pour les aventuriers. Point. Non, mais c'est vrai. Oui, mais bah, lui, il est pas aventurier. Hein, ça, voilà. C'est sûr. Il est aventurier dans la France, parce qu'il va à la montagne, il va au ski. Ouais, non, mais il va à la mer. Le mec, il veut pas aller dans les endroits où ça parle pas français, il a raison. Non, mais après, il y a plein d'endroits où ça parle français, hein, mais bon. Bon, bref, il y a Pink aussi qui dit meilleur souvenir de vacances, c'était les Pays-Bas. Ah, mais t'as fait quoi aux Pays-Bas, Pink? Parce que j'aurais parlé les éoliennes, le fromage. Bah, il y a plein. Mais non! Il y a plein de choses, les petits canaux, l'Amsterdam. Ouais, les petits canaux, les vélos. Il y a plein de musées à Amsterdam. Il y a les bars à putes aussi. Ouais. C'est vrai, et puis après il y a ceux qui fument du shit, il y avait le shit que tu pouvais consommer facilement. Tu peux toujours le consommer mais tu peux pas le sortir, c'est ça? Ouais, c'est devenu bizarre leur truc, mais ouais, bon, si tu y vas, tu peux toujours consommer, il n'y a pas de soucis. D'accord, bon bref, l'INSEE, donc toi tu nous avais appelé parce que bah tu sors avec un mec, tu l'as trompé, tu sais pas comment lui dire. Ouais. Eh ben j'ai une bonne réponse pour toi, ferme ta gueule. Non, moi je propose qu'on l'appelle. Mais non, pourquoi tu veux lui dire? Je sais pas. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Tu l'as trompé, pourquoi tu l'as trompé? Parce qu'il est en prison. C'est une bonne réponse. D'accord. Enfin, bonne réponse. C'est pas forcément une bonne réponse, mais. Mais l'avantage, c'est que s'il est en prison, il peut pas le savoir. Bah, ça dépend, parce qu'il peut très bien connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui lui-même est en prison également. Et oui, mais alors ça sera pas de bol. Et puis il est peut-être dangereux, non? Non. Non, il a tué personne? Non. D'accord, bon, ça va alors. Il en a pour combien de temps? 20 ans. Non, jusqu'à mai l'année prochaine. Ah, jusqu'à mai. Mais il est en prison depuis combien de temps? 20 ans. Non, depuis combien de temps? Depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, d'accord. Bon, et écoute, si tu as trompé, c'est parce que t'avais envie de ne te casser les pattes derrière. Non, bah c'est parce que... Non, alors. Voilà, alors, c'est ça. Quoi. Non, écoute, alors si c'est une excuse, enfin si c'est un accident et que tu comptes pas recommencer, ne lui dis pas, ça sert à rien, tu vas lui faire du mal pour rien. Ouais, c'est sûr. Enfin, moi c'est mon avis, si vous trompez quelqu'un, mais que vous n'avez pas l'intention de recommencer parce que vous avez fait l'erreur, parce que vous étiez bourré, parce que vous étiez faible, enfin j'en sais rien, peu importe la raison, et que vous regrettez, bah ne le dites pas, ça sert à rien. Dites pas, je vais être honnête avec lui. Mais non, puisque tu as déjà été malhonnête avant. Ah oui, c'est de la pire malhonnêteté de l'avoir trompé. Au contraire, c'est-à-dire que vous allez, en plus d'avoir été malhonnête avec votre copain ou votre copine, vous allez en plus le ou la rendre malheureuse. Ça n'a pas de sens, donc autant fermer votre gueule. Et ne pas faire, voilà, ne dites rien. En tout cas, ça c'est mon avis. Je ne sais pas ce que t'en penses, Emeric est avec nous de Versailles. Salut Emeric. Salut. Comment ça va? Très bien, et toi? Bon, oui, très bien. Bon, t'appelais pas pour ça, mais qu'est-ce que t'en penses de l'absolu là? Elle a trompé son mec, est-ce qu'elle doit lui dire ou pas? Moi je trouve ça ridicule, mais... Pour l'avoir déjà fait, vaut mieux le cacher. Ah ben voilà, on est d'accord, très bien. Bon, toi tu le dirais pas? Bah évidemment que non. Et même si elle le découvrait, je lui dirais que non. Voilà, d'ailleurs c'était la règle hein, d'un ami hein, et c'est même si vous vous faites griller dans une autre meuf, vous dites mais non chérie, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas moi. Mais en même temps la grosse merde là, ton pote tu vois. Non mais voilà, il faut nier en fait, il faut nier, toujours nier. Et c'est puis ça. Je l'ai jamais vu dans une meuf en fait. Non mais ça, c'est pas mon problème. J'ai du mal à l'imaginer. Bon, vous m'appelez sinon si vous avez votre avis à donner là-dessus. Est-ce que vous avez déjà avoué à votre copain ou votre copine que vous l'avez trompé? Qu'est-ce qu'il ou elle a dit? Appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Tu restes avec nous, l'INSEE? Oui. Bah très bien, bah bouge pas de là. Emeric, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? Alors, on va parler du 4L Trophy 2015. D'accord, ok, bah très bien. On fait ça juste après le son de Avicii, je l'avais promis, c'est Addicted to You. On écoute ça maintenant sur Fun. Mickaël, nos limites, 20h minuit sur Fun Radio. Allez, c'est parti, 22h26, on est en direct jusqu'à minuit. Bienvenue tout le monde. I don't know just how it happened. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, exactement, il y a Lisa qui dit Paris, Séville, Londres, il faisait beau. Ah oui, c'est bien de le préciser pour Londres. Hein. C'est quand même super important. Ouais. Magda qui dit, moi perso, je ne le dirai pas à mon copain que je l'ai trompé. Bah c'est évident. Sophie aussi sur le Facebook, ne dis rien, crois-moi ou dis-lui, tu risques rien, il est en prison. Ouais, mais bon, il y a un moment, le mec va sortir et puis même ça va lui faire du mal pour rien. Ouais, mais voilà. Si elle lui dit maintenant, il aura un an pour y réfléchir. Mais même, ça sert à rien, il faut pas le dire, point. Jason qui dit, moi, en vacances, je suis allé dans ma cuisine, c'était bien. Et Christelle qui dit, Mickaël a raison, mon meilleur voyage, c'était à Miami, en Floride. Au fait, il est là, mon Igor, très excitant. Merci, Christelle. Bah oui, Miami, effectivement, c'était plutôt pas mal. Alex également, moi, en Italie, c'était super. Colin qui dit, chanson pour moi, l'anniversaire, vous êtes trop bien, super l'accent. Bah, Colin, t'as quel âge? Tu nous as pas précisé ça, là. Et Margot du 26, meilleures vacances à New York. Ah oui, évidemment, ah. New York, c'est... Oh, c'est autre chose. C'est différent, c'est quoi. Royal, c'est chez toi. C'est une des rares villes, c'est une, même une des seules villes où t'y vas. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est quand t'y vas, t'as l'impression que t'es chez toi. Même si tu sais que c'est pas chez toi, parce que t'as plein de trucs que tu évidemment reconnais pas ou que t'as déjà vu dans les films, mais que t'as l'impression d'être vraiment à la maison. T'es dépaysé, mais en même temps, t'as vraiment l'impression d'être chez toi. Enfin, c'est vraiment bizarre comme sensation. D'ailleurs, dites-nous si jamais vous avez déjà eu la chance d'y aller et comment est-ce que vous avez eu, quelle sensation vous avez eu justement. Bon, on va faire les appels maintenant avec Tof comme tous les soirs là. Attention, c'est parti. On va donc parler de combien de fois par semaine. Voilà, combien de fois par semaine et combien de fois par jour, hein. Oui, c'est ça, parce qu'en fait on est tombé sur une étude qui disait que 70% des gens voulaient faire l'amour au moins, enfin plusieurs fois par semaine. Ouais, exactement, ouais. Et il y avait seulement 10% qui voulaient pas le faire parce que ça les fait chier, et 10% qui aimeraient bien le faire tous les jours. Voilà, et donc du coup on avait appelé. Et on avait appelé pour voir ce que les gens, enfin voilà, que mes amis voulaient. Exactement, toujours des grands sondages bien entendu. Et je le rappelle bien entendu aussi que si vous avez des numéros de gens qu'on pourrait appeler, qu'il ne faut surtout pas hésiter, hein, vous envoyez ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On y va, on appelle, c'est parti. Allez. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui, c'est pour. C'est pour savoir combien de fois vous faites l'amour par jour. Par semaine, pardon. Vous avez que ça à foutre à cette heure-ci ? Oui, tout à fait. Ouais, bah moi non. D'accord, mais ça répond pas à ma question, ça, madame. Bah non, vous me faites chier, là. Mais pas du tout, madame, enfin, je vous pose juste une question. Eh, vous me gonflez, là. Bah attendez, madame, ouvre la bouche, ça va sortir, hein, si ça vous gonfle. Oh, c'est une vanne de merde. Ah, tu l'as pas capté, la première fois. Hop là, voilà. Bon, on va donc rappeler, hein, puisqu'elle a l'air tellement sympathique. Retour chez cette charmante dame. Oui. Allô. Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais a priori elle était un peu gonflée, enfin elle avait des ballonnements. Du coup ça a coupé. Ben, vous avez ça à foutre là? Bah oui, parce que moi je voulais savoir combien de fois vous faites l'amour avec votre femme, monsieur. Et qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah c'est juste pour savoir, monsieur, c'est pas la peine de s'énerver. Ouais, bah c'est bien, bah y en a qui ont des enfants et les enfants ils ont école demain. D'accord. Donc, si vous avez rien à foutre, il y en a d'autres qui ont quelque chose à foutre. Vous m'excusez, mais je vois pas le rapport avec ma question. Mais votre question, on en a rien à branler. Alors tu vois le numéro, tu l'effaces et tu me casses pas les couilles là. Vous croyez que quoi, on n'a pas une vie privée nous, on n'a pas autre chose à foutre là. Alors maintenant tu raccroches et t'arrêtes de me casser les couilles là. Mais oui, mais vous voulez pas répondre à la question plutôt de vous énerver pour rien, monsieur. Ah bah non, il veut pas, hein, il a pas envie là apparemment là. Quel relou. On le rappelle encore une fois là, c'est parti. Allez. Ah mais vous foutez de ma gueule là ou quoi là? Vous avez eu nos numéros où là? Bah, sur les pages jaunes, monsieur. Mais en fait, non, parce que c'est pas la peine de s'énerver, monsieur, hein. Vous répondez juste à la question et ça va aller. Mais pas répondre à la question là, va te coucher, arrête de faire chier le monde là. Mais... va trouver un autre numéro sur les pages jaunes à appeler et puis casse pas les couilles. Non mais monsieur, calmez-vous, c'est pas la peine de... Oh bah dis donc, putain, il est vraiment cool lui, hein. On rappelle encore un coup. Il est gonflé lui, alors qu'on est gentil. Oui, monsieur, c'est pas très gentil de vous énerver comme ça. Eh, mais t'as rien de ta foutre, là. Déjà, sur les pages jaunes, c'est impossible que t'aies eu les numéros sur les pages jaunes. Alors maintenant, tu veux savoir combien de fois je baise? Bah alors oui. On va demander à ta mère combien de fois je la nique par jour, connard. Et arrête de me casser les couilles, parce que, c'est quoi? Si t'as une paire de burnes, t'habites où, là? Moi, j'habite Paris, monsieur. T'habites Paris? Eh ben, viens à Vichy. Viens sur Vichy. Tu t'as 4 heures de route, viens, on donne rendez-vous sur Vichy. Et on va voir le parisien ce que je vais en faire, connard. Et alors maintenant, on va dormir et arrête de casser les couilles aux gens. Et on se fait alors une petite... oublie les numéros. On se fait une petite courte... C'est Paris, Marseille, j'en ai rien à foutre. Moi aussi, j'ai de la famille à Paris, connard. Tu veux que je t'en envoie de la famille à Paris? Bah, alors si... maintenant, on va dormir et fais pas chier. Si vous voulez, mais vous voulez pas répondre à ma question, plutôt? Non, je réponds pas à ta question de merde, là. Demande à ta mère. Elle va te répondre. Mais, parce que ma mère n'a jamais été à Vichy, monsieur. Ah oui, mais bon, après, elle n'a pas été à Vichy, mais il a l'air quand même vachement gonflé, lui. Hein. Un peu. Allez, un hop. Peu. On y va. Remontez, gonflez, tout ce que vous voulez, on rappelle. T'as rien d'autre à foutre, là ? Mais non, monsieur, mais je trouve qu'il faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle gentiment, je vous parle gentiment. Mais moi, je vous ai parlé gentiment au début. Je vous ai dit, j'ai des gamins qui dorment, demain, ils ont école. Et moi, j'ai pas que ça à foutre. Alors maintenant, si t'as une paire de couilles, déjà, faut pas avoir des burnes pour appeler en privé. Mais je vous donne mon numéro, monsieur, si vous insistez. Tu donnes mon numéro ? Bah alors, déplace-toi, si j'insiste, là, déplace-toi. Bah, c'est un peu... Viens, ramène-le ta gueule. Ramène-la ta gueule. Tu l'as eu comment, mon numéro, là ? Celui de ma femme, là, vous l'avez vu comment ? Bah... Sur les pages jaunes, c'est impossible, alors ferme ta gueule. Bah, qu'est-ce que vous en savez, monsieur ? Vous avez vérifié ? Ouais, j'ai vérifié, ouais. Ma femme, elle a vérifié, alors qu'est-ce que tu nous fais chier, là ? Bah, moi, je vous fais pas chier, monsieur, je veux juste savoir combien de fois vous faites l'amour avec votre femme. Mais va te faire enculer ! Voilà, t'as compris ? Demande à ta maman, ou demande à ta copine si t'en as une, là, ou à ton mec, là. Dis-y qu'il t'encule, on aura la paix, là, pour ce soir, là. Qu'est-ce que tu me fais chier, là ? Mais non, mais monsieur, c'est pas très gentil ce que vous dites là. Mais connard, va te faire enculer, tu sais quoi ? Va te faire sodomiser par le grec ou par qui tu veux, ou alors déplace-toi, viens à Vichy, je te donne mon adresse et je t'encule, moi. Moi, je vais t'enculer, moi, proprement, moi. Mais pas avec ma queue, connard. Tu vas voir, moi, j'ai des trucs pour te la mettre dans ton cul, moi. Vous pratiquez alors, vous êtes sadomaso, monsieur ? Non, je suis pas sado, mais tu vois, le canon de mon fusil, je vais te le carrer dans le cul, et je vais t'exploser, ton cul sans tirer. Je vais pas user une cartouche avec ton trou de balle. Alors maintenant, fais pas chier ou ferme ta gueule et arrête de faire chier les gens. D'accord, mais je peux parler sans vous faire chier peut-être. Ah. Oh merde. Oh, dommage, il avait l'air tellement en forme. Ah ouais. Oui, non, il était chaud lui. Oh, déception totale, merde. Alex qui dit c'est clair, faut rien dire, j'ai trompé 16 filles comme ça. Quel enculé. Bravo Alex, félicitations. Ah ouais, c'est clair. Et Sophie qui dit lol, ça capte pas dans la bouteille, tu m'as tué. Ah oui, c'était tout à l'heure avec notre amie Catherine, évidemment. Dounia qui dit allez Paris, vous écoutez tout en suivant le match, que demander de mieux ? Eh ben, si t'es pour Paris, qu'ils mettent un peu plus de buts. Quoique c'est 1-0 pour l'instant. C'est Paris qui gagne, on est à la 76e minute, bien entendu. Bon, et avant de récupérer Lindsay et Mickaël qui voulait donner son avis également, il y a la colle de Dylan. Dylan ! Oui ! C'est maintenant que ça va se passer, Dylan. Ouais, je suis prêt. Courage, courage. L'iPhone 5S a gagné, il fallait s'inscrire sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel, ou alors via SMS, tout simplement. Alors, je vérifie juste combien de personnes ont répondu à la colle. On est donc à... 18 000, pas mal, 18 706 réponses qui sont arrivées. Donc on va jouer maintenant, Dylan. On appelle le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la réponse à ta colle, il gagne, tu perds, ou elle gagne, tu perds. Et si jamais ça ne décroche pas, tu gagnes. Et si jamais il donne la réponse est mauvaise, évidemment. Allô ? Allô ? Oui ? Qui est là ? Comment tu t'appelles ? C'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio. Alors, voilà une bonne nouvelle, Serge. 25 ans. Ça dépend, après, il faut voir la bonne nouvelle. T'emballe pas, Serge, 25 ans. Il y a Dylan qui a une colle à te poser. Vas-y, Dylan. La souris mange le fromage, le chat mange la souris. Que reste-t-il ? Tu peux répondre ? Bah oui. Cadre. Le chat. Oui. Eh ben voilà. Eh ben bravo, Serge. Et Dylan ? Oui. Tu as été mauvais, je te l'avais dit au début, la colle était trop facile. Eh ouais. Ah ouais, c'est facile, hein. Ah bah mec, putain. Bah tu fais plaisir. De quoi ? L'iPhone, tu peux pas me l'offrir ? Je pense que c'est à toi qui parlais, Serge. Ah, bah non, ça ira, je vais le garder, tiens. Ah bah voilà, très bien. Tu me le payes ? Eh ben oui. Non, non, allez, dégage. Bon, Dylan ? Oui ? Bon, on a toujours un téléphone en bois, si tu veux. Ouais. Ouais, bon, bah écoute, toujours ça te brille, hein. Sinon, tu veux pas. Sur Facebook, il y en a qui proposaient le chinois qui mange le chat, mais enfin bon. Ah ouais, mais non. Bon, bah, Serge, bravo à toi, tu retournes au standard, on va prendre les coordonnées. Puis Dylan, eh ben, bravo à toi aussi, on va quand même te filer un pack fun, d'accord ? Tu peux faire une dédicace ? Vas-y, t'auras gagné ça au moins, là, vas-y. À une seule personne. Une dédicace, hein. À Alexandrine et Alicia, veux-tu sortir avec moi ? Oh, bah ouais, on va pas mignon. Sortir avec un loser, Dylan. Tu veux pas qu'on l'appelle, Dylan ? Ah oui, tu veux qu'on l'appelle en direct ? Oh bah je veux bien. Ah bah attends, reste là Dylan, attends, on va l'appeler en direct. Bon, salut Serge. Bah salut, merci en tout cas. De rien, ciao à toi, l'iPhone 5S donc gagné maintenant. Et Paris qui a mis un deuxième but. Paris, on t'encule. Allez l'OM, ils vont revenir. Capitale, ouais, bah là, Marseille, là, capitale des poubelles. Arrête un peu ton cinéma là, oh là là. Un vrai parisien lui, hein. Bon, bah ils vont revenir, oui peut-être. Mais bon là quand même en 10 minutes, faudrait quand même mettre deux buts. Bon, au moins un pour sauver l'honneur, on va dire ça comme ça. Alex, il est tough, je me pique. pisses dessus avec tes appels, tant mieux. Et puis Laura, sur le Twitter, quel est le féminin de assis devant la télé ? Debout dans la cuisine, bien sûr. C'est drôle ça, Laura, là, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Ouais, oui. Bon, Lindsay de retour. Lindsay. Lindsay, tu es là ? Lindsay est parti. On va prendre Anthony en attendant Denis, là, qui venait nous parler des vacances. Salut Anthony. Salut tout le monde, salut Mickaël. Comment vas-tu ? Bah ça va très bien, là je suis sur la Côte d'Azur, j'ai la mer en face de moi, il fait 10 degrés mais il fait beau. Je comprends, t'as la vie difficile. Ouais, une triste vie quoi. Non mais très difficile parce que fin de carnaval c'est terrible. Ouais, je comprends. Ouais. Bon Anthony, alors, c'est quoi ton meilleur vacances, ton meilleur plan vacances ? Oh, meilleur plan vacances, j'ai été en Italie, j'ai été en Hollande, j'ai été en Israël, j'ai été en Ukraine, j'ai été en Hollande, je l'ai dit, en Suisse un petit peu. Mais c'est quoi le meilleur ? C'est quoi le meilleur ? Meilleur, ça dépend pourquoi on va, où on va. Je sais pas, celui qui t'a le plus marqué, celui que t'as vraiment surkiffé, je sais pas moi. En Israël, je pense. En Israël, pourquoi ? Ouais. Ah bah il se tirait dans tous les sens, c'était génial. D'ailleurs je compte repartir en Ukraine là prochainement, à Kiev. Oh j'adore. J'adore me faire mitrailler le fion, c'est génial. Absolument pas, parce que on peut trouver en Israël tout ce que l'on veut. Franchement, tout dépend pourquoi on y va. Donc de la plongée, il va faire de la plongée. Si qui aime le ski, il y a des stations de ski. Comme en France. Comme aux États-Unis quoi. Et si c'est pour l'alcool et les putes. Aux États-Unis, il y en a pas. Il y en a pas à que je sache. Bah, il y a pas de montagne. Il y a pas quoi ? Il y a pas de montagne ? Il y a pas de station de ski, pas que je sache. Non, je pensais quand tu disais aux États-Unis, je pensais à New York. À New York, il y a pas de montagne. Voilà. Non, mais sinon il y a. Tu peux descendre l'Empire State Building en snow. J'aimerais bien aller à New York. Ouais, effectivement, ce serait super. Ah bah c'est la folie, je te le dis. J'aimerais bien. Clair. J'ai pas encore été aux States, j'aimerais bien y aller. L'avantage aux États-Unis, c'est que t'as tout à faire. C'est-à-dire que c'est tellement grand que tu es au moins obligé d'y aller 20 fois pour avoir fait un petit peu. Et encore, t'as pas tout fait. C'est clair. Tu risques de te perdre la tête. Oui, je te le confirme. Bah, merci Anthony d'être passé. Je voulais réagir par rapport à la fille qui est passée tout à l'heure. Effectivement, je suis d'accord, il faut rien lui dire. Voilà. Soit si elle veut le quitter. Bon, voilà, ça c'est une formule. Maintenant, je voulais réagir aussi à ton copain là qui est blindé. Tu es blindé. Apparemment, il aime bien la France et il parle que le français. Ouais. Mais quand on a autant de fric. Il n'y a pas besoin de parler l'anglais ou le chinois, partout où on va, ils comprennent le fric, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, c'est clair, mais lui, c'est parce que c'est même pas une question de radinerie, hein. C'est, voilà, il est bien, c'est la France, il est content. Voilà. C'est un peu dommage pour lui, parce que si j'avais un peu de son oseille, je peux te garantir que j'en ferais, moi, des voyages. Mais t'inquiète, nous aussi. Hein. Ah mais ouais, et putain, franchement, déjà, je trouve que je voyage pas mal. Il n'y a pas que l'extérieur, il faut aller aussi, par exemple, en Corse. C'est super beau la Corse. C'est hyper beau. Mais je suis pas le bienvenu, pareil. Alors moi j'en profite d'être sur Fun pour dire un grand bonjour à tous nos amis corses. Ouais. Voilà, et toi fais Wanted en Corse, je tiens à le rappeler. Oui, donc je peux pas trop y aller moi. Ouais, pour 20 000 euros, je vous le vends les gars. Ah ouais, complètement. Moi je le vends moi. Ah bah bien sûr, évidemment. Ouais. Bah merci en tout cas Anthony, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, seulement si vous avez un petit iPhone 5S, je prends. Hein. Attends, laisse-moi regarder. Ah bah non, il est parti. Il est parti, ses charges là, putain tu seras arrivé 10 000 plus tôt là. J'appelais pas pour ça, rassurez-vous. Bon ça marche, salut à toi en tout cas et passe une bonne soirée là. Allez restez là sur Fun Radio, on va revenir en direct. Il y aura aussi dans quelques minutes le match d'impro. Match d'impro, on va en parler dans quelques minutes. Et puis je voulais savoir si vous étiez déjà retrouvé coincé dans un bâtiment, un ascenseur, une voiture, un truc comme ça. Je vous demande ça parce qu'il y a une meuf qui s'est retrouvée enfermée dans la crypte de la cathédrale de Fourvière, pardon. Et comme dans le Da Vinci Code, elle a dû escalader la crypte pour pouvoir atteindre une grille qui donnait sur l'extérieur et avoir du réseau pour appeler la police. Et donc elle est quand même restée plus de 2 heures enfermée dedans. Dans la crypte, t'imagines. Ouais, c'est clair. Donc venez nous dire si vous avez déjà été bloqué quelque part ou si vous l'avez fait exprès pour vous enfermer, pour pas aller au taf, au bahut, j'en sais rien moi. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Donc il y a le son de Followed avec Changes. Ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limite. Et on est là jusqu'à minuit comme chaque dimanche. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limite. En 2014, ils sont en liberté. MIKL de 20h à minuit sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France avec bah, toujours 2-0 pour Paris. Hein. Ça se termine là dans 1 minute 30, plus le temps additionnel. On va dire dans allez, 3 minutes, l'affaire est pliée. Donc pour l'instant, Paris gagne. Yeah, voilà. On verra, on verra, on verra. Il y a Jojo qui dit oui, moi je suis resté enfermé dans les toilettes dans le noir et une fois dans l'ascenseur. Bah, venez nous en parler, tiens, si vous êtes déjà resté coincé quelque part. On va en parler dans quelques minutes puisque bah, c'est une meuf qui est restée, elle, coincée. Je vous en avais parlé justement juste avant la pub. Donc on en parle. Si vous voulez faire le match d'impro également ce soir avec nous là pour se marrer, bah appelez-moi maintenant 01 42 48 5000. On cherche un garçon et une fille. On vous donne un thème. Vous devez bah, faire les acteurs, hein, faire un match d'impro. Nous on s'immisce au milieu de la conversation pour foutre un peu le bordel. Et si vous êtes bon, et bah, les auditeurs voteront pour l'un ou l'autre. Et bah si vous êtes bon, vous gagnerez. C'est pas plus compliqué que ça. Pour m'appeler donc 01 42 48 5000. Et puis vous pouvez venir nous rejoindre aussi sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Je vous l'avais promis, le son de Fallwood avec Changes, ce sera dans quelques minutes et ce sera ça pour ceux qui connaissent pas. Écoutez bien. Voilà, le son de Fallwood avec Changes, ça va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Si vous voulez choisir des sons aussi, n'hésitez pas, hein, je vous ai proposé aussi tout à l'heure Jubel avec Klingon. Ah, ça ressemble un peu, hein. Il y aura aussi le nouveau Guetta avec Shut Me Down. Et si vous voulez écouter des sons en particulier, bah vous demandez comme tous les soirs, hein, y a pas de problème. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Il y a Luxia Giatia qui dit je suis resté coincé dans l'ascenseur de la Tour Eiffel. Oh c'est bon ça. Oh c'est bizarre. Visite gratos. Ouais. Lisa qui dit une fois je suis resté coincé dans les toilettes du collège et c'était interdit de se mettre à deux dans une cabine. Résultat, un avertissement de comportement et 2 heures de colle avec la pire pionne de l'établissement. Sympa. Il y a Quentin également, une fois je suis resté enfermé devant chez moi. Donc obligé d'attendre les parents pendant 3 heures avec 0 degré. Magda qui dit moi je suis retrouvé coincé dans un ascenseur avec une personne qui paniquait, c'était affreux. Oh, merde. Et Gr qui dit je suis resté jamais. Attends. Je suis jamais resté coincé, mais je resterai bien coincé dans un ascenseur avec un beau mec et qu'il me casse les pattes à rire. Ouais, moi aussi, j'en ai toujours rêvé, mais ça m'est jamais arrivé. Ouais. Étonnant, hein. Kalash aussi, moi je suis resté bloqué dehors parce que j'ai laissé une clé dans la serrure. J'ai dû ouvrir la porte avec une radio, c'est la misère. Et Camille sur le Facebook, un jour je me suis enfermé dans un coffre pendant au moins 30 minutes en faisant un cache-cache. Ouais, il faut méfier parfois avec des cache-cache, hein, c'est con. Hein. Moi je suis resté coincé dans les toilettes quand j'étais petit. Mais tu sais, il n'y avait pas de fenêtre ni rien, donc mon père a dû, je sais pas, il a dû, parce qu'il a foutu d'ailleurs pour essayer d'ouvrir la porte. Mais il a quand même réussi, donc je suis quand même resté 30 minutes enfermé dans les toilettes, parce que j'étais tellement petit, en fait, j'avais fermé la porte à clé, parce que je voulais me la ramener, tu vois. Et en fait, j'arrivais plus à l'ouvrir, c'était trop dur, donc du coup, j'étais en galère, voilà. Donc, coincé déjà avec le part-off Volontairement ou involontairement? Dans le cul d'une meuf? Non, ça jamais. Ah, jamais, j'aimerais bien. Bah oui. Donc tu veux quoi, volontairement ou involontairement? Les deux. Tu t'es coincé déjà volontairement? Oui, volontairement, oui. Alors, c'est-à-dire? Eh ben, en fait, c'était parce que, en fait, je voulais tirer une meuf. Ouais. Dans un endroit. Elle s'est tirée, hein. C'est... Non, mais c'était dans un endroit où c'est pas tout à fait toléré et surtout où il y a beaucoup de public. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu que les gens se barrent et donc on a attendu la fermeture pour pouvoir baiser dans ce lieu. Ouais. Voilà, et donc on s'est fait enfermer volontairement. D'accord. Et donc après on est redescendu et on a dit au mec voilà, on est resté coincé. Et l'involontairement? Et involontairement c'était une fois dans l'ascenseur dans une autre radio. Ouais. Où voilà, on est en fait l'ascenseur s'était bloqué, je sais plus, une demi-heure, trois quarts d'heure. Oh sympa, mais tout seul? Non, on était deux ou trois dans l'ascenseur. Pas des meufs? Non. Ah ouais, c'est ça, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Y'a Pink qui dit, moi dans la chambre de ma belle-mère sous le lit de 22h à 4h, qu'est-ce que tu fous, t'es la Pink? Y'a Alexandra aussi sur le Facebook, moi je suis resté enfermé dehors, il neigeait, j'ai dû chercher des petits cailloux pour les lancer à la fenêtre de la chambre de ma mère, la loose. Et Clems94 qui dit, resté bloqué dans un ascenseur chelou, dans une cité avec un mec qui hurlait, oh my god, tu m'étonnes, putain, ça doit foutre un peu les boules ça. Et Stéphanie qui dit, en jouant cache-cache, je suis resté coincé dans le coffre du clic-clac, mais j'ai gagné. Eh ben c'est le principal, Stéphanie. Bon, il y a Mickaël également, 19 ans de Cavaillon dans le Vaucluse. Salut Mickaël. Salut. Et c'est terminé hein, pour Paris-Marseille. 2-0 pour les Parisiens donc au Parc des Princes ce soir. Voilà. Bon Mickaël, alors toi tu voulais réagir aux gens coincés? Non, Mickaël. Malheureusement Mickaël est resté coincé dans le téléphone. Mickaël. Bon, on va prendre un autre. Ah, Mickaël, t'es là? Ah oui, je suis là. Ah bah voilà, très bien. Bon, alors ah, non, toi tu voulais réagir par rapport à l'INSEE, la tromperie, c'est ça? Ah, pour l'INSEE, oui. Très bien, l'INSEE, t'es de retour? Oui, je suis là. Parfait, donc Lindsay qui nous avait appelé parce qu'il a trompé son mec. Et bah, elle voulait lui annoncer, lui avouer, mais elle savait pas comment. Donc je lui ai dit que c'était pas la peine de le faire. Surtout si c'est un accident et qu'elle le refera plus, c'est pas la peine de lui faire du mal au mec. Autant faire comme si de rien n'était et assumer et prendre sur soi. Quel est ton avis, Mickaël, de Carayon? Je vois pas ça comme ça. Je pense qu'elle devrait lui dire, parce qu'il vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait sourire. Donc, okay, c'est beau, c'est phrase, oh, bravo. Ah, oui. Oh là là, mieux, oh, une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait sourire. Eh oui, si un jour il apprend qu'elle a trompé, là ça va pas aller. Mais et alors puis, là... Mais oui, mais ça va pas aller. Franchement, je préfère, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, si ma meuf me trompe, je préfère qu'elle ferme sa gueule plutôt qu'elle me le dise. Hein. Si c'est un one shot, encore une fois, si c'est évidemment si elle passe sa vie à ça, je préfère le savoir. Mais si c'est un one shot et que ça arrivera plus et qu'elle regrette, etc., je ne veux pas le savoir. Surtout par pitié qu'elle me le dise pas. Oui, parce que tu pars d'une d'une malhonnêteté. Donc encore continuer, quoi. Tu vois? Ouais, je comprends, mais moi quand ça m'est arrivé, je lui ai dit directement que j'ai trompé. Bon, en même temps, j'avais pas de sentiment pour la personne, donc voilà. Pour quelle personne? Celle à qui tu l'as dit ou celle avec qui tu l'as fait? Ah non, celle que je lui ai dit, que j'ai trompé. Ouais. Mais... Et elle a mal pris, mais... Ah, après, tiens. Sans blague qu'elle ait mal pris, évidemment. Le but, le problème, c'est qu'en fait, tu risques de perdre ta meuf ou ton mec si tu lui dis. Alors que si tu fermes ta gueule, bon, bah voilà, t'as fait une connerie, t'assumes, tu te rends compte de ta connerie, c'est bon, bah voilà, passons à autre chose. Il sait rien, il y a rien qui s'est passé, oublions tout. Ouais, mais bon, de notre côté, si après il apprend, ça reviendra au même. Ah bah oui, mais enfin, et si jamais elle l'apprend pas, au final, t'auras cassé un truc pour rien. Alors qu'en fait, elle l'apprendra peut-être jamais. Ouais, vaut mieux pas que je le dise. Bah, en tout cas, oui, c'est mon avis, mais après tu fais comme tu veux, moi je t'incite à rien, hein. Moi je te donne simplement mon avis. Demandons à Mariana également, qui appelle de Liévin dans le Pas-de-Calais, là. Salut Mariana. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ah, oui. Moi ça va très bien. Bon, bah bienvenue à toi Mariana. Est-ce Merci. Que c'est pas loin de Neulémines? Je crois que c'est un peu loin quand même, oui, le Pas-de-Calais. Non, c'est à côté. Eh bah tu viens nous voir Mariana là, hein. Oui, bah oui, quand même. Bah on va te filer deux places déjà, comme ça tu viens avec la personne de ton choix Mariana. Ah merci, c'est cool. Une fille, hein. Oui, que des filles. Tu viens avec qui? Oui, bah c'est bon, c'est une fille. Parfait. Ah. Eh ben très bien, parfait. Bon, alors, et Toff fera le videur. Ah, bien sûr, voilà, il sera à la porte. Il va se faire vider par des mecs, tu vas voir, ça va être drôle. Je checkerai l'identité des gens mais qui oui. rentrent. Et je rappelle qu'on offrira notamment, bah, il y aura déjà plein de cadeaux, mais on va aussi sortir un iPad mini qu'on offrira, bah, peut-être à toi Mariana en tout cas, on verra bien, à Neulémines au Whiz Club. Et ben voilà, c'est vendredi soir, Whiz Club, donc on sera là à partir de minuit à peu près, hein, pour passer la soirée avec vous, on va se marrer tous ensemble, et puis on ira le lendemain, c'est au Caliente, au Havre, oui on va pas plus loin. Donc si vous voulez venir là aussi nous rejoindre, il y aura des cadeaux, et puis bah on sera aussi tous là ensemble, on aura des places à vous offrir, hein, si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à demander, on en a pas mal pour le Whiz Club et pour le Caliente, le Whiz Club à Neulémines et le Caliente au Havre. J'espère que vous viendrez nombreux. Déjà, il y aura Mariana. Et ça, c'est pas mal. Mais Mariana, ça, combien mesures-tu? On s'en fout. Non, c'est pour donner aux gens envie de venir. Mariana, oh, combien mesures-tu? 1m53. Ah oui, ça ne culmine pas très haut alors, Mariana. Je suis petite. Ah ouais, n'oublie pas ta carte d'identité, hein, des fois qu'on croit que t'es moins de 18 non, ans. Non, ça va, j'ai jamais touché à ce niveau-là. Et mets des talons qu'on te voit dans la foule. Ouais. Alors, combien pèses-tu, Mariana? Comment? Combien pèses-tu? 55. D'accord, kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 E. Oh là là là là là. Comme énorme alors. Oh là là. Oh la violence. Du haut de ton 1m50. Bah oui. Et c'est quoi? C'est une montagne? Ah bah Polo est déjà tout excité, non, hein. C'est un pic, c'est un roc. C'est une péninsule. Monsieur de la culture. Et quel est le dernier, la taille du pantalon que tu as acheté? 38. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, prépare ta main droite, Mariana, hein. Ok. Pour la gueule de Polo et Toff. Oh bah moi pourras, j'adore ça. Voilà, tu pourras leur en remettre une évidemment. Si tu pouvais mettre un coup de sein dans la gueule. Oh là là, on se fait bien. Bon bref, Mariana, quoi qu'il en soit, on va te filer tes deux places, y a pas de souci. Et tu voulais réagir à l'INSEE, à Mickaël, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit lui avouer ou pas? Non, elle doit pas lui avouer. Nous sommes d'accord. Non, franchement. Parce que toi tu as déjà trompé. Oui, enfin, c'est pas vraiment trompé, c'est juste qu'on reste en compète et et au fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, il m'a fait la tête pendant une semaine, j'ai failli le perdre, tout ça, alors du coup, j'ai regretté de lui avoir dit. Alors et que bon, une bonne branlette espagnole et on n'en parle plus. Pas su, quoi. Ah bah là. J'aurais pas su. Bah, franchement, moi, je suis. Enfin, voilà, je vous ai déjà expliqué mon point de vue. Je vais pas le répéter 100 fois, mais pour moi, c'est le meilleur point de vue. C'est la meilleure solution. Oui, faut rien dire, quoi. Faut rien dire. Voilà. Bon, après, Mickaël était pas d'accord avec moi, mais c'est son avis, c'est son droit. Je suis pas d'accord. Mais il y a pas de problème. Lindsay, qu'est-ce que tu vas faire alors? Bah, je vais pas lui dire. Tu vas pas lui dire. Bon, bah voilà, comme ça, moi, c'est fait. Bah voilà. Et ben voilà. Bravo, félicitations. Et ben voilà, merci Mariana, merci Mickaël. De rien. D'être passé. Et puis bah Lindsay, bah écoute, bon courage pour la suite alors. Je peux faire une dédicace avant de partir. Eh ben vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Je veux faire une dédicace à mon frère, à ma belle-sœur, à mes nièces et à ma copine Jennifer de Bretagne. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans une personne? Elle n'avait pas compris, donc très bien. Eh ben, moi, salut Lindsay. Vas-y, Mickaël, à une seule personne aussi, hein, choisis la bonne. Ok, ben alors je passe une dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront. Eh ben voilà, comme ça c'est très bien, moi c'est un seul groupe, parfait. Salut Mickaël, à bientôt. Et moi merci. Pareil. Ciao. Une dédicace à tout le monde, à ceux qui me reconnaîtront. D'accord. Merci. Eh ben Mariana, tu bouges pas, je te repasse Sandro au standard, on va te filer tes deux places pour venir avec nous au Whiz Club vendredi. Gros bisous Mariana. Okay, merci beaucoup. Je t'embrasse, à bientôt. Et Tof te paiera un verre. Avec plaisir. Voilà, à la condition que je puisse le faire tenir entre tes seins. Oh, qu'est-ce que t'es chiant avec ça là? Genre c'est la condition sine qua non. Bah c'est moi qui paye, je fais ce que je veux. Mais oui, c'est ça. Tu viens habiller encore en mode quelque chose ou pas ce week-end? Bah je sais pas, si t'as une idée, oui, si tu veux. Dans un cercueil il viendra. dans son cercueil. Non mais je sais pas. Bah t'as qu'à faire un machin. Ouais, comment est-ce que Tof devrait être habillé pour venir au Whiz Club vendredi, donc à Neulémines et au Caliente le samedi au Havre. Si vous avez des idées, alors la dernière fois il était habillé en lapin parce qu'il y avait Jean-Pierre Sauzère qui était là en direct. Donc là comment tu le verrais bien habillé Mariana avec quel déguisement? Pas déguisé. Oui, en tête de con donc. Non, mais en normal. Oui, en tête de con, c'est ça. C'est son déguisement naturel. Bah oui. Eh bah oui, c'est une idée, pourquoi pas. Bon, on verra. Mais Tof aime bien être déguisé parce que du coup, il peut se coller à plein de meufs. Ouais, mais enfin, j'adore non, ça. C'est plein de meufs qui viennent se coller à lui. Mais grave, voilà. C'est trop bien. Mais bon, par contre, une fois que je l'enlève. Ah bah après, c'est terminé. Ouais, ça colle plus. Voilà, c'est ça. Enfin, en même temps, la meuf, t'as une petite pipe pendant que t'as encore le. Ouais, j'aurais dû. Mais je savais pas, mais cette fois-ci, je vais anticiper ce problème. Voilà, tu vas garder la tête et enlever le reste. Voilà, parce que la dernière fois, la meuf, elle était collée et tout, on se touchait, on se plottait, puis je lui allais enlever le costume, je suis revenu, elle m'a regardé, elle m'a fait qu'est-ce que tu veux. Voilà, et puis c'était terminé, hein, ça en est resté là. Donc bon, bizarre quoi. Ouais, j'étais un peu surpris. Bah et déçu surtout aussi. Ah bah très, parce qu'elle était plutôt jolie. Bah ouais, c'est étonnant effectivement. Bah surtout pour moi, j'ai pas l'habitude. C'est clair. Bon bah gros bisous Mariana, en tout cas je t'embrasse. Ok, gros bisous. Salut, ciao à toi Mariana, bye bye, ciao. On va se mettre le son de. Tiens, on l'avait promis tout à l'heure, c'est vrai qu'on est un peu à la traîne là pour le coup. Le son de. Martin Garrix. Martin Garrix avec Firebeats et Hélicoptère maintenant. Il est 23h, on va se faire le match d'impro dans quelques minutes. Appelez-nous pour participer. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est Fun Radio, on est là jusqu'à minuit, bienvenue. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Tof est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Oui, exact, et puis toute la semaine également, de 23h à 2h. Hein. Loupez pas le truc si vous venez de débarquer ce soir, moi c'est Mickaël. Et donc, Mickaël No Limit, 20h minuit le dimanche, 23h, 2h, tous les soirs de la semaine. Il y a Adam qui dit coup de pelle pour moi, je suis arrivé en retard. Bah mec, t'es en retard, on est quasiment à la fin de l'émission là. Hop là, un petit coup de pelle. Il y a Camille qui dit je suis deg, l'OM qui a perdu face à ses enculés de Parisiens. Polo, tu peux venir me consoler? Si elle veut, ouais. Ah bah là, pour le coup, il n'y a plus de problème alors. Ah non. Ah oui, bah ça c'est. Sophie également sur le Facebook. Déguise-toi en Jean-Pierre Sauzère. Il y a Pink qui dit déguise-toi en gros bébé. Digital qui dit Tof, déguise-toi avec un sac sur la tête pour pas voir ta tête de con. Echo sur le Twitter aussi, mettez à Tof une capote sur la gueule avec la tête de bite qui là ça passera crème. Et alors la friterie Alba également qui dit salut Mickaël et l'équipe. Mardi c'est carnaval à Charleroi. Tof ira avec ses lunettes, il va se faire défoncer. De toute façon, Tof a pas besoin de déguisement, il est déjà allé comme ça. Eh oui, mais attends, mais on est con, t'as qu'à mettre les lunettes que je t'ai offert de Madrid. Et quoi, je mets un costume Deux bites. Bon oui, pourquoi pas. Ou même les lunettes, je pense que ça passera crème. Hein. Bah, juste les lunettes. Donc je dois vous faire des lunettes que j'ai ramenées de Madrid ce week-end. Vous pouvez aller les voir sur le Facebook, sur l'Instagram et sur le Twitter. On a mis la photo dessus. Donc facebook.com/mikaelofficiel. Allez voir, donnez votre avis. Au moins vous le trouverez facilement. Il y a Joey qui dit, avant qu'il se déguise, il faudrait peut-être lui enlever son masque. Et alors moi j'ai été une fois enfermé dans les toilettes de l'appart de mon père parce que le verrou ne marchait pas et mon père était au taf. J'ai fermé à clé. Heureusement mon père a vu que je ne décrochais pas au téléphone. Il est arrivé, t'as eu de la chance. Il y a le fils d'enculé qui dit avec être déguisé en grosse bite. Stéphanie qui dit en mort vivant vu qu'il est mort. Pas faux, effectivement. Et alors le fils d'enculé encore qui dit, tu suces des bites à tof toi l'enculé. Ah le mec est un spécialiste de South Park. Spécialiste de l'émission et surtout un spécialiste du générique de fin. Ouais. Roman qui dit rester coincé dans une armoire en essayant de me la péter car j'étais la seule qui arrivait à rentrer dedans. Et bah pour cause, t'es même resté coincé dedans. Et Santou 78, à nouveau ça Santou je pense. Hein. Je suis resté coincé 25 minutes dans ma salle de bain jusqu'à ce qu'on arrive à me débloquer en cassant la porte. Ah oui carrément. Et vous êtes déjà resté coincé dans des trucs improbables. C'est assez exceptionnel ça. Bon, on va parler avec Lucas notamment des gens coincés là. Salut Lucas. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, ouais, très bien, ouais. Alors, Lucas, t'appelles des Landes, c'est ça? Ouais, ouais. Biscarros. Alors, t'es resté coincé dans quoi ou ça, dis-moi? Eh ben, moi, dans une meuf. En fait, on partait chez des amis à mon père. Ouais. Et ils habitaient dans un immeuble. D'accord. Et on a pris l'ascenseur et tout d'un coup, il s'est arrêté. On était coincé dedans et tout. Et voilà. Ouais, et comment t'es sorti? Et comment je suis sorti? Du coup, mon père a appelé des pompiers et tout. Et il a appelé l'alarme de l'ascenseur et tout. Ah, il a appelé l'alarme. Bah oui, le truc. Il l'a déclenché plutôt, ouais. Non, non, mais tu sais, quand tu pousses sur l'alarme dans les certains ascenseurs, c'est directement mis en liaison avec la centrale. Ouais, ouais, voilà. Et après, ils sont venus débloquer l'ascenseur et après, voilà, on est redescendu. Bon, bah ça va, pas eu trop de flip en l'occurrence. Non, mais au début, un peu quand même. Oui, mais voilà, mais en même temps, quand t'es coincé, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, aujourd'hui, les ascenseurs, ils tombent plus comme à l'époque, tu vois, dans le film L'Ascenseur, à l'époque, c'est un film d'horreur. Tu sais, ça tenait sur un câble et quand le câble lâchait... Le truc il volait quoi. Ouais. Maintenant le truc, même si le câble il lâche, des trucs de sécurité, ça descend quoi de Je sais même pas. Et en fait t'as des espèces de cales et du coup paf, le truc il reste bloqué en fait tout simplement. Donc aujourd'hui il y a plus de risque, hein, sauf si vous prenez des vieux ascenseurs. Alors, ça c'est possible. Oula, il y a une tempête chez toi Lucas apparemment. Dans ton téléphone, ouais. Hein, il y a une tempête dans les Landes ou pas? Ouais. Ah, il y a une tempête, c'est pour ça. On l'avait bien entendu là, la tempête de téléphone, ouais, c'est clair. Salut Lucas, merci d'avoir appelé Fun. Salut, je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, choisis la bonne personne, à une seule personne, hein, choisis la bonne. Je fais une dédicace à Maxence. D'accord, mais c'est qui Maxence? Maxence Deslandes. Ah, bah si c'est Maxence Deslandes, alors je vois tout. Bah oui, évidemment. Maxence Lafaille. D'accord, très bien. Salut Lucas, à bientôt, ciao. Maxence Lafaille. Bye bye, ciao. Il y a Emeric qui est de retour là. Emeric de Versailles. Ouais. Bon, salut. Alors, salut Emeric. Alors, comment ça va? Passez une bonne journée? Bah, très bien, et toi? Bah, ça va, tranquille, hein, pépère. Écoute, passez un bon week-end également. Et toi, t'as fait quoi? Moi, pas grand-chose, j'étais en vacances, j'ai glandé tout le week-end. Cool. Et tu fais quoi dans la vie sinon? Étudiant ou taf? Ou glandeur? Étudiant en école d'ingénieur. Ah ouais, ah d'accord, ouais. Ok. Oh, ça va, monsieur est quand même une tête, mais glande quand même. Un peu, ça va. D'accord, ok, non mais comme ça, très bien. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Emeric? Alors moi, je viens sur l'antenne pour parler du 4L Trophy. Ouais. On a décidé avec un pote de participer à l'édition 2015, donc l'année prochaine. Ouais. Et puis, quoi, j'ai poussé sur un mauvais bouton. Attends, j'en mérite une, là. Voilà. Vas-y, dis-moi. Et donc voilà, je voulais juste un petit peu en parler de notre projet un peu spécial car on a un concept de 4L un peu bizarre qui fait comme une boîte de nuit roulante. Donc on a une boîte de nuit roulante quoi. En gros, on a prévu une grosse installation audio et lumière à l'intérieur et à l'extérieur de la 4L pour foutre l'ambiance dans le désert, faire des gros stuff pendant des bivouacs et tout. C'est les mecs qui vont là pour gagner, l'autre qui est là pour faire la teuf, tu sais. Pour foutre la merde et pour bourrer la gueule des autres. Exactement, avec un gros budget tease aussi. Mais vous êtes sûr que la voiture elle va encore rouler une fois que vous aurez mis tout ça dedans? Parce qu'une 4L. On a fait une grosse réparation exprès pour pouvoir emporter plein de trucs, notamment le son, l'éclairage et la tease. D'accord. Donc ça va le faire. Et donc, j'aimerais balancer la page Facebook qu'on a créée il y a deux jours. On a déjà 340 likes en deux jours, en 24 heures même depuis hier. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. J'aimerais bien la passer à l'antenne pour en avoir le maximum parce que pour les sponsors c'est un bon argument. Évidemment, ouais. Voilà. Bah, écoute, vas-y, c'est quoi? Alors, la page Facebook, c'est Disco 4L. Donc, comme ça se prononce, Disco, plus loin 4L. Bon, toi, ça fera un like déjà. Hein. Oui, j'y vais là. Voilà, voilà. C'est cool. Et si vous pouvez même poster le lien sur la page Facebook de Mickaël Officiel, ça serait super cool. Ah bah ce serait super cool. Alors le problème c'est que je l'ai fait la semaine dernière et j'ai toujours dit que je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais parce que le problème c'est que dès que tu le fais pour un, du coup ils te débarquent tous. Alors ouais mais moi aussi je peux avoir la pub. Ouais mais non je peux pas. Ouais mais tu l'as fait la fois passée pour Roger, pourquoi pas moi? Oui, et donc du coup c'est un bordel sans nom, tu vois. Elle a une belle gueule la voiture. Montre la gueule de la voiture. Elle a une belle gueule pour le 4. Elle est bonne avec les 4 lampes et tout auto sur le toit, parfait. Ah ouais, ouais. Carrément. Et puis, c'est un but humanitaire à la base pour emporter des fournitures scolaires aux enfants des militaires. Ouais mais vous avez encore de la place pour les fournitures avec tout ce que vous avez. Ah ramène de la cheese et tout. Ah ouais c'est on ça. A, ouais. On a tout prévu, on a tout prévu. Mais attends, mais donc, la voiture elle va être sur deux roues, les deux roues à l'avant, elle va être en l'air, non? Bah c'est un peu ça déjà. On va gérer. Non mais attends, tellement elle est blindée la voiture, elle va être blindée. Ouais mais c'est pas un truc de vitesse à la base hein. Non mais c'est quand même un truc où t'avances. Ouais. Oui, mais on avance, on est toujours. Toutes les voitures sont blindées de toute façon, les pièces. C'est pas un Uber que t'as. Oui c'est non, ça. Non mais ça va le faire, ça va le faire. On a pris. Bon bah coup, écoute, rebalance le truc, donc c'est Disco 4L. Alors 4 et puis L, c'est ça? Ouais ça. 4L collé et Disco plus loin 4L. Voilà donc 4 voilà. Le chiffre et L la lettre. Ouais. Exactement. Voilà donc Disco 4L sur le Facebook, bah allez voir, faites un like. Et puis bah Toff l'a déjà fait, hein, je vais aller le faire aussi. Voilà, et comme je suis sympa, je partage. Voilà, et il partage en plus, ça va être la folie totale, tu vas voir, ça va être génial. Toff il veut une médaille cool. Parce que on lui. Bah ouais. Et ça démarque quand? Donc c'est en 2015, c'est ça? Ouais, alors c'est dans longtemps, c'est dans un an pile, hein, ceux de cette année ils viennent de rentrer là. Ah ouais. C'est un projet qui se fait sur un an, parce qu'il faut trouver tous les sponsors et tout. D'ailleurs, j'essaye de contacter le service communication de Fun Radio, parce qu'avoir un autocollant Fun Radio sur la bagnole, ça reste peut-être. On va t'en envoyer, on va t'en envoyer. Ah oui, mais on les met pas comme ça. Le but, c'est qu'on achète un emplacement sur la 4L pour que ça nous sponsorise notre projet. Ah ouais, mais t'es tombé sur la radio des pinces ici. Hein. Non, mais après, je sais pas, oui, on va te donner un mail, je sais pas qui gère ça, et puis après, tu verras avec eux, oui. Ouais, ok, ça marche. Bah oui, ouais, tu vas voir. On t'aurait bien donné le mail du sous-chef ou du sous-sous-chef, mais alors eux, c'est roi de la pince. Hein. Ah oui, c'est plus ah bah, ouais, alors là, putain, ils ont des oursins dans les poches. Mais je comprends. Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc, à moins que Toff veuille mettre sa tête dessus, et là, il paye l'emplacement. Bien sûr, je vais mettre ma tête sur tout le capot. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, plus personne la regardera après. Donc, ouais, voilà. c'est vrai. Donc, c'est bien réfléchi, vu comme ça, effectivement. C'est vrai. Dommage. Oui, c'est vrai, c'est vous qui voyez. Bon, Emeric, en tout cas, le message est passé. On va essayer de te filer le mail de la personne qui gère ça. Et puis après, bah, toi de jouer, mec. Hein. Ok, c'est cool. Voilà, et Disco 4L donc sur le Facebook si vous voulez aller voir un peu à quoi ça ressemble. Et surtout voir cette magnifique 4L bleue avec les 4 phares là, au-dessus sur le toit. Ah, elle est magnifique. Exact. Elle est belle. Elle est magnifique. Ouais, elle est belle. So beautiful. Vous êtes loin Ah non, Versailles, mais vous pouvez l'amener à la radio. On peut faire un tour avec. Bah écoute, si j'arrive à me faire sponsoriser par Fun Radio, pourquoi pas hein. Oh, alors il fait un échange. Alors que c'est là que t'es dommage, parce que si tu viens à la radio et qu'on fait les photos, etc., là je pourrais mettre le lien sur le Facebook, tu vois. Ah oui. Mais comme l'autre, il, hein, parce qu'on dit des pinces, mais l'autre il a aussi les dents qui rayent le plancher, hein, Emeric. Ingénieur, va. Ça peut être cool. Pour l'instant, on n'a pas encore l'assurance en fait. On l'a acheté avant-hier et. Ah oui, bah oui, alors attends. T'as acheté ça combien? Parce que, alors ça on l'a acheté 2 300 € en ayant bien négocié parce qu'en fait elle est déjà préparée pour le 4L Trophy. Ah oui d'accord. Elle l'a déjà fait une fois. Cher pendant 4L. Non, elle l'a pas fait en fait. D'accord. Le gars a eu un problème de santé et il a pas pu le faire. Donc d'accord. On la récupère déjà prête et pas aligné quoi. C'est nickel. Bah très bien. Eh ben écoute, bonne chance en tout cas. Et puis si tu veux passer à la radio, Lucas, tu passes sans problème. C'est cool. Est-ce ça que roule. Tu peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne. Qu'est-ce qui vous arrive avec les dédicaces là, tout d'un coup, là, 4 d'un coup là? Vas-y, à une seule personne, okay, choisis la bonne. Dédicace à mon copilote Benoît. D'accord. Voilà. Eh ben le message est passé sans problème. Salut à toi, à bientôt. Super, bonne soirée, au revoir. Ciao, à bientôt. Romuald qu'on va récupérer, on l'a eu en début d'émission là, et puis après on l'a plus eu. Hein. Romuald donc de Marseille qui nous appelait parce qu'il avait un petit sexe, Romuald, c'est ça hein? C'est ça, mais qu'est-ce qu'il parlait là le mec avec la 4L là? Qu'est-ce qu'il a? Il faisait que parler, moi il m'a saoulé. Hein. Ah bah c'est le but en même temps, il faisait la promo de la 4L. Ouais. Hein, donc s'il parlait pas, on n'aurait pas compris grand chose en même temps, Romuald. Hein. Ah bah oui. Ouais, eh bah oui. Bon, Romuald, reste avec nous. On a encore d'autres appels de Toff qu'on va faire dans quelques minutes. Il y a Kevin et Mickaël qui vont nous parler des endroits où ils ont déjà été, où ils sont déjà restés coincés. Maxence également. Marion qui va nous parler des vacances les plus... les vacances les plus ouf que vous avez passées. Peu importe l'endroit, ça peut être à côté de chez vous, ça peut être à l'autre bout du monde. On n'est pas là dans le détail non plus. Donc n'hésitez pas si vous avez des vacances sympas à nous raconter. N'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Mélie qui dit j'aimerais savoir s'il a été gagné l'iPhone 5S. Oui Mélie, c'est Serge qui a gagné. C'était il y a 3 quarts d'heure à peu près. Il est passé à l'antenne. Et Quentin qui dit moi je suis resté bloqué dans la chaufferie de l'hôpital. J'avais chaud. La question c'est qu'est-ce que tu foutais dans la chaufferie de l'hôpital? Et ça c'est la plus grande des questions. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et ouais, et c'est le son de David Guetta maintenant qu'on écoute Shut Me Down. Je vous rappelle également que demain sera le retour de Bruno dans la radio. En pleine forme. À partir de 6h sur Fun Radio, Bruno dans la radio. Il est 23h18, c'est David Guetta qu'on écoute maintenant. C'est Mickaël, No Limit sur Fun. I was 5 and he was 6. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, No Limit. No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, effectivement, le dimanche soir de 20h à minuit, là il est 23h20, et également, évidemment, tous les soirs de la semaine, de 23h à 2h. Il y a Nicolas qui dit, Tof, tu déguises-toi en vagin. Oui, c'est une idée, après il faut trouver... Je vais très charmant là en vagin. Ouais, il faut trouver on va le faire truc aussi. En hein. Carton. Ouais. David, 0409 sur le Twitter, je suis resté dans les toilettes d'un resto pendant une heure. Kevin, je suis trop fan de vous, vous gérez trop. Merci Kevin, gros bisous à toi. Et... Benji Spears qui dit moi bloqué dans un ascenseur pendant 2 heures. Ah oui c'est la galère. Abdou qui dit moi je suis bloqué à l'extérieur car ma soeur a enfoncé la clé. J'ai dormi chez un pote et je suis rentré le lendemain. Ah oui ça c'est la galère quand tu laisses la clé dans sur la porte. Du coup bah forcément tu peux plus rentrer. Et Sheva qui dit je suis resté coincé dans un avion toilette. Aïe, violent l'atterrissage. Ouais c'est grave. Mais attends il y a un moment les hôtesses ils ont pas vu qu'il y avait un siège qui était occupé mais vide. Ouais c'est chelou. Et ils disent mais il est où le mec? C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est bizarre. Et Pierre qui dit le pire qui m'est arrivé, c'est rester enfermé dans une salle de cours. Ah ouais, non, ça c'est l'angoisse. Imagine que t'es déjà tellement pressé de sortir de la salle de cours, en plus t'es obligé de. T'es coincé dedans, quoi. L'angoisse totale. Bon, on a Romuald. Non, d'abord Kevin qui est avec nous de Blois, là, qui est resté coincé aussi. Salut Kevin. Salut. Comment ça va? Bah, ça va bien, et toi? Bah, très bien, très bien. Bon, apparemment, on a déjà un mec pour le match d'impro. On cherche une fille. Donc, si vous êtes une fille et que vous avez envie de jouer avec nous pour le match d'impro, le principe est simple. Garçon et une fille qui s'affrontent. Et on donne un thème. Le but, arriver à improviser pendant 1, 2, 3 minutes, ça dépend, sur ce thème. Et nous, bien évidemment, on arrive au milieu, on fout un peu le bordel. Et le but, bah, être meilleur que l'autre. Les auditeurs voteront, bien sûr, via le Facebook, le Twitter et les SMS. Et puis, bon, on verra lequel des deux gagnera, bien entendu. Bon, Kevin, et donc pour jouer 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. Kevin, donc t'appelles de Blois et toi t'es déjà resté coincé mais où, quand, comment, pourquoi, dis-nous tout. Alors c'est dans une église entre deux portes, dans le noir, sans batterie, sans lumière. Dans attends, c'est dans une église. Ouais, dans une église parce qu'en fait je pensais qu'une porte était la sortie normale. Non, la sortie principale, quoi. Et en fait, non, c'était la sortie de secours. Et c'est deux portes, et il y a donc un sas entre les deux. Ouais. Et la dernière porte qui permet donc de sortir, et bah, elle était bloquée, en fait. Il y avait une barre. Du coup, pendant une demi-heure dans le noir, j'ai dû chercher un moyen de sortir. En fait, c'était une toute petite poignée sur le côté. D'accord, ok. Et putain, ça va pas trop eu l'angoisse? Parce que tu sais, après, il y en a qui restent coincés, mais tu sais, ils sont claustro ou un truc comme ça. Et il y en a qui pètent un plomb. Hein. C'est pas trop mon genre d'être claustro, mais au bout de 30 minutes, ça commence à faire badon. On se demande parce qu'en plus, ils étaient en pleine messe, en train de chanter. Enfin bon, j'aurais pu taper sur la porte, personne m'aurait entendu, quoi. Ouais, mais au moins, tu sais qu'il y a quelqu'un et qu'à un moment, tu vas sortir. C'est pas comme si le truc est vide. Ouais, et que tu te dis putain, quand est-ce qu'ils vont repasser la prochaine fois, tu vois? C'est-à-dire ah, c'est horrible. Je vais rester coincé là, je sais pas combien de temps, combien de jours, combien d'heures ou combien de jours, tu sais pas du tout quoi. Il y a Drakit aussi, pardon, sur le Twitter qui dit moi bloqué dans un ascenseur, je m'en fous. Ce qui me ferait chier, c'est d'être bloqué dans un ascenseur avec Tof. Oui, aussi. Et alors, Tof, tu devrais attacher des boules de bowling aux pieds et ça fera un petit. Ça fera une petite bite complète. Dédicace au. Au cours Atbert et à Jules Lardy. Ah oui, tu mets deux boules de bowling et en fait ça fait une bite. Du coup, bah oui. Donc toi tu le corps serait la bite. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Bah après il faut traîner les boules. Hein. Bah oui, mais bon. Bah ouais, bon, c'est pas la première fois que je traîne mes boules. Hein. Non, ça c'est sûr. Hein. Attends, il y a Mickaël également de Bordeaux là. Salut le Bordelais. Salut. Comment vas-tu? Bah très bien et vous? Eh bah très très bien aussi Mickaël, sois le bienvenu. T'es en vacances toi? Ah bah oui, t'es en vacances là non? Ah ben je reprends demain là. Ah non, tu reprends, oui oui c'est vrai. Oh là là, avec toutes les zones, moi je suis paumé hein. Ah oui, oh putain la galère. J'ai eu galette devant en plus, j'ai pas pu profiter des vacances là. Oh, pourquoi t'as pas profité, t'as fait quoi? C'est passé trop vite. Voilà, mais non, mais j'avais tellement de devoirs, j'avais un rapport de stage en explosé. Oh les enculés quand même. Les devoirs, laisse tomber. Mais il faut qu'ils comprennent, c'est bien fait. C'est vacances. Voilà, c'est ça. Et en vacances, tu vas pas bosser pour le reste du temps, quoi. Ça, je comprends. J'ai pas pu trop profiter, à part quand on a eu 2-3 invités, mais c'est tout. Bah oui, mais une honte, c'est une honte envers les profs. De donner du travail pendant les vacances, c'est dingue. Déjà c'est qu'on n'est pas payé pour aller en cours. Ça, ce serait bien quand même, t'imagines, t'es payé pour aller en cours. Ah, j'adore l'idée. Moi, j'adore l'idée. Ah ouais, putain. Moi, je retourne à l'école demain si on est payé pour aller en cours. Ça aurait été la folie totale avec les mêmes vacances et tout, c'est le top. Bon, t'es resté coincé où, toi, Mika? Moi, j'avais 6 ans, je suis resté coincé dans mes chiottes. Ah, original. Mais comment t'as fait? Je te dis original, ça m'est arrivé pareil, hein, mais bon, t'as fait comment, toi? Je me suis enfermé pour pouvoir être tranquille parce qu'il y a toujours quelqu'un qui rentre pendant que j'y suis. Ouais. Et en fait, j'arrivais plus à ouvrir. Et il y avait ma mère derrière pourtant, mais bon, elle a pas voulu appeler les flics ni rien, les pompiers ou quoi. Et du coup, je suis resté derrière comme ça. Ouais. Et j'ai essayé. Et puis au bout d'une heure, je me suis rendu compte que je tournais dans le mauvais sens. Oh là là là là. Du coup, je suis sorti comme un con. Oh, le cassos. Oh là là. Ah oui, là, on est pas mal. Il y a Stéphanie qui dit, j'étais coincé dans les toilettes pendant un concert. Et Sylvain qui vient de m'envoyer un mail qui dit « Salut l'équipe, pendant un match de foot de mon équipe à la mi-temps, je suis resté bloqué dans le vestiaire toute la mi-temps. Je jouais pas, j'étais blessé. » Ah bah encore heureux, Sylvain. Il y a Magda qui dit « Moi j'aimerais bien partir dans les îles, genre en Martinique, mais j'ai trop peur de prendre l'avion. » Oh Magda, mais qu'est-ce tu veux qu'il t'arrive quoi? En avion? Je veux dire, c'est moins dangereux que prendre la voiture. C'est vrai. C'est vrai en plus, t'as moins de chances de clamser en avion que de prendre la voiture. Donc voilà, faut y aller, vas-y pépère, tu prends quelques petits cachetons pour te calmer avant et puis t'es tranquille. Attends, il y a Maxence. Ah oui, Maxence, on l'avait déjà pris, autant pour moi. Eh ben Mickaël et Kevin, merci à vous en tout cas d'être passés. Hein. Merci, petite dédie possible. Merci. Eh ben vas-y, à une seule personne. Dédie, à toutes les personnes qui me reconnaîtront du lycée de Seille. D'accord, eh ben on embrasse tout le monde là-bas. T'as déjà fait la promo Kevin dans le lycée là, qu'on était là tous les soirs? Ah non. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends là? Je vais le faire. Eh ben il faut le faire, je te le confirme, t'as même pas prévenu tes potes que tu passes à l'antenne. Si, ça c'est fait. Ah quand même, bon bah très bien, parfait. Bon, voilà. Bon, impeccable. Tu peux faire une petite dédie? Ouais, bon alors attends, bon 20h minuit Kevin le dimanche et toute la semaine 23h-2h. T'écoutes depuis longtemps toi ou pas Kevin? Ouais, ça fait longtemps. Et en plus t'as pas encore fait la pub, bah bravo Kevin, bravo. Alors que tes autres potes sont peut-être en train de s'abrutir à écouter d'autres émissions à la con, eh ben nous pas, c'est quand même dramatique. Oh là là Kevin, je te jure. Je te jure. Kevin, merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux mieux. Pas de soucis. Ciao. Salut à toi, Kevin. Mickaël, tu voulais dire un truc aussi? Ouais, une dédie à... Eh ben, une seule personne. Choisis la bonne. Ok, à Morgane, qui nous écoute, là. D'accord. J'adore Morgane. Oh, c'est so sweet. Très bien. T'en as quand même fait deux, là, Mickaël, hein? Non. Bah si, à Morgane et à ma meilleure amie. Non, c'est elle. Ah, c'est elle. D'accord, ok. Alors, j'ai rien dit. Salut, Mika. Salut. Allez, ciao à toi Mickaël. On fera d'autres appels encore dans quelques minutes avec Taf. On va récupérer Kevin et Margot pour le match d'impro également. Vous êtes à tous les deux? Oui. Salut, comment Mickaël. Ça va? Vous êtes en forme? Et ouais, toujours hein. Bon. Vous êtes chaud? On n'a pas de cours le lendemain. Ah bah oui, toi t'es en congé toi. Et oui, encore une semaine hein. Tranquille. Tranquille, tranquille ouais. Eh ouais, quand même, hein. Bah ouais, Kevin d'Antibes. De l'autre côté, ouais. Margot, 20 ans, de Pierre-Latte dans le 26, c'est ça? Toujours. Très bien. Tu fais quoi dans la vie, toi, Margot? Mère au foyer. Mère au foyer, d'accord, ok, très bien. Un très beau métier. Et match d'impro dans quelques minutes face à Kevin. On va vous donner le thème dans 5 minutes, d'accord? Ok, ça marche. Parfait, donc ne bougez pas de là, Kevin et Margot. Il y a Bruno également qui est avec nous de Cahors. Salut Bruno. Salut Mika. Comment ça va? Salut. Ouais, ça va, nickel. Ça va très bien, tant mieux. Alors Bruno, tu peux couper ta radio, le haut-parleur ou le kit main libre? Je sais pas si t'as quelque chose là. Ouais, c'est bon, ouais. Ah voilà, parfait. Qu'est-ce qui t'amène Bruno? Pardon? Je dis de quoi on va parler avec toi Bruno? Ah bah moi on va parler de mon sexe. Ah de ton sexe, ah bah très bien. Ah oui, c'était par rapport à Romuald qui avait une petite bite. Ouais exact, moi okay. J'ai une grosse bite. Il est relou Romuald parce qu'il nous a appelé en début d'émission, on parle avec lui, puis après il raccroche, on n'arrive plus à le joindre. On le récupère à 23h, là il raccroche, on n'arrive plus à le joindre. Bref, on fera sans lui. Il nous avait appelé parce qu'il avait une petite bite et donc 6... C'est ça, 6 et demi. Ouais, 6,5 cm il avait à peu près. Mais il nous a pas dit, c'est en érection. Oui, oui, en érection. Ah, d'accord, oui, c'est oui, l'attitude. Oui, ouais. Ouais, il a dit en... Ah bah, c'est pas énorme, effectivement, ouais. Donc, on va parler avec toi dans un instant, Bruno. Tu restes là ? Ok, ça roule, l'équipe. Allez, bouge pas, on va se mettre... Ah oui, merde, on l'avait demandé tout à l'heure... Attends, faut que je retrouve... Faut que je retrouve... C'était quoi qu'on avait demandé tout à l'heure ? New World Song. Ah oui, New World Sound avec The Flute. Alors, attends, faut que je le retrouve, là. C'était Dylan qui m'a demandé ça, et comme il a perdu en plus à la colle, il est passé le à côté pauvre. De l'iPhone 5S, je peux au moins lui mettre le morceau, c'est quand même la moindre des choses, le minimum syndical. Hop, voilà, New World Sound, ça y est, c'est fait. Allez, reste là Bruno, il y a Maxence dans quelques minutes qui va parler avec nous également, et puis vous, hein, où que vous soyez en France, en Belgique et n'importe où sur Terre d'ailleurs, hein, appelez-nous 01 42 48 5000, et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Comme promis à Dylan tout à l'heure, le son de New World Sound maintenant sur Fun Radio, c'est The Flute. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël Nolimit, on est là jusqu'à minuit. The number you have dialed. Fun Radio. Mickaël Nolimit, No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et il est 23h33. On va dans quelques minutes faire le match d'impro avec Margot, avec Kevin, Maxence pour parler des endroits où vous êtes déjà resté coincé. Et puis on aura Bruno et Bruno donc pour nous parler des petites et grandes villes. Puisqu'on est tombé sur Maxence. Non, sur. Comment il s'appelle ? Romuald, qui nous disait qu'il avait une petite bite, ça l'emmerdait, 6,5 oh. Évidemment. D'ailleurs, il y a un message de Terry qui dit 6,5, la mienne fait le double à plat et le triple en dur. Eh bien, on est ravis de l'apprendre. Il y a Camille aussi sur le Twitter, je suis resté enfermé une fois dans les toilettes en primaire et à cause de ça, maintenant, je suis claustro. Ah ouais, ça peut arriver aussi. Et Ophélie, coucou l'équipe de Fun, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Ophélie, gros bisous à toi aussi. Et grrr, sur le Twitter également, la Corse, j'irais bien, à ce qu'il paraît, c'est magnifique. Ouais, c'est super beau la Corse, j'y suis allé une seule fois et c'était vraiment super bon. Et Echo qui dit c'est l'histoire d'un pêcheur qui remportait tous les tournois de pêche. On peut dire que c'est le meilleur pêcheur de tous les temps. Et il est content. Un étang. Bon allez, oh là là. Comment on est dans la lourdeur, passons avec les appels de Toff. Allons-y. Et on va parler de tromperie. Bah oui, puisque bon, la France a quand même été élue meilleur pays de la tromperie. Hein. Tout à fait. Numéro 1 sur l'infidélité avec 55%. Ouais. Fier. Mais ouais, bah Polo est fier, effectivement. Oh. 55% d'adultère en France, hein, ça veut dire quand même plus d'une personne sur deux a déjà trompé. Exactement. Ou va tromper. Non, c'est a déjà trompé. A déjà trompé. Mais peut-être qu'on peut faire mieux encore l'année prochaine avec c'est un vrai. Petit 60%. Allez, tous en lice, là, on y va. Et je rappelle que la ville championne du monde de l'adultère est... Paris. Voilà. Fier d'être parisien. Voilà. Bon, donc du coup, on va appeler pour voir si c'est le cas chez eux. Bah, si ça a déjà trompé, oui. Bah oui, grâce au numéro que vous nous avez envoyé, bien entendu, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on appelle. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà trompé votre mari. Bon, non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là ? Mais c'est pas des histoires, madame, c'est une question. Ah bah ça a le mérite d'être rapide. On va donc la rappeler la petite dame. Bah oui. Bah oui, 23h35. Allô. Oui, excuse-moi madame, on a été coupé. C'est qui toi? Moi je m'appelle Toff madame. Si j'ai trompé mon mari. Allô. Qui est-ce que tu veux? Bah je voulais savoir si vous aviez déjà trompé votre femme monsieur. Espèce d'enfoiré, espèce de tordu. Mais pourquoi vous dites ça monsieur? Mais t'es un pauvre con, minop. Mais pas du tout monsieur, je veux juste savoir si... Allô. Ah oui, bah allô, c'est encore une fois raccroché. Hein. Ouais, bon bah c'est pas okay. Grave. On rappelle encore un coup ? Ah bah oui, un petit peu. Ah bah oui, tant qu'on y est, hein, c'est reparti. Allô, oui. Oui, excusez-moi monsieur, mais je comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. Mais t'es une espèce de... Tu n'es qu'un enfoiré. Mais pas du tout monsieur, moi je vous appelle juste pour savoir. Il paraît que la France est le premier pays du monde où on trompe sa femme. Oui, bah c'est peut-être pourquoi, mais c'est peut-être pas le mien. Bah je sais pas, je vous pose la question monsieur. Mais oui, mais tu n'es qu'un pauvre con. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit, monsieur, hein? Mais ça répond pas à ma question. Mais oui, mais viens te présenter au moins un peu, puis tu verras. Bah, je m'appelle Toff, monsieur. Espèce de connard. Non, mais ça, vous me l'avez déjà dit, monsieur. Oui, bah, il a déjà dit, mais il a répété quand même. Bon, on en refera des nouveaux à partir de demain. Ah bah, évidemment. Et je rappelle encore une fois, si vous... Vous avez éventuellement des numéros de personnes un peu nerveuses, comme là par exemple, et réveillées assez tard, n'hésitez pas évidemment à balancer les numéros de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Il y a Joey qui dit message de bienvenue pour Noémie, qui vient tout juste de vous écouter. Eh ben on l'embrasse Noémie, attends on va te mettre un petit message de bienvenue, là, t'inquiète pas là, hop là. Vous êtes pédé ou bien vous êtes... Je pensais que vous êtes un gros pédé, ma fille, hein. Moi, si, si, hein. Je te brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Voilà, bienvenue à toi, Noémie. Et Pink aussi, même la Guyane, vous écoutez 973. Quoi, t'es en Guyane, Pink? C'est bon, ça? Quand est-ce qu'on vient faire l'émission en direct de chez toi? Bah oui, on sera bien dans sa piscine. On sera plutôt pas mal. Florent, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Mickaël pour dormir. Ah bah bravo, Florent, là. Il y a plein des nouveaux ou des anciens qui redébarquent, c'est cool. Célia qui dit également, j'étais coincé dans les toilettes pendant un cours de sport et on a dû démonter la porte pour que je sorte. Oh putain, ça c'est le genre de truc, après t'en entends parler pendant toute l'année. Hein. Tout le monde te fout de ta gueule. Tu deviens une légende. Ah ouais, tu deviens la légende, t'es resté coincé dans les chiottes. Et puis tu sais, ça prend des proportions après. Improbable. Il s'est chié dessus, il a mangé sa merde, etc. Exactement, exactement. Bon, retour avec Bruno pour parler des bites. Maxence et Camille qui vont nous parler des endroits où ils sont restés coincés. Et puis Kevin et Margot. Est-ce que vous êtes là, Kevin et Margot? Eh oui, on est présent. Eh oui, tant mieux. Margot, t'es bien là? Oui, toujours là. Parfait. Le thème que nous allons aborder dans quelques minutes, thème bien entendu du match d'impro, évidemment, hein, qui va vous permettre donc de sortir de cette émission la tête haute, très haute. Est-ce que Toff est puceau? Non, c'est pas ça. C'est pas ce thème-là. On aurait pu, mais ce n'est pas ça. Non. Le thème que nous allons aborder ce soir est, comme on parlait des gens enfermés, c'est enfermé, la police arrive pour aider. Ah. Donc vous êtes enfermé, par exemple, et puis ben voilà, la police arrive. Police en bois, évidemment. Hein. Ouais. Voilà, donc on va y aller, hein. Vous avez... Juste un rappel, il faut que ça baise. Ah oui, et à la fin... Ouais, et alors, au début, au milieu ou à la fin, il faut que ça baise. Vas-y. D'accord? Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Ouais. Allez, Margot. Ok. Bon, allez, improvisation, c'est de la radio, c'est de la fiction, t'inquiète pas, on s'en fout. On est coincé. Oui, mais y a pas de soucis avec ça. Ah bon, bah on très bien. On est coincé où? Vous êtes coincé, j'en sais rien. Ou pas un ascenseur. Vous êtes coincé dans un ascenseur, allez, par exemple. Ascenseur. Et Margot, en revanche, t'as le kit main libre là, non? Ou le haut-parleur? Les écouteurs, parce que mon portable est en charge. Ah merde. Bon bah tant pis, on fera avec. Parce que... Bon alors, approche le micro de ta bouche parce qu'on t'entendait de loin là. C'est bon là? Ouais, ça va mieux. Voilà, là, ça va beaucoup mieux. Je dis ça parce que si on t'entend mal et tout, les auditeurs vont pas forcément voter pour toi puisqu'ils vont rien comprendre de ce que tu racontes. Bon, ça et va. Attention, les auditeurs, avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, sur le Facebook ou même par SMS, vous pouvez voter en envoyant Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. On y va. Vous êtes donc coincé dans un ascenseur. Maintenant, c'est parti. Oh, chérie, comment on va faire? Je suis claustro, moi, j'ai peur. Tu voudrais pas me laisser le pantalon pour me tailler une pipe là? Vas-y, tu vas-y. Baisse le pantalon là, vas-y, tu vas faire bander là. Vas-y, t'inquiète. Oh, vas-y. Oh, putain. Kiff. Allez, oh là là là là là là. Oh, tu vas me faire spermer dans ton visage là. Oh là là. Oh putain. Vas-y, baisse ton pantalon là. Oh là, attends, ils arrivent. Vite, baisse ton pantalon. Ça râle, on prend un gant. Allez, t'inquiète. Je te mets une pressée dans le cul là. Vas-y, crie, excuse-moi là. Alors, on rejoint là, qu'est-ce qui se passe là? L'ascenseur apparemment est en panne là. Attends, je vais regarder, j'ouvre la boîte là. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien à l'intérieur. Mais non, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien à l'intérieur de l'ascenseur, allons donc. Oh, il y a quelqu'un dans l'ascenseur là? Oui, il y a nous, on est là. Elle est en train de me sucer, laissez-moi tranquille, elle est en train de me sucer là, laissez-moi tranquille. Comment, qu'est-ce qu'il raconte lui là? Elle est en train de me faire une pipe là. Mais vous êtes pas coincé dans l'ascenseur? Mais si, on est coincé, mais on est bien là. On est coincé, on est occupé. On est bien là, je suis en train de me faire. Alors, est-ce que vous voulez que je vous décoince? Je suis en train de lui faire la chatte. Est-ce que vous voulez que je vous décoince la nue? Mais non, mais ta gueule, je suis en train de la baiser là, je la sens. Si vous voulez participer, y'a pas de soucis. Ah, oh, putain, ton clito, il a le goût de la fraise. Oh, Roger. Hey, Roger. Ouais. Bon, apparemment, la petite dame, elle est OP pour qu'on vienne, hein. Eh ben, on va la démonter. Je suis en train de la niquer, Roger, là, ouf. Oh, j'en peux plus, Roger. Eh ben, garde-en un peu pour nous, hein. Attends. Allez, venez, on fait un gangbang, les gars. Attends, j'ouvre la porte. Vite, ça va sortir. Vite, dépêche-toi. Eh ben, si ça sort, après, on aura encore tout le temps. Mais oui, on lui remettra la dose. Attends, oui. Attends, chérie, je te la mets dans le trou de balle, là. Je suis pas très fan. Oh, putain, t'es tombé sur du lourd, là, ma petite. C'est bon, on est coincé, là? Bon, Roger, viens, on s'en va là, hein. On s'en va, on la baise pas la petite. Oh non, on est parti. Moi, ça y est, je l'ai bien baisé là. On est appelé sur une autre mission. Ah bon, déjà? Allez, ciao, les mecs, merci. Allez, stop. Je l'avais déjà la main. Eh ben oui, je sais bien, ouais. Bon, alors, Kevin, tu as un peu monopolisé la discussion par rapport à la pauvre Margot qui était un petit peu soumise, si je puis me permettre. Ouais, c'est normal, c'est une femme. Arrête un peu de dire des conneries. Bon, du coup, maintenant, à vous de voter, les mecs et les filles. Hashtag et Mickaël, est-ce que vous votez pour Kevin? Est-ce que vous votez pour Margot? À la décharge de Margot, c'est vrai qu'elle n'a pas eu l'occasion de vraiment beaucoup en placer, mais dès qu'elle avait une possibilité, elle y allait également. Donc faut pas forcément voter pour celui qui a le plus parlé, mais pour celui qui a le mieux joué. Si vous avez envie de voter, eh ben allez-y. Trop fort, j'adore, je suis plié, c'est Fredes 34. Dédé qui dit le mec, il y va direct, il est trop chaud au jeu de l'impro là. Putain, il est à fond le mec, c'est Stéphanini. Mort de rire, il est énorme pour Drakit. Et puis Magda qui dit oui, il faut que ça baisse tout le long. Bah pas forcément tout le long, mais là en l'occurrence c'était le cas. Bon, allez-y, votez, vous avez le temps de la pub. Et nous on revient en direct dans quelques minutes. Kevin, Margot, restez là. On va récupérer Bruno Romuald qu'on a de nouveau là. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est là. Et puis, on va se mettre le dernier son de ce soir. Cache-cache. Take me home. Voilà, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, no limit. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et toujours en direct évidemment dans toute la France. Ne loupez pas également demain l'interview de Pharrell Williams. Ça démarre demain matin à partir de 6h avec Bruno. Et puis l'après-midi ce sera chez Dario, juste avant Love in Fun. Donc soyez bien au rencard. Et toute la journée vous allez pouvoir écouter le son d'Enfloor de Fun Radio, bien sûr avec du Pharrell Williams. Et vous saurez tout sur Pharrell, ce qui est quand même plutôt un bon plan. 23h48 avec Party Fun qui arrive dans une dizaine de minutes également. Et puis un message aussi qui est arrivé d'El Chico qui dit: je réussis même à faire écouter Fun à ma mamie. Ah bah, comme quoi, tout est possible. Merci El Chico. Et rejoignez-moi également hein, sur le Facebook, sur le Twitter également. Là, on est plus de 26 000 alors que l'émission n'a que 7 mois. C'est plutôt cool sur le Twitter de l'émission. Tapez Mickaël underscore... non, pas du tout. Oui, Mickaël underscore officiel. Je suis tout mélangé, moi. Mickaël underscore officiel, c'est avec le petit tiret en bas. Et puis, bah, si vous me followez, bah, je vous followerai également. Voilà, mais par derrière pour les filles, évidemment. Cache-cache, c'est le son d'Enfloor qu'on écoute maintenant avec Take Me Home. Les résultats également du match d'impro, c'est juste après sur Fun Radio. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, il y a Karim qui dit: ça t'arrive de lire les tweets? Non, jamais. Je suis totalement contre ça. Ah oui, c'est honteux. Ah, je ne lis jamais les tweets. Non, je passe ma vie à les lire, Karim. Après, il faut mettre des trucs intéressants, hein. C'est pas parce que vous mettez un truc à la con que je vais forcément le lire. Il faut que ce soit intéressant, rigolo, etc. Faut pas juste mettre... si vous mettez juste salut, bah oui, bon, on lira d'abord les autres tweets. Et puis si jamais vraiment on est en galère et qu'il y a personne qui nous écrit, on le lira. Mais je veux dire, voilà, c'est pas parce que vous tweetez un truc que d'office on va le lire à l'antenne. Un jour, un garçon m'a enfermé dans les toilettes avec le verrou à l'extérieur. Je suis resté coincé une heure. Ça va, c'est Amélie. Christelle qui dit: comment je suis tellement mort de rire devant le PC, là il y a de la baise. Ah bah oui, là il y a de la baise. Il y a Théo qui dit: mec, je vous kiffe. Il y a Antonin également. Mickaël, franchement, enjaillement du dimanche soir grâce à vous, c'est cool. Ça, merci. Le prince n'y a qu'il y a eu il y a du level dans le match d'impro ce soir. Camille également: quel dégueulasse le mec. Et Vivien: super la soirée avec un pote, le mec dort depuis 23h, du coup je vous écoute, elle est énorme l'émission. Bah c'est gentil, merci beaucoup Vivien. Bah finalement, si tu connais pas, c'est grâce aux potes en fait. Eh ouais, donc il a bien fait de dormir. Il a bien fait de piquer un roupillon au final. Eh oui, complètement. Bon, impro, Kevin, Margot. Ouais. On n'a pas encore le résultat final. On ne sait pas encore qui va gagner. Mais vous avez encore quelques minutes pour voter sur le... hyper serré. Ouais, arrête Nico. Non, vraiment. Moi, j'ai pas les chiffres, Margot. Donc, je sais même pas si Top se fout de ma gueule ou pas. Mais moi, je sais le résultat dans ma tête. Donc. Ah, dans ta tête. Arrête. Mais tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Dans ta tête ou dans les comptes? Bah non, mais d'après ce que je vois sur Twitter... Ouais, mais on prend pas que Twitter, on prend aussi Facebook et les SMS, attention. Hein. Ah, ok. Ouais, parce que par exemple, si je prends les SMS, c'est quasiment que pour toi, Margot. Genre... Bah... Ah dis donc, c'est incroyable ça. Crois pas en toi Margot, c'est dingue. Remets-toi en question alors. Parce que regarde, nous sur le Twitter, les Facebook et même sur les SMS, quand dans l'absolu on prend rien. Donc tu vois, on pourrait dire comme Nico, tu vois, ouais, c'est serré, donc continue à voter. C'est génial, continue à voter sur SMS surtaxé, c'est magnifique et tout. Mais là on s'en fout, tu vois, on gagne rien. Donc si on te le dit, c'est que c'est vrai. Ouais, ok. No stress, Margot, Kevin, bougez pas de là. Bon, okay. Bah bougez pas de là, justement, tiens. Bon, Bruno et Romuald, là, pour terminer, là. Bruno et Romuald. Écoutez. Bruno. Ouais, ah, voilà. Bon, Romuald qui nous avait appelé parce qu'il y a une petite bille. Bruno qui nous a appelé parce qu'il en a une grande. Et Bruno. Ouais. C'est quoi le bruit derrière? T'as le kit manie, Bruno, au parleur? C'est bon, j'ai baissé, c'est bon. Ah, voilà. Bon, et donc, du coup, tu voulais réagir, toi, par rapport à Romuald, donc qui a une petite bite. Ah, exactement. Alors, on t'écoute. Bah, moi je voulais simplement lui dire que avec le braquemar que j'ai pas eu de soucis en fait. Bah donc je disais que j'ai pas eu de soucis et j'avais des petits trucs à voir, j'avais des petits trucs à vous raconter, c'est pas forcément des conseils pour Romuald quoi. Ah bah vas-y raconte. Bah moi donc voilà, je m'appelle Bruno, je viens de Cressinsac. Ouais. Moi, avec ma copine, c'était complètement difficile. Hein, parce que moi j'ai un beau 23. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai un bon moment. Et puis, bah, une fois, j'ai eu un pic à 25. Faut que j'ai essayé une super pilule. C'est Écomite. Ça, c'est un conseil à Romuald. Attends. Éco quoi? Est-ce que Paulo est intéressé? Écomite. Écomite. Mais moi, je prends de l'Écomite, ça en fait 7 cm. Bah, c'est déjà ça, mec. Ouais. Bah ouais, on va pas cracher sur quelques centimètres. Ah bah, surtout quand j'en ai peu. De l'Écomite. Et t'achètes ça où, ça, ça m'intéresse, je veux tester les commites. Alors, les commites, il y a une petite boutique à côté de chez moi, c'est tenue par un chinois. Et bah, dans la boutique, il y a de les commites. C'est le produit du petit chinois que je l'appelle. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais... Eh, tu peux pas acheter les pilules et les envoyer à Toff et à Polo? Bah, y a pas de soucis. Et on te les rembourse, hein, mais c'est juste qu'on va pas venir jusqu'à Cahors, quoi. La maison, avec les commites, les rois de la bite. En fait, ça, t'es le slogan. T'es le commercial de la société ou comment ça se passe? Non, mais bon, voilà, quand c'est bien, je le conseille, quoi. Non, mais d'accord, ok, bah écoute, au moins c'est fait. Bah, Romuald, Écomite, le roi de la bite. Ouais, non, mais un comique. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que Bruno va nous en envoyer, je teste, si ça marche, je t'offre une boîte. C'est pour moi, Romuald. Ah bah voilà. Ça va marcher direct. Ah bah on verra. On va tester. Hein, ouais. Envoie-moi pour moi aussi, je veux tester ça. Voilà, ouais. Bon, bah Bruno, je te renvoie chez Sandro et on va prendre les coordonnées alors. Ok. Ça roule. Ouais. Et n'oublie pas qu'avec Écomit, la rade de la bite. Voilà. Ouais, Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Non, bah, je vais répéter le slogan, la rade de la bite. Ouais, ah, d'accord, ok, très bien. Bah, voilà, message est passé. Merci, Bruno. Okay. Ouais, je peux faire un petit dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Je vais pas choisir la bonne, je vais faire une grosse dédicace à tous ceux qui ont des grosses bites, tous les consommateurs des commits. Oh putain les gars, dédicace sur Fun Radio, je suis passé. Et commits. Eh ben voilà. Salut Bruno. Ciao toi. Il est même pas à lui, hein. Ah bah ouais, mais écoute, il y a une grosse bite, Romuald, qu'est-ce que tu veux? Ouais, non mais attends, c'est un peu jaloux quoi, attends, c'est pas... Mais moi vous m'avez dit que la petite bite ça faisait pas une différence parce que les filles elles avaient un gros clito. Mais comment on fait quand on est gay? Parce que moi, tous mes copains... Ah, là, t'es dans la merde, ouais. Ah, mais sérieux? Mais tant mieux pour toi. Pour le fion, c'est parfait. Tant mieux pour celui qui prend, quoi. Ouais, voilà. Mais moi, en fait, on était une bande de copains... en fait, c'est là que j'ai compris que j'avais une petite bite, quoi. On était là, alors il y avait David, Benjamin, Norman, Jordan... Tu dédicaces placé comme ça, vite fait. Vite fait, ouais. Ça? Non, vas-y, continue. Ah mais attends, moi j'étais là avec mon petit truc, genre j'en pouvais plus, ça fait 3 ans que j'ai pas touché une queue quoi. Bah ouais, mais de toute façon faudra faire avec, hein, Romuald, on peut pas l'agrandir, hein. Non, ah, ouais. Fais poser une prothèse. Oui, ça tu peux faire aussi. Non mais sérieux, faudra faire avec, hein, enfin sans en l'occurrence. Ouais voilà, sans, hein. Ou alors t'es passif. Mais pas du tout, mais attends, non pas du tout, je suis pas passif du tout, mais genre je mets plus le moubite, moi, c'est fini. Ah oui, non, il vaut mieux pas alors. Ou alors tu mets une petite coquille. Ouais voilà, mais attends, mais c'est ce que je fais déjà dans mes jeans. Tu fais comme Toff, tu mets des chaussettes. Exactement, ouais, tu mets des petites chaussettes. Des grosses chaussettes, tu veux dire, des chaussettes. Ouais, ou des grosses chaussettes, ouais, ça tu peux faire aussi, ouais. Des chaussettes de ski. Par exemple, ouais, c'est celle qui passe le mieux. Ouais, c'est celle qui passe crème. Une bouteille de Red Bull, Toff, il fait. Exactement, ouais. Tu peux essayer ça, hein. Non mais après Maxon, Romuald faudra faire avec, hein, pas d'autre solution malheureusement. Ah, parce que moi j'avais un copain, il s'appelait Johan, ouais. Il avait une queue qui faisait 32 cm. Mais non, c'est ce qu'on appelle un cheval. Moi aussi. Ça, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Oui, il te l'a dit, 32 cm, mec, tu te rends compte de la 32, taille du t'imagines truc. La violence. Eh, c'est plus grand que le micro que j'ai là. C'est-à-dire que c'est une matraque. Putain, c'est 30, violent quand même. Même dans les films porno, je crois que les mecs, ils ont pas 32 non, cm. Non, je crois pas non plus, non, mais bon. Non, même Rocco, c'était pas. Non, Rocco, il doit avoir 20, 22, 23. Ah, tu m'étonnes, oui, ça l'avoir dans le fion, ça doit faire mal, ouais. Bah, merci Romuald d'être passé. Bah, bon courage avec la petite bite alors, hein. Merci. Bon, ben à bientôt, Romu. Ciao à toi, bye bye. Camille aussi, vite fait pour finir, là, qui est déjà restée coincée où ça, Camille? Moi, je suis. Salut. Salut, t'es restée coincée où, toi? Moi, je suis coincée dans les toilettes d'une aire d'autoroute. Oh merde, ça, c'est en plus, c'est plus dégueulasse. Et oui, et j'arrivais pas à ouvrir la clé, et mes parents répondaient pas au téléphone. Ah, mais ouvrir la clé, c'est normal, hein. Comment? Que t'arrives pas à ouvrir la clé, c'est normal. Ah oui, non, à tourner la clé, pardon. D'accord, ok. Et donc, du coup, tes parents sont restés dans la voiture, ils t'attendaient, quoi? Non, mais j'étais en stress parce qu'ils répondaient pas au téléphone. Je croyais qu'ils étaient partis sans moi et je suis parti dans un délire. Et genre, ils t'ont abandonné Et ouais, presque. Et d'accord. C'était les gens qui étaient dans les toilettes qui criaient « Oh, il y a un petit coincé et tout !» Mais mes parents, ils ont fini par arriver. Ah putain, combien de temps? 2 jours. Après un bon quart d'heure. Ah oui, quand même, ouais, très bien. Et alors attends, il y a Maxence aussi qui est avec nous là. Ah ben Maxence, tu nous as déjà raconté ton histoire, toi, non? Non, vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, ouais. Mais t'es déjà passé à l'antenne ce soir, Maxence, non? Quoi? T'es déjà passé à l'antenne, non? Non, c'est mon pote, il m'a fait une dédicace et moi aussi j'ai été bloqué. Ah, ok. J'ai été bloqué à Disney, ou la tour de la terreur. Ah, ouais. On fait l'attraction et tout. Ouais. Super, et là on va, c'est le dernier truc. Et on reste bloqué au milieu. D'accord. Et l'autre il se marre derrière. Après on est resté bloqué au milieu, donc le service il est venu une heure après. Ah mais il s'occupait sur autre chose, c'était la pause. Mais c'était Disney, je sais pas. C'est bizarre, parce que d'habitude ils vont super vite, hein, Disney. Hein, au contraire, ils laissent pas les gens galérer. Ouais, hein. Ouais, peut-être si c'était dans l'ascenseur, l'ascenseur était passé en haut. Et... Ouais, peut-être. Gratuite. Ah bah voilà, finalement t'as eu ça, c'est déjà pas mal, effectivement. Ouais, ça, moi ça m'était arrivé obligé. À Disney aussi. Hein. D'avoir une place gratuite? Ouais, mais non, mais c'était en fait donc c'était une attraction que je voulais faire et donc chaque fois que j'y allais, il la fermait parce que soit il y avait un problème technique, soit parce qu'il y avait trop de monde, etc. Et donc à un moment je vais prendre la tête au mec de Disney, je lui dis ouais putain ça fait trois fois de suite qu'on revient sur 2 jours, on peut pas la faire. Mais c'est pas grave, je vais vous filer un bon pour pas faire la file à Pirates des Caraïbes. Ok, il y avait personne à Pirates des Caraïbes. L'enfume, ouais. Bah, merci Camille, merci Maxence d'être passé, je vous fais des gros bisous. Je peux avoir un patron? Ouais Camille, sans problème. Salut Maxence, salut Camille, gros bisous. Salut à vous, bye bye. Et nous avons enfin le résultat final. Kevin, Margot, vous êtes là tous les deux? Ouais. Alors attention. Résultat, allez. Résultat final donc. Margot, combien mesures-tu? Elle est daronne, Toff. Mais elle m'a déjà demandé. Ah, en plus. Elle a demandé aujourd'hui? Non, il y a. Non, il y a la semaine cette semaine. Ah, cette semaine, je t'avais demandé. Bon, c'est maman, t'as dit je te kiffe. Ah, ouais, c'est vrai. Je te kiffe, mais malheureusement, ça ne te fera pas gagner. C'est Kevin qui a gagné. Eh ben bravo Kevin. Ouais, merci. Eh ben je t'en prie, on va te filer les compil fun, y a pas de souci, y a tout ce qui est en stock aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah y a aussi, on peut te filer un beau sextoy Kevin. Ah bah oui, il va kiffer. Tu vas voir, tu vas kiffer. Et tu veux de l'éco-bit? Ah oui. Bon ça va alors. Éco-bit, le roi. La bite, évidemment. Bon, salut à toi Kevin, salut Margot, merci, gros bisous. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Bah mon meilleur ami qui est en train de m'écouter. D'accord, voilà. Eh ben on l'embrasse également. Salut Salut tout le monde. Ciao, salut. Margot, à bientôt, bye bye. Bon, et puis on a le résultat également, le top tweetos maintenant. Alors celui qui va repartir avec aussi, c'est que Stoyo faire part. Passagedudésir.fr. Évidemment. Alors, on avait dit que c'était le numéro 1, sauf si le numéro 1 a déjà gagné, à ce moment-là sera le deuxième, troisième et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit quelqu'un qui n'est pas encore gagné. En plus, il a un nom qui mérite de gagner. Numéro 5. Fred S. Numéro 4. Le Prince Nadia. Numéro 3. Drakit. Numéro 2. Magda. Numéro 1. Le fils d'enculé. Ah, le fils d'enculé, donc ça y est, il est revenu, il a réussi à garder sa première place. Ouais. Bravo le fils d'enculé, hein. Ah oui. Il est bon le fils d'enculé. Eh ben bravo, c'est tout ce qu'on peut dire, effectivement, bravo à lui. Bon, et puis pour avant de partir, là, il y a Adrien qui est avec nous là pour le générique de fin, là. Salut Adrien. Yo. Oh, le vieux rappeur en bois. Ça va Adrien? Yo. Adrien. Bon, t'es là, ma gueule. On y va. T'as pas mué, toi, ma gueule. Hein. Ah non, pas encore. Non, mais ça va venir. Hein. Ça arrive à nos meilleurs. T'inquiète, Adrien. Es-tu prêt? Bon, t'es prêt, Adrien, pour le best-of, pour le générique de fin? Ouais, ouais, c'est bon. C'est parti. Ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu trouves des bites à te sucer, toi l'enculé. T'es un enculé, t'encules ton nom. Y'a vraiment personne qui a qui comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encules ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger. T'encules ton nom toute la journée. Là, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Bâtard. Petit enculé. Vous êtes un sacré petit galéron. Ah bah oui, là, complètement, ouais. Tu es enculé, toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais prendre un avion, je vais venir te pratiquer au gros PD que tu es. Quel cochon de bouquet, tu es un enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitaires, te suces, toi l'enculé. T'es un enculé, t'encules ton oncle. Oui, tous les deux, on est des enculés. Voilà, et c'est pas oui on est deux, c'est oui tous les deux. C'est oui tous les deux, pas oui on est deux. Je me trompe à chaque fois. Adrien, t'as été mauvais. Voilà. Désolé. Ouais, c'est rien. J'ai une question. Dis-moi. Où est-ce que tu trouves la musique de la dédicace? La musique de la dédicace. Eh ben écoute, j'ai dans la machine, j'ai tapé kitsch et c'est ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Attends. Voilà. Attends, je note. Non, mais ça s'appelle comme ça, mais parce qu'on a des banques de données. Mais après, je sais pas ce que c'est. Pourquoi t'aimes bien cette merde? C'est la merde de Toff. C'est la musique de la merde de Toff. Oui, on peut voir ça comme ça. Je suis sûr qu'elle sera ravie de la prendre. Elle est très heureuse d'ailleurs. Bah oui. Salut Adrien, en tout cas, merci d'avoir écouté Fun et merci d'être passé sur l'antenne. Allez, salut. Salut Adrien, ciao à toi. Bye. Et on va remercier également notre pâtissier hein, qui est venu avec ses petits macarons ce soir. Hein. C'était dégueulasse. Plaisir, eh ben merci. Mais non, non, il était super bon. Non, hein. Je suis plaisant, j'en ai pas goûté. Bah merci beaucoup. Et puis bah prochaine fois pour Polo, la tarte aux pommes. Hein. Voilà, la tarte aux pommes. Il attend avec impatience. Ah, il a dégommé la tarte que Toff a ramené tout à l'heure. Ah ouais, la tarte comme à la crème, là, il l'a déglingué. Un gros porc. Une vache. Une vache. Ah ouais, j'assume. Oh là, la violence. C'est tellement bon. Bon, bah merci en tout cas. Donc, Jérémy Titi, que vous retrouvez sur le Twitter, hein, c'est régulièrement. Tout à fait. Bah, rapproche-toi du micro parce que t'es pas là pour faire que tu viens à chaque fois que tu parles à 3 km. Tout à fait. Voilà, tu vois, on t'entend mieux là comme ça. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis, bah, quand tu veux. Hein. Pas de soucis. Mais avec à bouffer à chaque fois. D'accord. Parfait. Allez, bon week-end. Bon, bah, bonne fin de week-end tout le monde. Bon courage à ceux qui reprennent les cours demain. Profitez bien à ceux qui sont encore en vacances et profitez sur bien à ceux qui démarrent seulement les congés. Hein. Eh bah oui, chacun son tour. Hein. Bah oui, faut que ça tourne. Exactement. Et toutes mes condoléances à la famille Toff, hein, ouais, Toff, Toff, donc je sais qu'il est décédé depuis 20h. Sous sac à merde. Voilà, c'est ça. Merci à tous ceux qui ont été connectés ce soir, très très nombreux sur le Facebook et le Twitter, notamment Gru qui était là, il y avait Nicolas, il y avait qui était là, attends, hop là. Il y avait The Best Fan of Mickaël, Stéphanini bien évidemment, Brother qui était là, Margot du 26, Fred S34, il y avait également Uncut qui était connecté ce soir, Magda bien sûr. Let's Be Freaks qui a fait un petit passage éclair, Laura, etc., etc. Et bien sûr, le gagnant qui s'appelait encore, j'oubliais, le fils d'enculé. Le fils d'enculé, bien entendu. C'est ça. Allez, on se retrouve demain à partir de 23h. Salut, salut. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les 3 vœux. Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 20h à minuit, sur Fun Radio.